J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. J'avais dit que j'allais hurler. Ah, j'ai pas entendu. Ah, je me suis éloigné du micro quand même. Ça peut revenir à tout moment. Hein, donc, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Le 14e numéro, je crois, Adrien. Non! Si. Bah, j'ai eu peur. Oui, on est au 14e numéro. On arrive tout doucement vers la fin de l'année. Bah, pas c'est vrai, ça. Bah écoute, ouais, il y aura des vacances hein, cet été, il y aura pas de numéro. Ah bah j'espère hein. Attendez. Bah, après moi je reviens de vacances, mais bon, on va faire 3-4 numéros je pense et puis après on se barrera tout simplement. Comme à l'accoutumée, autour de la table, trois invités et un mec qui est un peu tout le temps là. Faut qu'on trouve un le sniper mais après on me compare à Baffy, c'est chiant. Écoute, on pourrait te comparer à Daesh, ce qui serait quand même oui, ça serait vraiment un habitué, celui qui a sa table, disons. Tu vois, on dirait un truc comme ça. En tout cas, il a sa chaise. Bon, en tout cas, vous l'avez reconnu, son petit grain de voix, il s'agit d'Adrien Méniel. Oui. Merci bien. Adrien, peux-tu te présenter pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas? Eh bien, là, on peut le dire maintenant. Je suis copie-comique. Voilà, on voulait le dire aux gens. Je le disais en blague un peu jusqu'à présent, mais là maintenant il y a des gens qui commencent à payer en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a Baptiste et Kairon qui ont failli tomber alors que malheureusement c'est pas montages. Eux. Oui, voilà, c'est pas voilà. Eux. Donc voilà, j'utilise iMovie. Si je te dis par exemple, alors qui c'est qui paye l'addition? Muriel Robin. Ouais, bah voilà, c'est copie-comique. Voilà, il sait directement à qui appartient le sketch. Voilà. Voilà, et puis il joue avec les petits logiciels. Ouais, donc, c'est un réflexe quoi. Une blague, je fais dis donc, c'est pas toi. Bien joué. Bah peut-être tu le referas dans cette émission. Faites attention si vous voulez des blagues. Il y a Adrien qui. Attention, je veille. Nous sommes également avec Mélodie Collange. Oh oui. Bonjour. Alias Mélo Coco. Mélodie, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh ben, je m'appelle Mélodie Collange, alias Mélo Coco. Après, c'est pour les intimes. Hein. Ah oui, je ne sais pas. Bah, c'est quand même ton nom sur les réseaux. Bah, c'est mon pseudo, mais c'est un surnom à l'origine. Sur Insta, c'est pas d'ailleurs Mélo Coco Coco? Y a pas plusieurs co? Non. Je suis fou. Je crois que tu confonds avec mon Pinterest. C'est Mélo Coco Fichol. Fichol. Oh. Parce qu'on me l'avait piqué, Mélo Coco. Dégueulasse. Ouais, dégueulasse. Que fais-tu? Comment te décrire pour les gens qui ne te connaissent pas dans ce que tu fais dans la vie? Mon métier principal, c'est chef costumière, si on doit mettre un exact. Métier principal des dans étiquettes, tout ça. Oui, bien sûr. Mettons des étiquettes. Mettons des étiquettes. Et puis voilà, c'est le métier que j'exerce la plupart du temps. Au quotidien. Au quotidien. Tout simplement. Au quotidien. Nous sommes également avec Babar. Ah oui. Merci. Pardon. Merci. Un peu copié sur Babar. Je suis désolé, Clément, c'est copie comique. Hein, donc malheureusement, oui, il ne peut pas se retenir. Voilà. Je vais pas faire comme les autres et je vais assumer, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Babar, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Ouais, si je devais résumer, je dirais influenceur. Pour une marque en particulier? Non, j'en ai plusieurs après. Est-ce que je suis pas sûr que ce soit. Enfin, c'est assez unilatéral t'as globalement. Été quand même. J'ai été Girifeed, je suis pas mal sur Pulco aussi, FreeGames.net, contrefaçon chinoise de qualité. Non, j'ai pas mal de labels. Voilà. FreeGames.net. J'aurais dû voir mes casquettes, je suis con. J'aurais adoré. Nous sommes également avec JB de Tales from the Click. Ouais. Bravo. Juste. Un peu copié sur Tales from the Crypt. Mais c'est copié. Mais là, ce qui est fou, c'est que c'est même pas c'est même pas comique. Et pourtant, tu vois. Ah ouais, tout ce qui est. Parce que j'ai aussi une autre chaîne qui ne démarre pas qui s'appelle Juste Copie. C'est tous les trucs copiés. Celle-là, elle a du mal à décoller parce que, bah voilà. Oui, c'est un petit diesel, quoi. Pour le moment, il n'y a pas de. Putain, il y a un petit jeu de mou, je m'attendais à des barres de rire quand même, non? Non, rien. JB, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Ouais, bah justement, j'ai créé une chaîne qui s'appelle Tales from the Click et qui parle essentiellement de cinéma. Et puis, voilà. Très simple, efficace. Tu es déjà venu auparavant. Mélodie aussi, tu étais venu sur la spéciale Harry Potter. Il n'y a que Babar qui se dépucelle devant nos yeux. Tout nouveau. J'adore voir ça. Ah, je pense. Comme à l'accoutumée depuis quelques épisodes, est-ce que c'était déjà le cas quand tu étais venu, JB? Je me souviens plus. Non. Je crois pas. Non, on l'a inauguré peu de temps après. On commence l'émission avec un petit jeu. C'est déjà un jeu. C'est-à-dire que j'épluche l'actualité comme un vulgaire petit fruit, hein, je vous le dis tout de suite. T'as un économe et puis. J'ai mon petit économe et j'épluche l'actu. Et je tombe sur des petites actus insolites et je vous fais participer. Tout simplement, je suis Laurent Ruquier. Je peux pas vous dire mieux. Je suis Laurent Ruquier des grosses c'est têtes. C'est les grosses têtes. À mes yeux. Je crois. Quelle. Attends, mais est-ce que vous avez pigé. En gros, il va nous dire il faut deviner l'actu insolite bah, dont il va parler. Bien plus clair en tout cas. Non, mais tu vas commencer à parler d'une actu, il faut deviner ce que c'est. Chute, je vais vous poser une question, vous allez tout de suite comprendre. Je sais pas non plus, toi. Tu ne me parles plus jamais comme ça, par contre. Surtout quand on va faire le live. Ah, ouais, chute. Tais-toi, on n'en dit pas plus. Donc, le jeu, je vais vous dire. Mal parlé, c'est la punition. C'est la moindre des choses, je l'ai mérité. Quel nouveau challenge idiot et en plus dangereux est apparu récemment sur le web? Tchernobyl. Il faut se brûler le visage. Alors moi, petite parenthèse, Adrien est un peu avantagé parce que t'es féru de mèmes. Il adore les mèmes en fait. Je suis accro aux mèmes. T'es un mème lord ou Je suis un mème lord, oui. Okay. Bah moi, je suis à la maison, je me pose devant un bon mème. je m'éclate. Et tu dégustes. Voilà, comme un bon vin là, petite gorgée par petite gorgée. D'accord. Non mais si par exemple je croise une meuf et que je me retourne par exemple, t'aimes bien ou pas? Bah c'est génial parce que moi je vois déjà les étiquettes que je vous mets dessus. Et c'est genre Kinder Country, info Kinder Country, tu vois des trucs comme ouais, ça. Bon là je dis ça parce que c'est pas du tout ce qu'on jette sous les yeux. Mais ça me fait une transition pour ce que je voulais dire, c'est que Kinder a essayé là de lancer un challenge. Le Pingui Challenge. Le Pingui Challenge. Où C'est il faut marcher comme un pingouin et c'est tout, voilà. Et ils font des vidéos avec des familles de blancs. Est-ce qu'on peut comme toujours et qui marchent comme des pingouins et c'est horrible, c'est l'enfer. Et on peut dire que ça prend assez peu. Pingui Challenge. J'en ai peu vu sur les réseaux sociaux. Alors il s'agit pas du Pingui Challenge. Alors en vrai, je pensais que tu parlais des Instagrammeurs qui vont à Tchernobyl pour se mettre en photo en string. Ah, y'a ça? Ah, bah, vous connaissez pas ça? Non, en fait, depuis la série Tchernobyl sur c'est HBO, je crois, non? Bah, bien sûr. C'est ça. En fait, il y a une envie chez les gens d'aller à Tchernobyl, et en gros, il y a des Instagrammeurs et Instagrammeuses qui vont là-bas, et les Instagrammeuses, certaines, se mettent en string en photo illustrée. Pourquoi? Et c'est pas string? Une OP. Bah, en fait, pour faire une photo où tu cliques parce qu'il y a un boule, quoi. Tu vois. Ah, oui, d'accord, ok. Voilà. Mais c'est pas une OP pour la série. Non, c'est pas vraiment. Ce serait une OP étrange, vu le mood de la série. Oui, mais pourquoi pas? Il n'y a pas de mauvaise publicité. Bah, d'abord, on t'attend, hein. On attend la photo. Et Jerry. Bah, oui, moi, j'attends qu'on me paye le voyage. Parle bien devant ton petit micro, Clément, je t'en supplie. Autant pour moi. Il faut calmement coller la bouche. Il faut pas hésiter. Sur la mousse. Donc, le nouveau challenge idiot et en plus dangereux. Sachant que Yvick a pété dans un des micros. Mais c'est la vous lequel. Le jeu du furet. Tu crois pas si bien parce que l'odeur n'était pas éloignée de celle d'un furet mouillé. Je connais. Qui sort de sa tanière. Je connais Yvick. Donc du coup, un challenge qui est. Alors vous pouvez évidemment poser plein de questions. Qui est dangereux, hein, c'est ça. C'est assez c'est dangereux. De prime abord, on croirait potentiellement que c'est pas forcément dangereux, mais en fait c'est dangereux. Est-ce qu'il se fait tout seul déjà, ou est-ce qu'il fait à plusieurs? Alors t'es tout seul, mais c'est difficile. Non, t'as besoin d'avoir l'aide de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est déjà mort? Non, mais c'est dangereux à en mourir. Est-ce que ça a un lien avec les trottinettes? Pas du tout. Est-ce que il faut ingérer quelque chose? Non. Est-ce que ça inclut de la hauteur? Non. Un véhicule? Non. Il faut s'infliger une douleur? Non. Mais c'était bien. Mais formulé. C'est mortel. Ouais, c'est mortel. S'infliger une douleur, j'avais bien aimé. Donc c'est pas tu bouffes pas un truc, tu. C'est un truc avec des objets du quotidien. Il y a une chorégraphie? Il y a pas une chorégraphie. Il y a un résultat final un peu marrant. Faut avec faire des tenir des trucs en équilibre? Non. Faut mettre des trucs sur soi. Est-ce que c'est du même acabit que la? Faut mettre des trucs sur soi. Un truc sur soi. Se recouvrir de quelque chose. Exactement. Okay. Entièrement. De merde. Pas la tête. Non. De sa propre merde. Du papier bulle. Non, mais tu t'approches. De la cellophane. C'est du papier d'alu. Il y a eu le cellophane là. Peut-être. Où les mecs se font comme ça, ils sont comme ça, non, c'est pas ça? Alors ce n'est pas ça, mais peut-être ça a existé. C'était cellophane challenge. Oh, bien joué du coup. Bah, c'est bien trouvé. Je suis pas sûr que ça. Du coup, j'ai proposé du papier d'alu. Alors ce n'est pas ça. Du PQ. Non plus. Ce n'est pas spécialement dangereux. Est-ce que c'est quelque chose qui se trouve en rouleau? Oui. Oh non, mais là il le pensait pas. Des sacs poubelles. Exactement. Donc t'es presque, t'es pas loin. J'ai presque envie de te l'accorder. C'est pas le truc où il faut mettre l'aspirateur après. Exactement. Ouais. What? Ah, il faut comme les vêtements là. Exactement. Il s'agit du vacuum challenge. Le concept est très simple, c'est-à-dire que vous rentrez dans un sac poubelle et vous mettez, alors votre comparse met un aspirateur dans le petit trou au niveau de la tête et aspire. On laisse sortir la tête. On laisse sortir la tête. Mais c'est pas dangereux. Et alors, je vais tout te raconter. Mais en gros, tout l'air sort et du coup, tu es collé à ton sac poubelle comme si c'était vraiment collé à ton corps, quoi. Moi, j'ai un peu envie de le faire, mais. Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai un peu envie de le faire. Ah. Alors, le problème, c'est que des gens le font avec des enfants. Et malheureusement, les experts ont expliqué que le risque d'étouffement est réel si le coup du piégé est serré trop fort ou trop longtemps. Ah oui. Ce qu'on dit également avec les sacs poubelles, les sacs plastiques sur la tête. Sur la tête. Là, c'est le principe de l'étranglement finalement. L'étranglement. Et en fait, si tu sors que la tête, la circulation sanguine peut être altérée parce qu'en fait, pour que ça marche bien, faut qu'il y ait pas beaucoup d'air. Donc oui, les donc parents ont parfois tendance à serrer un peu trop et du coup étrangler leur propre progéniture. Tuer leurs enfants. On est à 16 morts. Voilà. Et surtout, en fait, le truc qui est un petit peu étrange, c'est un média néerlandais qui le dit, c'est que ce challenge a trouvé son origine dans des pratiques sexuelles sadomasochistes. Ah bah. Qui trouvent excitant de se faire emprisonner dans une combinaison près du corps à la merci de son ou son partenaire, c'est-à-dire que tu te mets dans le sac poubelle, t'es tout serré machin, tu peux plus bouger, et après, bah, on peut te chier dans la bouche, spermer dans les yeux, enfin bref. Plein de petits trucs sympas qui peuvent arriver quand tu ne peux plus avoir possession de tes moyens. Seconde question, quelle pratique marrante mais un peu humiliante a mis en place un commerçant en faveur de l'écologie ? Alors, elle est un peu tournée à l'ambiquée, mais vous pouvez trouver. Est-ce qu'il y a un rapport avec la crotte ? Alors, pas de crotte sur celle-ci. Du recyclage ? C'est lié au recyclage, c'est plus un truc de déchets. Est-ce que c'est de réduction de déchets. Les mégots de cigarettes. Pas les mégots de cigarettes. Est-ce que c'est une commerçante. Fouiller dans les poubelles des gens pour voir ce qui. Non. Est-ce que ça a un rapport avec les sacs plastiques? Ça a un rapport exactement avec les sacs plastiques. Elle vend des sacs plastiques, mais dessus il y a marqué je suis une grosse merde qui n'a pas un sac réutilisable. Alors ça aurait été plus sympa, mais je te l'offre la réponse parce que c'est ça. Il y a écrit, en fait, elle a fait des faux logos pour, avec écrit genre vidéo pour adultes comme si c'était un sex shop ou alors des trucs de genre machin contre les verrues dans les ongles, des trucs un peu gênants pour dissuader les gens de prendre des sacs plastiques. L'idée, c'est de donner des sacs en plastique avec des inscriptions gênantes du genre la coopérative des soins du côlon, vidéo pour adultes, et avec en dessous écrit éviter la honte, apporter un sac réutilisable. Bon, moi, voilà. Je trouve ça super. C'est pas mal. C'est rigolo. Ça me rappelle un truc que j'avais entendu, je sais pas si c'est une légende urbaine ou quoi, mais c'était genre une entreprise. La religion, Adrien ? Excusez-moi, j'avais envie de dénoncer un petit peu. T'es malade ou quoi ? Non, en gros, c'était une entreprise qui vendait des vidéos porno. Et c'était par fallait commander et envoyer un chèque, etc. Et envoyer un chèque, on s'en branle. Mais en gros, le truc, c'est que je crois que le principe, c'était qu'ils envoyaient jamais la vidéo. Donc les gens gueulaient et disaient vous me remboursez. Et les gens disaient ok, pas de problème, on vous rembourse. Sauf qu'ils remboursaient par chèque. Et l'émetteur du chèque, c'était genre gros porno, la teub dans la chatte, tu vois. Enfin, un truc vraiment très explicite. Oui, et oui. Du coup, quasiment personne n'osait aller déposer le chèque. Ah, là, là. C'est malin. Les gens disaient, bah non, on les a remboursés, on a envoyé un chèque. Ils l'ont pas encaissé, tant pis pour eux, quoi. Putain. Donc, c'est voilà. Un peu Black Mirror, ça, quand même. Ouais, j'osais pas le dire, mais on en est pas loin. Ouais, on s'approche de douloureusement de Black Mirror. D'ailleurs, Black Mirror, alors, pardon. T'allais dire. Vas-y. Non, mais je t'en prie. Bon, écoute. J'allais enchaîner sur le porno. Ah, bah alors, moi, j'allais dire sur Black Mirror. Non, c'était pour dire que là leur campagne de pub, c'est de mettre des articles de trucs qui sont comme dans Black Mirror, dans la vraie vie. C'est ça, leur promo, c'est de dire. C'est, pour moi, c'est Black Mirror, voilà, en fait. C'est ça, non, mais c'est aussi de dire. Vous voyez les trucs qu'on a inventés pour dire, oh là là, mais en fait, c'est. La réalité, et du coup c'est moins bien parce que du coup en fait on invente plus des trucs, c'est la réalité. Enfin tu vois, il y a un truc de t'avoues que c'est pas si fou du coup ce que t'as inventé, que quoi. C'est ce qui allait se passer quoi qu'il arrive. Donc voilà, tu allais dire sur le porno, JB. Excellent masturbeur, JB. On a une petite discussion il y a quelques jours sur Insta, c'était pas mal. Non, en fait, de Insta, calme-toi. <Ouais. rire> Non, j'étais en Bretagne récemment, j'étais dans une librairie. Et tout en haut, il y avait ces fameuses revues porno. Bien sûr. Et en regardant ça, je me suis dit, mais qui achète ça encore aujourd'hui ? Est-ce que des gens achètent encore des revues porno aujourd'hui ? Sûrement. Hein. C'est une vraie question et j'aimerais qu'un footcast soit dédicacé à ça entièrement. Mais alors, je vais même rebondir sur ce que tu es en train de dire. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est les pubs dans Paris sur les kiosques à journaux. Il y a des énormes pubs, mais genre oui. Acheter des magazines porno et je ne comprends pas. Oui. Pour moi, ils misent vraiment sur des mecs qui ont un peu envie de se branler, qui font il y a une meuf à poil, du coup j'ai trop envie de me branler, faut que j'achète ce magazine obligatoirement. Après, c'est un peu des puristes, hein, les mecs qui se branlent là-dessus, faut dire quand même que. Tu crois ? Bah, avec Adrien, on s'y connaît un peu. En... Bah, le floodcast dédié m'a l'air tout trouvé en tout cas. C'est peut-être les gens qui sont électrosensibles, qui peuvent pas utiliser d'appareil électronique et du coup se branlent sur du papier. Sur du papier. Comme le frère dans Better Call Saul. Exactement. Lui, il se branle sur papier. D'accord. Bah oui. Putain, mais il y a encore des papier. Il y a encore des magazines porno mais pas hardcore, genre des trucs juste un peu érotiques, genre FHM, Maxime, tout ça. Ah, je pose la question. Entrevue, c'était pas trop hardcore. Non, entrevue, il y avait des articles. Entrevue, c'était le magazine qui avait pour moi été créé pour que les mecs disent non, mais moi, c'est les articles. Oui. Mais ça, ça existe encore. Je sais même pas, je t'avoue. Entrevue, si, ça existe encore. Ça existe entre quoi, Adrien? Entre vulve. Ouais. Pas mal. Et d'accord. Ok. J'enchaîne. On a découvert. On est pas loin du porno. On a découvert qu'une autre espèce que l'espèce humaine pouvait avoir de chagrins d'amour. Bon alors, trop mignon. Laquelle selon vous? C'est connard de dauphin encore. C'est-à-dire. Pardon, un petit truc contre les dauphins, Adrien, peut-être. Non. Ah, je crois que c'est les éléphants, non? Non, pas du tout. Bah, tu vois. En gros, il y a qu'une seule race en plus des humains qui apparemment ont des chagrins d'amour. Alors, est-ce que c'est un mammifère? Tu ne sais pas. Non, c'est pas un mammifère. Un reptile. Non, mais c'est sûr, c'est pas un mammifère. Un reptile. C'est pas un reptile. C'est un insecte. Non, c'est pas un insecte. Ça reste plus beaucoup. Un animal marin? Oui. Ça peut être un mammifère. Oh, une pieuvre ou poule? Non. Une anémone. Un bigorneau. Un Bernard l'ermite. L'actrice anémone. Un couteau. Non. Un hippocampe? Non. Est-ce que c'est un poisson? C'est un poisson. La carpe. Non, mais le nom du poisson, vous le trouverez jamais, donc je vais vous le dire. Bah, c'est quoi la première lettre? Nemo. Le Rémanta. Brochet. Une truite. Une carpe. Je l'ai dit, carpe. C'est le premier que j'ai dit. Oh, un saumon. On peut faire ça pendant une heure. Uniquement un goujon. Goujon, c'est vraiment le meilleur nom. Il s'agissait du Sicile de zébré. Ouais, c'est un petit peu moins bien. Dont le nom scientifique est Lamatalinatina. Ah, mais il l'a dit, Adrien, il l'a dit. Je l'ai dit avec une voix marrante, mais je l'ai dit. Le Sicilidé zébré, dont le nom scientifique est le Amatiltania. C'est qui? Ça, c'est ce qu'il chante dans Le Roi Lion quand il se lève. Ouais, c'est. Donc le nom ça fait qui est Aya Nakamura, voilà, est un petit poisson monogame. Ouh, qui raciste, forme. Ça va, tu coupes ça. Pas du tout. Tu coupes ça. C'est juste qu'il y avait beaucoup de A. Est un poisson monogame qui forme des couples stables depuis dans le temps. Les deux partenaires construisent ensemble le nid et s'occupent de façon coordonnée des œufs et de l'élevage des alevins, donc leurs petits. Bah oui. Pour accéder à l'état émotionnel de ces poissons de manière objective, sans projeter anthropomorphisme dans l'analyse, pardon, nous avons alevin fine que le croûte. Ouais. Alvin Chabat. Voilà. Nous avons recours au test. Le désert humoristique qui s'est créé pour cette vanne. Les gens ont regretté d'être venus immédiatement. Sauf Babor Carré. Mais je ris pas dans le micro parce que j'ai. Oui. Mais vraiment, Mélo et JB ont détesté. Non, j'ai failli dire Alvin et The Chipmunk, mais je me suis retenu complètement. Alvin de la Simone aussi, le chanteur. Ah, pas mal, c'est bon. Oh, elle est précise. Donc, ils ont retenu un test pour tester. C'est un enseignant de l'université de Bourgogne à Dijon. Eh bah tiens. Tralala. Grâce à ce test utilisé pour la première fois sur un poisson, les chercheurs sont parvenus à montrer que lorsqu'une femelle était séparée de son partenaire, elle devenait pessimiste. Voilà. Non, attends, comment tu détermines qu'un poisson est pessimiste? Alors, je vais te dire, pour mener leur expérience. Il fait son nid, puis il fait. J'y arriverai pas. Franchement, la barbe. Il lève les nageoires, genre, bon, allez, je baisse les nageoires. Et on monte à la surface et il part, il fait, tu sais quoi, ça me saoule. Bon, allez. Pour mener leur expérience, les biologistes ont d'abord appris aux poissons à ouvrir des petites boîtes, mais des entreprises, des petites boîtes en soulevant le couvercle avec leur bouche. Puis ils ont enseigné aux 6 litres zébrés à distinguer les boîtes selon un appétissant verre de vase, tout d'autres boîtes qui, elles, étaient vides. Mais non, mais si. Tout est faux. Mais pourquoi ils auraient inventé tout ça? Le temps passé sur ces recherches. Ça s'occupait en Bourgogne. Et cela, on s'ennuie parfois. Et cela grâce à la couleur du couvercle, noir ou blanc selon les cas. Les boîtes étaient posées soit à gauche, soit à droite dans l'aquarium. Alors que les poissons se précipitaient sur la boîte cachant un verre, ils mettaient plusieurs minutes à ouvrir celle qui n'avait rien. Le test du biais du jugement a commencé lorsqu'on leur a proposé une boîte ambiguë avec un couvercle gris, intermédiaire entre le blanc et le noir, placé au milieu de l'aquarium. Les poissons optimistes vont penser qu'elle contient de la nourriture et ils vont ôter assez vite le couvercle. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Exactement, alors que les poissons pessimistes. Non. Poissons pessimistes, qui est un youtubeur de droite. Alors que les poissons pessimistes vont croire qu'il n'y a rien à manger et ils vont y aller lentement, indique le chercheur. C'est faux. Pour tester. Je termine. Pour tester l'attachement émotionnel de ces animaux, les scientifiques ont ensuite séparé les couples. Nous avons montré que cela augmentait le pessimisme de la femelle, et cela très rapidement. La femelle mettait nettement plus de temps à s'intéresser à la boîte au couvercle gris que lorsque son mâle était dans l'aquarium. Au bout de 48 heures, le mâle était remis dans l'aquarium où nageait sa femelle, dans un souci de bien-être animal. Pour pas qu'il soit trop triste, okay, sinon, sinon après le poisson sort un flingue, se tue, ça, c'est terrible. Un peu sexiste en tout cas cette expérience, parce qu'ils font test que les femelles. Les hommes peuvent avoir un chagrin d'amour aussi. Est-ce que ces expériences on les paye avec nos impôts, parce que moi aussi je suis dans la dénonce ce soir. J'aimerais savoir que c'est important. Bah écoute, je pense que tu peux en tout cas faire une petite demande à l'État. Même Macron nous écoute d'ailleurs. L'équipe a mené le même type d'expérience sur les mâles. La Bourgogne. Les premiers résultats sont similaires. Ça prend du temps. Ça laisse leur un peu de temps. Non mais là c'est clairement quelqu'un qui veut justifier sa bourse. Et qui dit non, attendez, parce que là maintenant il faut compter sur les mâles. Et ça est vraiment. Parce que là on a mis 8 mois déjà à apprendre à ouvrir des boîtes avec la bouche. Bah moi déjà ça pouvait s'arrêter. Je fais putain, stylé. Ouais, on peut faire des poissons, ouvrir des petites boîtes. Tu peux t'arrêter là, franchement. Un plus rapide, le record du monde de gainage a été battu. Ah, c'est 8 heures, un truc comme ça. Non. C'est pas 4 heures et quelques. J'aurais dit plus moi. Alors vas-y, je vais vous demander à chacun. J'étais le premier sur une heure. Bah vu que t'as pointé du doigt JB. Il a dit 4 heures, mais c'est pas la réponse précise. Donc j'attends. Moi, je dis 16 heures. Toi tu. Wow. Ok. Non, Adrien. 5h50. Ok. Mélo. 4h37. 4h21. Malheureusement, t'avais dit 4 heures. Ouais. Et elle a dit 4h37. Uh-huh. Et du coup, elle est plus proche de toi que de 3 minutes. Je suis dégueulasse. Car le record monde est de 4h20. C'est Dana Glowacka, une canadienne professeure de yoga, qui s'est lancée ce défi. Et elle a battu le record, elle a bien réussi, elle a tenu donc 4h20 en gainage, c'est tout incroyable. Simplement. Et c'est. Voilà, on peut la féliciter pour. Alors, ça, l'exploit a été filmé. T'avais pas dit que c'était le record féminin, parce qu'il y a eu le record masculin qui a été battu aussi, je crois. Oui, c'est vrai, c'est le record féminin, pardon, effectivement. Est-ce que vous connaissez le record masculin, je l'ai c'est là 16h. C'est 8h. Bien joué, Adrien. C'est vrai que j'ai dit 8h. Ah, pardon, c'est 8h01. 8h01 minute, et c'est Mao Wedong, et qu'il a depuis 2016, un officier chinois, et personne ne l'a battu depuis. Alors tu sais que quand j'étais petit, quand on est dans les années 80, on avait toujours pour Noël, par un grand-oncle, le Guinness Book des records, c'est vraiment le cadeau que t'offres. On a déjà eu les Guinness Book des records. Enfin, ça faisait rien, parce qu'il était sûrement mort, brillante. Comme tout le reste de sa famille. Non, le Guinness Book, c'était, j'adorais ce ouais, truc. Guinness Book, c'était vraiment le cadeau de Noël. Et en gros, à l'époque, je me disais, j'aimerais trop avoir un record comme ça, mais un record qui n'a jamais été fait. Et je m'étais dit que personne sur Terre n'avait testé dans son jardin de creuser un trou le plus loin possible. Sûr que si. Quelqu'un a déjà fait ça, tu penses? Bah, je me demande. Et quand j'étais petit, je me disais, mais personne n'a fait ça. Donc j'ai commencé à creuser un trou, je me suis fait défoncer par ma mère. Ah, tu l'as fait? Ouais, j'ai commencé à le faire. Et c'est pas allé loin. Mais ouais. Est-ce que déjà quelqu'un a fait ça, creuser le trou, mais pour attends, voir jusqu'où il peut aller? J'ai déjà entendu une anecdote comme ça racontée par quelqu'un d'autre. Quelqu'un copie qui a creusé à fond ce soir. Non, non, en vrai, mais je saurais pas me rappeler qui, mais quelqu'un qui disait j'ai essayé de creuser un trou et ça genre c'est à l'article, ses parents l'ont. Non, mais quelqu'un qui me l'a raconté moi, de vive voix quoi. C'était pas moi après l'anecdote des branlettes sur Instagram. Non. Bah, ils passent d'un sujet à un autre très vite dans leur conversation. En Allemagne, un animal s'est avéré être un serial killer dans un zoo. J'aimerais que vous me disiez quel animal. Un blaireau. Non. Un serpent. Non. Ce wow. serait un peu décevant du coup. Un ouais. poisson. Non. Parce qu'il ouvrait les grilles avec sa bouche. Je sens que ça va être très décevant et ça va être un oiseau, un truc comme ça. C'était tu t'approches doucement, mais c'est pas un oiseau. C'est-à-dire que c'est un truc gentil. Un singe. Un truc non, c'est pas un singe. Un flamant rose. Non, c'est pas un oiseau. Ça vole. Ça ne vole pas. Ça nage. Ça nage. Mais ça. Un requin. Mais c'est pas marin. Un requin. Ah, c'est un canard. Pareil, c'est pas très décevant, c'est un vrai. Un cygne. On s'approche. Une oie. Pas loin. Ah, les flamants roses. Non, il l'a dit, c'est raté. Ouais, non. Bah, un pont. Donc c'est pas raté donc. Ah non, mais c'est... non, il l'a dit et c'était pas ça. Donc il faut trouver autre chose. D'accord, ouais. Pardon. Donc une sorte d'oiseau qui donc, ne vole pas. Voilà, c'est ça. Il un s'agit. Canard. Un poulet. Ça vole totalement. Ça vole les canards. Ouais. Ah, c'est pas vrai. Un pingouin. Bah si, écoute. Ouais. Alors on en apprend tous les jours dans Flotcast. Ah, mais attends, oui, il y a eu. Alors les pingouins ça vole, c'est les manchots qui volent pas. C'est un manchot. C'est un manchot. Voilà. Tout bonnement dans le zoo de Dresde. Et oui, parce qu'en fait, ce qu'on croit être pingouin, et en fait, l'image qu'on a du pingouin, c'est un manchot en fait. Le pingouin, c'est vraiment tout petit et ça vole et tout. Alors, est-ce qu'il s'est inspiré du tueur de fugitif? Je suis des références ciné parce que je suis un geek du ciné et qu'il y a un manchot dans le tueur en série. Est-ce qu'il attendait Hitchcock le Pingouin Challenge? Ah bah oui. C'est la question qu'on se pose. Je vais vous raconter l'histoire comme il l'a raconté parce que j'aime bien, ils en font toujours un peu des caisses sur Yahoo Actualité. C'est une bien funeste affaire qui secoue le zoo dans l'est de l'Allemagne. Tout avait pourtant bien commencé au mois de mai dernier. Trois couples de manchots de Humboldt, une espèce jugée vulnérable par l'Union. C'est une chanson de Hanson, ça? Bolt. Jolie. Ah non, Marie est jolie, elle est bien. Moi j'étais sur la chanteuse de The Voice, Susan Bolt. Mais voilà. Une espèce vulnérable. Ou Usain. Usain Bolt. Oui, bien sûr. Quelqu'un. Non. Saddam Hussein. Ça va extrêmement vite. Comme. Usain Bolt. Bolt, voilà. Donc bref, c'est une espèce vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature, ou l'UICN. Et ils pondent des œufs. Très vite, ils découvrent toutefois qu'un des couples a donné naissance à un œuf infécond. Celui-ci est donc retiré pour des raisons d'hygiène. Les soigneurs craignent qu'il ne pourrisse, mais c'est là que les choses vont se gâter. Il a pété un câble. En effet, les deux manchots ne vont pas supporter la disparition de leur œuf. Oh, et ce sont leurs congénères qui vont en payer Tekken, le prix fort. C'est Tekken. C'est Tekken. Le geek il du cinéma. Il se venge en effet en tuant deux poussins. Une affaire sur laquelle communique un zoo dès le 21 mai dernier. Mais quelques jours plus tard, bis repetita. Ils attaquent deux fois, cette fois deux manchots adultes. Ces derniers meurent peu de temps après, probablement à cause d'une insuffisance cardiovasculaire liée au stress. Excusez-moi. Oh non, vous me tuez! Oh non, vous me tuez! Mais est-ce que ce serait pas. Ils ont, pour moi, c'est un chagrin d'amour aussi, quoi. Ils ont aussi eu le cœur brisé, donc. Bah oui, oui, non, mais c'est ça. En CNN, oui, c'est... Bah oui, mais donc il n'y a pas que le poisson qui peut. Il y a les manchots. C'est un meurtre s'ils sont morts de crise cardiaque, du coup. Oui, je pense. Ah, ils sont morts d'une crise cardiaque. Oui, c'est ça, lié au stress. Ils sont fait attaquer par le manchot. Ah, laisse-moi tranquille. C'est un peu sourd, du coup, tu vois. Oui, voilà, ils c'est ont ça. Fait repentir leur péché, mais il a pas tué techniquement, tu vois. C'est la vieille dans C'est arrivé près de chez vous. Voilà, c'est à peu près ça en termes de. Et le bébé des parents décédés va être pris en charge par les éleveurs, donc parce que c'est des parents de petits, du coup, et les petits sont orphelins. Donc c'est cool, ils vont pouvoir faire le 2 où les poussins vont se venger des parents tueurs. Enfin, ça va être magnifique. En tout cas, quand il s'agit de tuer, ce ne sont pas des. Manchot. Blague. Sur Tinder, en datant une jeune femme, un jeune Britannique a fait une bien mauvaise découverte. Laquelle? Elle s'était chiée dessus. Elle s'était chiée dessus. Non, c'est pas ça. Ah, mais j'ai vu une histoire. Il y a trois vannes sur le caca depuis le début. Elle était morte depuis 15 ans. Je me souviens d'une date Insta où le mec ou la meuf, je sais plus, était allé chier dans les chiottes. Et en fait, la château ne marchait pas. Ah, alors ça, c'est une légende urbaine. Une légende urbaine que quelqu'un nous a raconté en podcast. Non, non, je vous raconte tout parce qu'on est transparent dans cette émission. On est comme ça, Ilanouda dans TPMP. Moi, je suis transparent. Une personne nous avait appelé. Enfin, à moins que ce soit pas la même histoire. Mais oui, c'est la merde dans le sac plastique là. Il y a deux histoires de merde. Ah, autant. Ah oui, non, toi, c'est dans la fenêtre. Alors, je te laisse raconter, excuse-moi. Oui, en fait. Pardon. On a brûlé les étapes. Je crois que c'est une meuf. Notre-Dame. Une meuf qui va chez un mec pour une date et en fait, elle va chier dans la salle de bain. Et la chasse ne marche pas, donc c'est très embarrassant parce que c'est le premier soir. Et puis, alors, d'ailleurs, pour les détails, c'est peut-être une énorme merde en plus. Oui, exactement. Non, c'est vrai, c'est une petite merde. Moi, je comprends pas comment on peut réussir. Franchement, rien que déjà cette étape, elle me paraît folle. Et du coup, elle a la riche idée de se dire je vais l'acheter par la fenêtre, sans pression, dans la cour arrière. Donc, elle la jette par la fenêtre, donc par la lucarne, sauf qu'il y avait c'était un double verre en fait. Donc, elle l'a acheté entre deux verres. Donc, la merde est restée entre deux verres. Bloquée. Elle a essayé d'aller la rechercher et je crois qu'elle est restée bloquée dans la fenêtre. Oui, c'est ça. L'histoire, c'est qu'elle est descendue pour la récupérer et elle était bloquée entre les deux fenêtres. C'est ça. Et il y avait une photo. C'est pour ça que ça n'est pas une légende urbaine. Une photo. Peut-être c'est une photo qui a été montée. Enfin, écoutez, on débunke les anecdotes. Si toi, tu parles de l'histoire du sac de la merde dans le sac plastique posé, ça, c'est une légende urbaine. Tu connais peut-être aussi. Non, je ne l'ai pas. Mais juste pour terminer, en fait, ce qui est incroyable avec cette anecdote, c'est que si c'est Marie à tout prix et que c'est Ben Stiller qui fait ça, tout le monde se dit waouh, c'est un film quoi. C'est abusé. Voilà, mais c'est drôle. Mais moi je me demande si c'est vrai quand même. Après c'est parce que je traîne beaucoup avec Adrien qui débunk tout ça. C'est vrai. Mais sac de merde, je connais pas le sac de merde. Mais moi, le sac de merde en fait, c'était quelqu'un qui était une meuf pareil qui part son date part plus tôt et lui dit bah tu fermes derrière toi. Mais attends, il y avait toute une histoire autour, c'était un mec et une meuf qui se connaissaient depuis longtemps puis qui se loupaient. Il y a plein d'histoires. Il y a mille variantes. Mais pour te faire la directe, c'est genre ils passent la nuit ensemble, c'est trop romantique, c'est trop beau et le mec dit moi je dois aller travailler mais tu peux dormir encore un peu, repose-toi. Il y a plein de trucs dans le petit-déj, il y a plein de trucs dans le frigo. Voilà, c'est très mignon. Il part. Tu et il lui dit t'auras juste à claquer la porte parce que ça se ferme automatiquement. Il part là, la meuf prend le petit-déj, machin. Elle chie de ouf dans les chiottes. De ouf. Oui, parce que si elle chie un petit peu, à la limite, c'est pas très grave. Tu prends ta merde, tu la fous dans la douche, enfin, tu vois, des choses qui arrivent. Donc elle chie un énorme truc qui voilà, et elle tire la chasse et ça ne part pas. Parce qu'en fait, la chasse d'eau est cassée, en fait. Donc du coup, elle doit récupérer sa merde à main nue, tout bonnement, et elle le met dans un petit sac plastique. Et elle se dit, bon bah je le jetterai en partant dans la poubelle, machin et tout. Elle prend ses affaires, elle se rhabille, machin, elle sort, elle claque la porte, et en fait, elle avait oublié la merde posée dans le sac plastique et elle avait claqué la porte, donc elle ne pouvait plus rentrer. Voilà. Ah. Et ça, quelqu'un nous avait raconté ça en anecdote, en nous disant c'est arrivé à une copine à moi, machin et tout. Quel dommage. Et en fait, non, mais la personne, je pense, s'est fait flouer également. Moi, j'ai confiance en nos auditeurs. Copie comique. Ouais, bien sûr. Et c'est même un court métrage avec le chanteur Sinclair, dites-vous. Ah oui. Toute cette petite anecdote, voilà, comme quoi. Hein. Bah, moi, j'ai une bonne astuce pour vous, si ça vous arrive un jour. Prenez-la à main nue comme elle l'a fait, mais mettez-la dans la litière pour accuser le chat. Ça, c'est vrai, ça fait vraiment un chat. Alors, il faut qu'il y ait un chat. S'il n'y a pas de chat. D'ailleurs, j'ai une bonne question pour vous. Moi, j'ai déjà chié dans une litière. Voilà. Non, je t'en supplie. Je cale juste cette info. Est-ce que vous avez des petites anecdotes croustillantes, gênantes, de toilettes comme ça, qui vous est déjà arrivées? Anime l'émission, sinon. Il a raison. Non, mais il a raison. Moi, c'est ce que je voulais dire. J'ai déjà chié dans une litière pour une blague. C'est-à-dire, c'était une fête, à une soirée, il y avait un chat. Et j'ai chié un truc. Et en fait, ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait, les chats font vraiment des petites merdes. Et qu'en fait, si tu mets une merde humaine dans une litière, il y a un effet optique où t'as l'impression d'avoir chié un truc, mais un wagon de métro, quoi. Un enfant. Voilà, tout bonnement. Et du coup, un petit regret sur la blague. Parce qu'une énorme odeur de merde également, qui va avec. Je l'ai évidemment laissé parce que c'est trop con. T'as même pas recouvert. Ah oui, après tout le mal donné. C'est trop con. C'est trop con. Et aussi, longtemps j'ai pris des photos de mes grosses merdes, ce que j'ai arrêté de faire. Pour les envoyer aux potes ? Pour les envoyer aux potes. Ah ouais, j'en avais fait en l'occurrence qui dépassait plus en dehors de l'eau que dans l'eau. Et moi c'était à chaque fois. Et ça faisait un peu la fin de Titanic, tu sais, quand le bateau commence à casser. Ça faisait ça ma merde. Alors si je peux faire mon geek de cinéma encore une fois, si vous me permettez. Titanic est inspiré de la merde que j'ai chié. Non mais je sais que Jason Alexander faisait ça dans le film avec Jack White. Et Gwyneth Paltrow. Jack Black. Ouais, Jack White, c'est un délire. Et quand il faisait des grosses merdes, il appelait Jack Black pour lui montrer. D'accord. C'est quoi ce film? C'est vraiment Jack Black? XXL, c'est quand. C'est quand Gwyneth Paltrow, il la voit. Ah, maigre. L'amour extra large. L'amour extra large. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, j'avais oublié, dis-toi. Mais non, sinon, moi, c'est ma seule anecdote de merde. Après, je me suis chié dessus aussi, mais je l'ai déjà raconté dans le Floodcast. C'est une très bonne anecdote. Je suis chié dessus au lycée. De diarrhée. Non, personne. Oh, d'abord. Non, t'as sûrement chié des trucs. Je suis en train de me ressasser toutes les fois où j'ai chié, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Bon, on y reviendra peut-être plus tard. Je vous laisse vous remémorer des petits souvenirs de merde en vous disant du coup qu'est-ce qui s'est passé sur cette date Tinder que je vous disais tout à l'heure. Donc sur Tinder, on attend une jeune femme, un jeune Britannique qui a fait une bien mauvaise découverte. Laquelle? Alors, est-ce que c'est quelque chose, en allant chez elle, il a découvert un truc? Oui. C'est dans sa maison, c'est pas sur elle. C'est pas sur elle, mais c'est pas vraiment dans sa maison, c'est en rencontrant des gens. Les gens savaient ça des choses sur elle? Ça concerne son... En voyant ses potes? Non, pas ses potes. Sa famille? Sa famille. Elle, c'était genre une serial killeuse ou un truc comme ça, non? Elle était c'était un manchot. Elle était de sa famille? Non. Ils étaient cousins? Non. C'est un truc qu'elle avait fait? Oui, c'est un truc qu'il avait fait. Ah, c'est le mec qui est louche. C'est la meuf qui est louche, mais en l'occurrence, je te réponds, c'est lui qui a fait un truc. Ok. Pas elle. Il avait fait un truc par le passé? C'est ça. Et il s'est rendu compte. Ah ouais. Et en fait, c'était elle qui avait fait ça? Voilà, quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Il s'était battu avec elle? Non. Elle l'avait. Est-ce que c'était un truc qu'ils avaient? Est-ce que leur première rencontre datait d'il y a plusieurs années? Non, pas du tout. Non. Donc elle avait la même apparence, disons quoi. C'était pas un bébé et après c'est un adulte quoi. Non. Mais ils auraient pu être bébés tous les deux. Oui, mais... non, bien sûr. D'accord. Un truc sur internet? Non, sur la famille, je vous l'ai dit. Hein. J'ai dit, il avait baisé sa mère? Eh bien écoute, c'est tout bonnement ça. c'est sur le réseau Reddit que ce jeune Britannique de 21 ans racontait son histoire. Il vit dans un petit village où il n'y a que 3 cafés. Il rencontre une jeune femme, ça se passe très bien, et après quelques rendez-vous très agréables, il est invité chez elle. Mais alors qu'il marchait dans la rue, il a soudainement paniqué, parce que oui, nous sommes arrêtés à la même maison que celle de ma soirée que j'avais faite auparavant. En effet, quelques mois avant, il avait rencontré une femme qui semblait beaucoup plus âgée que lui. Elle devait avoir la quarantaine mais avait l'air bien. C'est toujours sympa. Et j'ai pensé que je pourrais peut-être apprendre quelque chose d'elle. Ils ont passé la nuit ensemble et ils se sont jamais revus. Et il l'a oublié. Et quand il arrive devant la maison, il est frappé par merde, je connais cet endroit. Et ils se sont retrouvés face à face. Et il avait donc baisé la mère de la meuf qu'il souhaitait baiser, tout bonnement. Et après, du coup, il a expliqué la situation à la demoiselle et ils se sont pas vus et ils n'ont pas fait la bête à deux dos. Ils n'ont pas fait la chose parce que ça gênait un petit peu la demoiselle. Sympa de sa part. Hein. Sympa de sa part. Il fait écoute, j'ai baisé ta mère, tu sais quoi. N'allons pas plus loin. Moi, ça me. Toi, ça t'es me... comment avec ça? Non, t'es contre. D'accord, voilà. Pas pareil. Ah, je vais refaire mon geek du cinéma si ça vous permet. Vas-y. Non, mais je crois qu'il y a un film avec Richard Gere, si je dis pas bêtise, ou peut-être Kevin Costner, où dans le film, en fait, il baise la fille, la mère et la grand-mère. Je sais plus. Ah bah dis donc. Et le film s'appelle Il les baisse toutes. Il est plutôt pas mal. Putain, bah y a que Richard Gere qui peut baiser la mère, la fille et la grand-mère. Et c'est moi qui Chico, je crois, non. Une contrôleuse de train a perdu son emploi pour une raison un peu insolite. Laquelle? Elle a couché avec un mec dans le train. C'est un manchot. Pas vraiment. Elle l'a branlé. Non. Personne n'a été branlé dans ce train. Il n'y a pas de sexe. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a du sexe, mais pas dans ce train. Ah, elle a pas dans ce train. Elle avait tourné un porno dans un wagon auparavant. Exactement, c'est fou. Je suis en feu. T'es bon. T'es on fire. Tu me fais perdre beaucoup. Enfin, ça va très vite du coup. Dès que ça parle de baise, je suis à 200%. Effectivement, elle avait tourné des films pornographiques dans un train vide la nuit et elle avait gardé ses vêtements. Et c'est comme ça qu'en fait, ça, elle a été jugée. C'est en fait, elle avait gardé sa tenue qu'elle mettait le jour pour les pornos, ce qui fait que des gens l'ont reconnu. Il y avait son nom dessus et en plus le visage, sinon. Y a... Oui, mais surtout, c'est, en fait, c'est pas spécialement un motif de licenciement de dire bah t'as baisé. C'est un motif de licenciement d'utiliser les vêtements de travail, les équipements et les locaux à des fins privées. T'as dit, c'est comme ça que les gens l'ont reconnu. C'est quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, c'est tout ça, c'est le fait d'avoir utilisé les vêtements, les équipements et les locaux à des fins privées et commerciales. Ça, c'est strictement interdit. Que ils ont dit bon bah ça dégage. Le porno n'était qu'un petit. Alors, il fait un film tradit, c'était pareil. C'était la même chose. Mais voilà, il était. Mais le président a quand même dit qu'il ne tolérait pas vraiment le comportement présumé et qu'il condamnait tout cela de le plus fermement possible. Faut pas s'amuser dans cette société. On peut pas s'amuser. Non, mais... Alors qu'il s'est branlé comme tout le monde. Il a dû se branler. Il a dû bien branler. Ouais, t'inquiète pas. Quelqu'un de ton taf a fait un porno. C'est pour se branler. Ils adorent se branler de toute façon. Ils adorent ça. En Allemagne, en plus, d'autant plus. Gros amoureux de la queue. Et des scatos beaucoup. Et allez, les misophones, les Belges, les Allemands, on a tout le monde contre nous. Pardon, c'est la nation de la scatophilie, l'Allemagne, c'est pas. C'est écrit à l'entrée, d'ailleurs, quand tu rentres en Allemagne. Y a une étude qui a été. Qui est sortie un peu partout, nous parlions de porno, restons dans le sujet. À votre avis, quel est le top recherche des mots-clés en France? Ah, alors. Élargir pénis. Non. Non, de vraiment de vidéos porno. De tag. C'est Mature boobs. Amour. C'est pas Beurette. Alors Beurette est quatrième. Il est passé quatrième parce qu'il était très haut placé tout un temps. Bah Beurette nous a déçus. Alors année, est-ce que parmi les trois premiers, il y a un nom de célébrité? Non, disons les cinq premiers. Ok. Donc on a Beurette. Donc il y a Beurette en quatre. Non, pas Papouille. T'as dit couille. Papouille. Papouille. Chatouille. Bon, amateur. Milf est cinquième. Ah, okay. Donc on a le quatrième et le cinquième. Amateur, non. Anal. Amateur, blonde. Non. Blonde. Anal et blonde n'en fait pas partie. Okay. Est-ce qu'il y a des trucs un peu glauques? C'est pas glauque. Ok. C'est pas. Il y en a un qui est précis, mais le troisième est précis. Est-ce le premier et le deuxième. Niche, 18 ans. Non, mais le premier et deuxième sont en fait très facile à trouver, mais c'est pas vraiment porno en fait. Est-ce qu'il y a un délire genre d'auteur, un truc comme ça? Non. Non. Grammy? Non. Est-ce qu'il y a un truc Grammy, genre Grammy Award? Un truc qui décrit le mec et la meuf de façon précise? Non. Les deux premiers, déjà, c'est la version française et anglaise du même mot, sachez-le. Et, teen et ado? Ce serait genre okay. Ça, mais c'est okay. Pas ça. Et c'est juste un truc de catégorie, c'est même pas sexuel le mot en fait. Casting avec ça? Non, pas du tout. Oh. Un peu à l'ancienne casting, j'en vois plus trop moi sur les sites porno. POV? Non. Ah, joli. C'est pas du tout ça, mais... Le golfeur là-bas. Oh, oh joli. Oh, joli. Sur les green, moi j'en ai un beau pour les puristes. Joy. Joy. C'est quoi, Joy? Jerk off instruction. Oh, ah. Moi j'ai beat. J'en mets. Frissom. Non, pas frissom. Je vous dis, c'est pas un mot sexuel. Ah oui, c'est pas un mot sexuel. C'est un mot qui décrit une personne. Ouais. Je vous dis les derniers du top 10. Il y a hentai, bigass, stepmom. Ah, mais c'est en anglais boobs. Donc. Il y en a deux. Beurette française. Non, c'est juste c'est les Français qui l'écrivent en anglais. C'est le peuple français. Oui, non, mais il y en a en anglais. Moi, je cherchais des mots. Bref. Ah, un des deux mots est en anglais, je te l'ai dit. Des deux mots est en anglais et un mot en français. Est-ce qu'il y a French? Je prends notre ton, sinon je dis où on fait le live. French, effectivement, est deuxième et donc premier. Française, tout simplement. Ah, car nous sommes patriotes, messieurs dames. Vraiment les chauvins jusqu'au bout, quoi. Il nous manque le 3, non ? Non, et le 4, c'est Beurette, et le 5, c'est Milf. Vraiment, on voit que le RN est premier en France, quoi. Ah, vous le premier truc qu'ils cherchent pour se branler. Française. Française, s'il vous plaît. Vous, c'est quoi les 5 ? Française, et même Beurette. Je vous fais le top entier, donc c'est française. French. Maman française, troisième. Non, mais. Maman française. Maman française. Là, c'est vraiment. Tu as envie de baiser ta mère. Clairement. Beurette, Milf, mature française, étudiante française, français, beurette française, pas mal étudiante, stepmom, bigas, hentai. JB a dit hentai pas mal française. Étudiante. Très bon masturbeur, je l'avais dit. Un excellent masturbeur. Mmh. Et est-ce que vous savez, alors c'est les chiffres de 2018 évidemment, est-ce que vous connaissez les top trending search, à savoir les nouveautés qui ont fait beaucoup de recherches et ceux qui ont eu d'énormes montées. Alors, est-ce par exemple, pour vous donner un espèce d'exemple, beurette est montée de 190% et gros cul de 202%. Ah, donc les trucs qui ont grimpé en 2018, ouais. Il y a toujours pas de sachant que le numéro 1 est une entrée, il y a pas de célébrité. En anglais ou en français ? Écoutez, c'est que du français, dites-vous, pour celui-là. C'est des traits physiques, genre c'est... Pas que, c'est pas ça que... qui est assez... Gilet jaune. Il n'y a pas gilet jaune, mais ça pourrait. Joli. Mais gilet jaune, c'est parce que c'est 2018-2019. C'est un peu entre les deux. Il n'y a pas le truc de la coupe de la meuf qui est allée sur le terrain de foot à moitié à poil, là ? Non. Est-ce qu'il y a Babord ? Il n'y a pas Babord. Ah, mais c'est un truc du moment. C'est vrai, je l'ai dit. C'est un top trending search. Bravo. Mais avec l'actualité, ça résonne avec l'actualité ? Ça résonne avec ce qui s'est passé, un truc qui a fait le buzz en 2018. Okay. Pour le numéro 1, je parle. Pingouin Challenge. C'est 2019, ça. Ouais. Voilà, ça attends 2019. Il a dit, ouais, Coupe du Monde, non ? Bah ouais, du coup, ouais. Non. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? Il y a pas une sextape qui a filtré en 2018. Non, il n'y a pas de sextape. Il n'y a plus de sextape depuis 2004. Donc c'est un truc d'actualité de 2018, quoi. Ouais, pas d'actualité, mais un truc qui a fait le buzz en 2018, quoi. Noël. Et qui a un rapport avec le sexe ou pas ? Pas du tout. Non. Le numéro 1 n'a pas de rapport avec le sexe. Ah putain. C'est un mème, Adrien, c'est pour toi. Aïe, attention. J'en ai 7, et je vous dis les 3 derniers. Le dernier donc est donc beurette qui a monté de 190%, gros cul de 202%, femme mature française a monté de 212%, oui. Et celui-là je l'aime bien, vieille française de 315%. Vieille française. Pas mal. Donc est-ce que c'est encore un mot qui décrit une personne ? Non. Ah, donc ça, le deuxième si. Le deuxième si, mais ouais. le premier pas du tout. Qui a fait le buzz. Pensez même pas porno le premier. Un truc qui a fait le buzz en 2018. Ouais. Essayez de trouver le troisième, c'est une catégorie sociale de métier, de trader, non, architecte. De trucs qu'on voit beaucoup dans les médias, qu'on voit beaucoup à la télé. Non. Community manager. Non. Un truc qu'on voit beaucoup à la télé. Il y a beaucoup de journalistes. Il y a beaucoup d'émissions dans ce style-là. Surtout sur télé-réalité. Certaines... Bien joué. Ah. Télé-réalité est troisième. Ok. Le deuxième, c'est des traits physiques, je vous le dis. Française gros sein, on est sur un truc assez basique. Et le premier. Oui, alors. Alors attends, non, on peut pas. Pensez entertainment. Voilà, je resserre. Non mais j'essaie. Pensez Marvel. Bah la voilà. La Casa des Papels. Voilà, mais on s'approche. Oh, Avengers. Est-ce que c'est non, un pas est-ce Avengers, que c'est un, mais on n'est pas loin. C'est un titre de. C'est un titre de quelque chose. Wonder Woman. Non. Et c'est ça, c'est un peu de la pop culture. C'est de la pop culture. Est-ce que c'est un titre qui est le nom d'une femme Pas le nom d'une femme, mais c'est un titre de quelque chose. C'est juste le titre du truc. Black Widow Hot. Non. Juste le titre. Riverdale. Non. Vous c'est une série. C'est une non, série. Vous n'êtes pas dans le bon média. Un film Non plus. Une BD Non plus. Living Neverland. Yvan BD non musique. Plus. Musique dans la musique. Pas la musique. Waouh, mais il reste quoi? Théâtre? Non. Ça m'étonnerait. Non. C'est Edmond. Non, pas du tout. Une YouTube. Non. C'est un art. Ah, YouTube. Non, mais ça aurait pu devenir très très rapidement quelqu'un qu'on connaît. Ça aurait été gênant, quoi. Non, un titre très connu, culte. Norman. Totalement culte. Non, sinon j'aurais dit totalement culte. Là, c'est juste culte. Mais c'est pas le nom d'une personne. Non, c'est le nom. Ah ouais. C'est le titre de quelque chose. Mais attends, c'est pas un film. Que c'est les pas une jeunes série. Aiment bien, en tout cas. Fortnite. C'est ça. Fortnite, c'est le top recherche trending. C'est Fortnite qui a fait une entrée. C'est un mot qui n'avait jamais été tapé avant 2018. Et comment tu te branles sur Fortnite ? Mais je comprends. Et bah alors t'inquiète pas, tu passes la main devant. Quand tu fais top 1, tu passes la main devant, tu te branles, tu passes la main gauche, tu te branles, tu passes la main droite. Hop, on voit, là je fais la danse. On fait la danse d'Hélène. Je sais pas si tu as cette chanson. Ouais, c'est ça. Je mets le doigt devant. Et alors bon, je passe très vite parce que ça fait maintenant 1h30 qu'on est sur ce truc, mais le top 5 Pantstar, c'est Adrian Chekchik en 5, je connais pas. Stormy Daniels en 4. Oui. Je connais pas non plus, pas pour le coup. Je connais ça. Anissa Kay Satellite en 3, ça je vois qui c'est. Yes. Mia Khalifa en 2, je sais pas qui c'est. Et alors la première, c'est te prouve que la France vote vraiment Front National, vu que le top c'est française. Et on est sur une porn star méga à l'ancienne, puisque c'est Clara Morgan. J'en ai Brigitte là, vraiment à l'ancienne. non, mais Mia Khalifa, c'est pas elle qui est menacée par Daesh? Si, parce qu'elle a fait un truc en hijab. Ouais. Ils ont dit, bon bah vous êtes une cible. Voilà. Elle a arrêté depuis, elle est youtubeuse. Ah ouais? Ouais, elle a une chaîne YouTube. Ouais. Mais par contre, elle chie sur l'islam tous les jours, donc ça n'a pas du tout aidé. Ça n'a pas du tout aidé son truc. Quel vestige des années 90 va avoir droit à un film très prochainement? Et là, je regarde le geekos autour de la table. Le geek du cinoche. Alors, vestige. Sachant que ça concerne quelqu'un d'autre autour de la table qui est très 90s, puisque Mélodie, je t'ai plusieurs fois croisé à la We Are the 90s. Je sais que c'est une décennie que tu apprécies. Ok, donc c'est un artiste par exemple. Ça peut être un artiste. C'est un artiste. Un biopic des Spice Girls. Ah oh bah, La Rousseau. Alors. Et quand tu dis vestige, c'est... Ouais, mais il a, c'était pas la réponse, mais il a dit le mot-clé. Les Spice Girls. Ils vont faire la suite de Spice World. Le voici. Sauf que c'est un peu particulier puisque ce sera un film d'animation. Qui est en développement chez Paramount Animation. Bah oui, parce que Victoria Beckham, elle n'acceptera jamais de. Et bah justement, j'y viens. Le studio à qui l'on doit Sherlock Gnome, il devrait sortir dès 2020 entre un film sur Bob l'éponge et l'adaptation du roman graphique Monster on the Hill. Et il y aura toutes les cinq, à la différence de la tournée mondiale qu'elles ont faite. Il y aura donc Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Crishlam, Jerry Halliwell et Victoria Beckham. Elles sont de la partie et très investies, a déclaré Mireille Soria, directrice de la branche animation du groupe au Hollywood Reporter le 12 juin. Et parce que là, au moment où on parle, il y a un concert des Spice Girls à Londres. On aura l'occasion d'en reparler, puisqu'à ta gauche, Mélodie Collange a vu les Spice Girls à Manchester, tout bonnement. Et enfin, aux États-Unis, Uber Eats va évoluer de quelle façon, à votre avis? Alors, qu'est-ce qu'il va proposer de nouveau, par exemple? Des drones, il a dit. Exactement. Ils vont tester la livraison de repas par drone. C'est lors du Uber Elevate Summit 2019 à Washington que le concept a été dévoilé. L'accord des autorités pour tester la livraison a été validé auprès des clients du sud de la Californie et au niveau de San Diego. Uber est une position unique pour se lancer dans ce défi, car nous disposons du réseau de restaurants et de livreurs partenaires et de Uber Eats, ainsi que l'expérience et la technologie dans le domaine aérien de notre division Elevate. Bah, moi, vous savez ce que j'en pense. Alors, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que pour toi, ça se comparerait à quelque chose? À mes yeux, c'est Black Mirror. C'est ça, c'est Black Mirror. Il y avait Domino's Pizza qui avait fait un test avec de livraison de pizza avec des drones il y a hyper longtemps. Non, ça, c'est il y a une vidéo. Ready Player One. C'est dans quoi? C'est dans Ready Player One. Oui, c'est vrai, c'est aussi dans Ready Player One. Mais ils l'avaient fait vraiment. Alors, je parle d'une vidéo qui est plus vieille que la sortie du film. Ah, ouais, d'accord. C'était la bande-annonce. Mais non, c'était un test. Non, mais je crois qu'en Chine, il y a déjà les livraisons par drone et tout. Hein. C'est Amazon aussi, ils avaient fait un test. Mais genre, ça arrive à ta fenêtre. Tinder aussi. Bah, je sais pas. Moi, en termes de. Quand t'es à un étage, je me demande comment ça se passe. Quand t'es dans une maison avec un jardin, c'est ok. Ça va, mais. C'est ok. Sinon, ils posent ça dans la rue, en bas de ton immeuble. Je comprends pas. Ah non, il fait le digicode et. Il fait tous les étages, il toque. Non, c'est au-dessus. Bah là c'est vraiment, pardon, mais là c'est vraiment Black Mirror. Là c'est Black Mirror. C'est fou. Non mais d'ailleurs la Ligue 1, toi t'adores le foot. Oui, la Ligue 1 Conforama va devenir la Ligue 1 Uber Eats. Uber Eats dans 2 ans ou 1 an je crois. C'était Conforama avant et maintenant ça devient Uber Eats. Un peu plus joli à l'oreille. Conforama, toujours un peu... Ligue 1 Conforama, on s'y était fait. Et c'était français, pardon. Hein, moi je me branle sur Conforama. Je tape ça dans les... États-Unis dont je reviens. Moi. Oh, et donc le mec. Non, mais j'en parle un petit peu aux auditeurs. C'était une transition, parce que ça, ou je rêve? C'était une sorte de transition. Non, mais parce que voilà. Non, je reviens des États-Unis et je voulais en parler un petit peu parce que voilà, plein de gens m'ont demandé. Parce que j'ai posté, alors je vais pas faire tout le voyage parce que ce serait très long, très chiant. Et Adrien a déjà sorti son portable, donc autant vous dire. Non, mais quoi, c'est parce que je note des trucs que je veux dire. Bien sûr. Pas du tout. Non, parce que j'ai rencontré Kevin Smith. Alors, qui est Kevin Smith? C'est un réalisateur dont je parle beaucoup dans cette émission que j'aime énormément et qui est un. Voilà, quelqu'un qui fait des films très verbeux, on pourrait dire. Je sais que JB, toi, tu dois bien connaître aussi de ton côté, qui fait de la comédie. Et moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et plus que ses films, que je trouve super, mais voilà, c'est la démarche du gars. Puisque c'est un mec, en fait, qui, son premier film, il l'a fait tout seul avec ses potes. En fait, il bossait dans une épicerie. Et la nuit, en fait, il tournait un film dans cette épicerie. Comme la meuf dans le train. Dans le train, en suçant des gars. Et donc lui, en fait, il faisait ça. Et le film a fait le tour des festivals, a cartonné. Et a été un vrai, une vraie date dans le cinéma indépendant américain. Tu me coupes, hein, JB, hein, si jamais. Non, et d'ailleurs, ce film, il l'a financé en vendant sa collection de. Enfin, partiellement sa collection de comic books. Et ouais. C'est comme ça qu'il a financé le film. C'est l'exemple, en fait, du geek qui a réussi à sortir de son truc pour faire de la création. Donc il y a tout un symbole autour de ce gars-là que j'aime vraiment énormément. Et c'est toujours facile de dire c'était le film qui m'a donné envie de faire des films ou envie de faire ce métier et tout ça. Rêve de gosse. Rêve de gosse et compagnie. Et moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus des trucs comme Star Wars et compagnie. Mais le fait qu'un mec complètement lambda du fin fond du New Jersey, qui est personne qui a réussi à faire ça, c'est vrai que ça m'a toujours. Et qui a réussi à faire un film où ça tchatche beaucoup avec ses potes, c'est vrai que ça m'avait toujours fasciné en me disant bah donc c'est vraiment possible quoi. Et donc j'aime beaucoup ce mec-là et son travail. Et je suis allé aux États-Unis pour juste me reposer. Mais il a un podcast également. Et donc je suis allé assister à son podcast qui s'appelle Fat Man Beyond, où il parle de trucs de geek, de comics et compagnie. L'émission est super. C'est dans un tout petit endroit. C'est vraiment un petit bar dans lequel ils font le podcast. C'est vraiment à échelle humaine. Il y avait beaucoup de monde. Non, on était une vingtaine, je pense, dans le public. T'as pu avoir accès 25 très facilement. Aux places pour avoir une place. Ouais, c'était super et tout. Il fait le podcast. Le podcast se termine. Et quand je sors, en fait, je vois qu'il est derrière le bar. Ouh. Et je me dis, c'est trop con parce que moi, je ne vais pas tous les jours à Los Angeles. Et il faut savoir que Kevin Smith a failli mourir l'an dernier, ou il y a 2 ans, ouais, d'une crise cardiaque parce qu'il était, il avait une obésité morbide. Bah, et il s'est fait attaquer par un manchot. Bah, les manchots détestent les gros. Ça, c'est vraiment, on n'y peut rien. Et donc, bref, il a vraiment failli mourir et compagnie. Et il a fait tout un. Enfin, il en parle beaucoup dans ses podcasts et compagnie. Et du coup, je me dis, bon, bah, c'est trop con. Donc, je vais aller juste le remercier, en fait. Parce que dans ma tête, c'est vraiment grâce à lui si aujourd'hui je fais mon métier. Puisque c'est lui où je me suis dit, bon, bah, c'est possible, quoi. Donc, j'y vais. Et le problème, c'est qu'il y a déjà un gars devant moi. Et en fait, ce gars-là est extrêmement gênant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gars qui a écrit une adaptation de Batman et qui veut que Kevin Smith lui produise. Il est dans une démarche et surtout dans une méconnaissance du monde du spectacle, puisque ça n'existe pas, et puis que Kevin Smith, c'est un réalisateur qui a du succès, mais que c'est pas lui qui fait des films de super-héros. Enfin voilà, c'est comme si tu voulais faire un Marvel avec Cédric Clapiche, toi. Cédric Clapiche, il fait des films, mais il fera jamais un Marvel, quoi. Il a pas le. Puis les droits appartiennent à des gens, en fait. Voilà, c'est ça, et pas du tout à Kevin Smith qui fait encore une fois un podcast dans un bar devant 20 personnes. Et encore une fois, c'est une resta, mais voilà, on n'est pas dans le même niveau, quoi. Donc il essaie de lui expliquer très poliment et tout, et moi je passe après, je me dis, oh putain, donc vas-y, il va peut-être me dire, bon bah ça y est, les geeks, les fans relous et tout. Et en fait, c'est très intéressant ce qui s'est passé, l'inverse. Donc, du coup, moi, en fait, ça m'a servi, puisque j'ai paru d'autant plus normal après ce mec-là. T'as fait un truc de pick-up artiste. Exactement, j'ai mis un loser avant moi. Ouais. Non, mais donc voilà, et je lui ai parlé j'ai un peu perdu mon anglais, parce que c'est impressionnant quand même. Tu rencontres un gars qui t'a. Voilà, vous le voyez pas, mais dans mon bureau, il y a une dédicace de ce mec-là et tout. Voilà, donc c'est. Est-ce que tu as parlé de ton projet d'adaptation de Superman ou pas? Exactement. le gars avait ramené le scénario, ça qui était terrible. Il avait vraiment ramené le scénario à Kevin Smith et tout. Bref. Il lui a donné ou Non, bah non, le gars lui explique. Kevin Smith lui explique. Et moi, je faisais presque la queue derrière, un peu en périphérie. Très bon, en plus, au moment où t'attends. Ouais, et il voit t'attends. Et l'autre lâche pas, alors que Kevin Smith, elle lui dit, mec, vraiment, moi, je le ferai pas. Parce que il est trop gentil, Kevin Smith, à ce moment-là. Ouais. Bref. C'est mon tour, entre guillemets. Et je lui dis, voilà, et je perds un peu mon anglais et tout. Et il me fait, putain, donc lui, évidemment, vu que j'étais à Los Angeles, le fait que je sois français le surprend de ouf. Ça marche bien. Et efficace. Et on commence à un peu parler. Et je lui dis, voilà, que ce qu'il fait m'a beaucoup a été important pour moi. Et en fait, ma voix commence à partir un peu d'émotion. Un peu de trémolo, parce qu'en plus, en fait, je suis allé le voir le lendemain où j'ai atterri. Donc il y a une fatigue de jet lag qui est folle. Je suis tout seul à Los Angeles. Et en fait, si je suis parti à Los Angeles, c'est aussi parce que j'étais un peu fatigué ici et que j'ai enchaîné un peu des projets qui m'ont un peu tué mentalement. Et donc, du coup, c'était vraiment mes vacances. Donc, il y a eu un relâchement et aussi une phase de non-sens, puisque vraiment, j'avais pas du tout prévu. Je suis parti à Los Angeles en me disant, ok, je rencontre Kevin Smith quand j'y vais. Pas du tout, je voulais juste voir son podcast en live et c'était trop cool, quoi. Donc, je vais lui parler, machin, et le mec est adorable et me tend ses bras et me prend dans ses bras, ce qui est quand même déjà très particulier et surprenant. Et il dit, viens, on prend une photo. Donc, c'est lui qui dit, on prend une photo. Pas mal. Donc, on prend la photo et compagnie. Et on commence à parler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il commence à me poser plein de questions. Il me demande ce que je fais dans la vie, ce que je fais ici. Donc je commence à lui expliquer que je suis auteur, machin. Il me dit ah putain trop bien, où ça? Je fais bah French TV et tout. Il fait ah Canal Plus, parce qu'en fait il connaissait ouais. Canal Plus, il avait bossé avec eux. Parce qu'en fait il avait fait plusieurs fois Cannes en fait, le festival ouais. de Cannes. Il avait fait avec Clerks, Dogma, tout ça c'était passé à Cannes. Ah mais en plus t'as bossé avec Canal Plus du coup, ça permet de dire oui à ce moment-là. Oui oui non, mais c'est ça, trop bien. C'est ça, c'est ouais. qu'en fait quand il dit Canal Plus, je fais oui exactement. Voilà, cool. Je bosse pour eux machin. Il fait ah putain super machin. Et en fait tout ce truc là se passe dans une rue glauque derrière un bar à Hollywood Boulevard. Et si vous êtes jamais allé à Los Angeles, Hollywood Boulevard c'est ultra stylé pendant un certain nombre de kilomètres et après ça devient extrêmement glauque, rempli de SDF sous crack et surtout passé 22h quoi. Donc c'est vraiment des gens qui hurlent dans la rue et tout. Donc l'ambiance est étrange et là il me dit bah viens on rentre, on boit un verre. Donc on re-rentre dans le bar. Je que tu bandais à ce moment-là. Bah non, parce que l'émotion est, tu sais pas, t'es un peu perdu. Quoi. Donc on rentre. Impossible de bander justement. Ouais. C'est le drame de ma vie dès que je rencontre une meuf justement. Donc t'imagines Kevin Smith. Peut-être mon âge après, mais. Vas-y, continue. Et donc on rentre dans le bar et là, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est que lui qui m'a posé des questions parce que moi j'étais un peu. Putain, mais c'est charmant. Tu vois, tu vis le moment putain. Et donc il commence à me dire voilà, tu fais quoi prochainement et tout. Donc je lui parle de mes projets personnels. Dont je ne peux pas vous parler, mais juste en tout toi cas. Et lui, ou juste lui et moi. Ouais. Ouais, exactement. Et donc, il me demande de pitcher ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, je lui pitch mon projet. Il me dit ah, super, machin, trop bien. Donc, et donc, il y a cette scène surréaliste. Et on passe 40 minutes, 45 minutes putain, à discuter. Et après, il me dit ouais, faut que je rentre parce que je suis sur le montage de mon prochain film. En fait, il fait la suite de Jay et Bob contre-attaque. J'aimerais ton avis sur le montage. Non, l'aventure s'arrête ici. Mais est-ce qu'il y avait une. Un afflux autour de lui? Pas du tout, en fait il y avait l'afflux okay, avant que j'arrive. En mode incognito un en fait, peu. Le ouais. dernier de la file et du c'est coup, ça, en fait il n'y avait pas une grosse file, il y avait deux personnes avant. Putain mais c'est trop bien. Et moi je suis arrivé après parce que je voulais pas le déranger au début, tu sais, il était dans sa rue glauque et tout. Et quand je vois des gens commencer à demander des trucs et machin, je fais bon bah nick, j'y vais, je tente quoi. Tu vois, moi j'attendais qu'il sorte et que je lui dise salut machin et tout et au revoir, je vous serre juste la main, je vous dis merci quoi. Bref. Et donc on a discuté, je lui ai montré un court métrage qui est un hommage à son cinéma. Donc j'ai vu cette scène très bizarre de lui qui regarde sur mon portable Simba, qui est un court métrage que j'ai écrit et réalisé chez Golden Moustache, qui est un hommage à Clerks avec Justine Le Potier et Julien Pestel. Il la regarde et je lui mets les sous-titres, donc il se marre et tout. Donc c'est après voilà. Oh là là, ouais. Ouais, après c'est à l'américaine, c'est-à-dire que il est très sincère, je pense, et gentil et tout, mais il est dans cette espèce de démarche ultra ricaine de je te fais kiffer en passant quoi, tu vois, mais ouais. mais qui est trop cool, bah et ouais. qui est super, tu vois, le bah vas-y on prend une photo, vas-y bah montre-moi ton sketch, tu sais, j'ai fait un court métrage hommage à ton truc, c'est lui qui me dit bah montre-le moi, il est sur YouTube. Et voilà, après c'est pas tous les ricains qui se disent je vais parler pendant 40 minutes avec le ouais, mec, pas du tout, pas du tout. Non mais là il y avait le côté la France, il y avait le côté c'était l'alignement des planètes quoi. Et donc voilà, et je voulais le raconter parce que là il y a la photo, donc j'ai reçu beaucoup de commentaires de t'as attendu combien de temps devant le bar pour avoir la photo. Et en fait non, ça a été ah bah c'est pas négatif ça comme commentaire, bravo. Non mais tout ça pour dire que ça a été plus loin et que c'était chambé et voilà, et j'ai pas gardé du tout contact parce qu'en fait bah ça servait, enfin le moment était tellement dans le ouais, temps chambé, ça suffit en fait, ouais, il y a pas besoin de se dire bah je sais pas, on se revoit, on moi garde j'ai, les numéros, j'ai une pensée ouais, pour non. ta petite marche de retour à l'hôtel tout ouais, seul en pensant à ça par le gambadage, retour à l'hôtel bien sûr, ouais bah non bah trop bien, en fait l'hôtel était pas très loin, j'avais pris un appart à Sunset Boulevard, donc c'est pareil, si vous voyez Los Angeles c'est pas, alors après si c'est des avenues gigantesques, mais en l'occurrence c'était à 25 minutes à pied. Non, ce qui était trop bien, c'est que je me suis fait un fast food tout seul, à débriefer un peu tout seul le truc, donc non c'était super, c'était incroyable. Et comment c'est terminé alors du coup? Bah rien, je lui ai pitché mon projet, après il a dit bah faut que je rentre, donc j'ai dit bah je rentre ouais, aussi il m'a dit un truc genre et je lui ai dit bah j'espère qu'on se reverra un jour parce que mon projet j'aimerais bien que tu le vois parce que c'est quand même assez inspirant, enfin quelque part forcément il y a un impact de ton travail dessus. Il m'a dit bah si on est voué à se revoir on se reverra, j'en suis persuadé, il y a pas de souci. Et voilà, nos chemins se sont séparés, voilà, tout simplement. Et bon. Donc voilà, je voulais le raconter parce que je me dis putain, c'est quand même une anecdote un peu folle. Bah et oui. Donc je voulais en parler avec les auditeurs. Mais je suis sûr qu'il est sympa parce que quand j'avais, en fait, sur ma chaîne, j'ai ce qu'on peut appeler une série qui s'appelle Vidéo Store, qui se passe dans un vidéo club. Et en gros, un jour, j'avais fait un tweet où je disais que une de mes deux grosses inspirations, c'était le fait d'avoir travaillé dans un vidéo club à Montréal et Clerks. Ouais. Et du coup, Clerks qui est son premier film, exactement, dont je parlais tout à l'heure. Et à côté de l'épicerie, il y a un vidéo club dans ce film. Ouais. Et en gros, il avait répondu à ce tweet. Et moi j'étais comme un ouf quoi. Tu l'avais mentionné. Ouais, je l'avais mentionné. Sinon le mec est... Non mais parfois tu mentionnes, il y a pas de réponse. Oui, ou alors un petit fave, pas ouais, plus voilà, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, il avait répondu et j'avais gardé le tweet, j'avais trouvé ça dingue quoi, c'était trop bien quoi. Et non, ouais. Déjà à l'époque, je m'étais dit ce mec a l'air hyper sympa quoi. Donc là ça confirme ce que je pensais. Ah, c'est vraiment un mec gentil et tourné aux autres et il a vraiment ce truc que je trouve super de... Encore une fois, c'est pas une gigastar. Mais il a beaucoup de respect pour son noyau de fans en fait. Ouais. C'est-à-dire que il a pas un milliard de fans, mais il a des fans dévoués qui le suivent dans tout ce qu'il fait et qui le soutiennent parce qu'il est très proche d'eux. Et je trouve cette méthode extrêmement saine et voilà, est très cool. Et donc en plus le gars est gentil. Donc D'ailleurs pour cette raison, il a créé sa chaîne YouTube. Ouais. Donc ouais, pour rester proche de ses fans aussi. Je me souviens aussi qu'il avait balancé sur Twitter, je crois, une vidéo. Il a regardé la série Flash. Je sais pas si t'avais vu ça. Oui, bien sûr. Et en fait il avait trouvé ça hyper émouvant et on le voyait pleurer pendant Flash. Et je vois le mec il se met vachement mis à nu quoi. En fait le truc c'est qu'il prend beaucoup de weed, ce qui fait peut-être qu'il était très sympa avec moi aussi. Et du coup toutes ses émotions sont vraiment à fleur de peau. Donc il chiale énormément mais ce qui est très génial c'est qu'il fait plein de blagues là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de second degré sur ses films qui marchent plus, qui font plus d'audimat, j'ai 80 ans, qui font plus de spectateurs et compagnie. Mais voilà, donc un chic type, un mec très cool et une très belle rencontre. Donc voilà. Et si nous écoute, Hi Kev, hope you're good. Voilà, est-ce que t'as trouvé ton anglais finalement à la fin ou... Ouais, pour parler 45 minutes, j'espère que oui. Je faisais yes it is. Non, après une fois dans le bar, tu redescends un peu. C'est sur le moment où tu dis je sais pas quoi dire. Et quand le mec te prend dans ses bras et demande une photo, là t'es vraiment paumé quoi. Tu fais oh, je comprends plus rien. Est-ce que ce mec c'est le mec que t'aurais voulu rencontrer dans ta vie artistiquement ou il y en a d'autres au-dessus de lui? Ah, quand même. Franchement, je crois qu'en vrai. Bah, c'est toujours bizarre, c'est que. Tu sais, une fois que c'est fait, c'est horrible, hein. Y a une case de cocher un petit peu. Mmh. Et du coup, maintenant, je me dis, bah, j'aimerais trop vivre la même chose avec plein de gars. Mais non, lui, c'était dans le top du top. Parce que c'est vraiment lui qui m'a donné envie. Après, je rêve de rencontrer Judd Apatow pour comprendre plein de choses de ce qu'il a fait et tout. Mais Kevin Smith, non, c'était un vrai truc. Et le fait que le gars soit gentil a rendu tout. Extra en fait, et s'intéresse à. T'es en train de compter le nombre de figurines derrière moi. Oui, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, je viens de me rendre compte qu'il y a 4 figurines de Kevin Smith. Oui, il fait beaucoup de jouets à son effigie. Et il y en a plus que 4, tu les as vraiment pas tous comptés. Celles que je vois là, tu arrêtes. Donc voilà. Mais en même temps, alors, et là, je vais faire une mini transition, et je vais me tourner vers Mélodie Collange. Et bim. Puisque j'ai l'impression que toi aussi, tu as reconnecté avec des idoles du passé, à savoir potentiellement. Alors j'allais dire 5, mais non, du coup, il n'y en avait que 4. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est arrivé? Parce qu'en plus, c'était toi qui as pris les places, qui a fait ce truc un peu de... Alors, je trouve que tu l'amènes très bien, mais que les gens s'arrêtent tout de suite. Je n'ai pas passé 45 minutes avec les Spice Girls. Non, mais... ton histoire, elle est trop cool. Oui, mais... Toi aussi, Mélodie, tu as passé un moment. Non, mais les Spice Girls... Ouais. Bah, moi, je savais qu'il... Bon, il fait encore des trucs. Les Spice Girls, il y a eu un peu un truc de... C'était pas du tout prévu qu'elles refassent un truc et tout. Comment ça s'est passé et comment ça, qu'est-ce que ça fait? Moi j'ai jamais fait un concert de gens dont j'étais fan gamin et de les revoir sur scène et tout. Surtout qu'en plus là en moins d'un an j'en ai pas mal enchaîné. Donc en plus je peux les comparer parce que j'ai fait Britney en août. Ça c'était un petit peu plus compliqué. Les Backstreet Boys il y a moins d'un mois. Ça c'était bien il paraît. Et c'était super. Et donc les Spice Girls il y a moins de 15 jours. Ouais. Bah, tu vois, c'est tout frais. C'est tout frais. Alors pourquoi Victoria n'est pas de... J'ai pas suivi, mais pourquoi elle est... Alors, nous nous sommes un petit peu renseignés. Il y a eu une enquête du côté de Mélodie Collange. Quand elle dit nous, elle parle de son entreprise d'enquête. Voilà, de la société. Staff, quoi. J'ai une SARL. Non, mais alors, elle dit que... mais c'est intéressant ceci dit, parce que les Spice Girls, c'est vraiment 4 chanteuses et Victoria, c'est pas vraiment une chanteuse. Et d'ailleurs, à l'époque... Dans les années 90, c'était celle qui chantait le moins, celle qui était le plus en retrait dans les clips, dans le folklore Spice Girls. Ouais, c'était dans le lore. J'ai l'impression que c'était un peu Jerry Halliwell, la star à l'époque, non? Plus qu'elle. Ça dépend aussi, finalement. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Non, mais quand elles étaient ensemble, il n'y avait pas vraiment de stars. C'est après, dans ses carrières solo. Enfin, il y en avait pour tous les goûts. C'est ça. Tu vois, c'est ce truc de Boys Band ou de Girls Band, ouais, tu as une préférée. C'est ça, comme les meufs de Sex and the City, quoi. Mais comme. T'as dit quoi? J'ai dit que comme les tags, tu vois, chacun a tous les goûts. Ah bah oui. La première fois que j'ai roulé une pelle dans ma vie, c'était sous un poster des Spice Girls. Et bah voilà. Voilà, c'est une petite anecdote. Mais il a toujours ses pieds interdits. Il adore le Cinoche, il a des anecdotes. Dans son Pierre Belmar, les anecdotes, j'ai raté. Énorme bandeur. Victoria a donné comme raison, et c'est intéressant, c'est que finalement, quand les Spice Girls ont arrêté de faire des choses ensemble, alors elles ont fait des carrières solo, mais on est tous d'accord pour dire qu'on en a peu entendu à parler. Jerry, à part Ali, Jerry, ouais, à part sûr. Jerry, mais les autres, Running Man, très peu. Ali et Victoria Lui, hein. Est finalement celle qui a construit le plus gros empire des bien Spice Girls, qui n'a rien à voir avec la musique. En fait, elle a créé une marque de fringues. Et bien donc, sûr. La raison de sa non-présence, c'est que Victoria, elle a une collection et des défilés et des saisons à suivre et qu'il faut qu'elle ne peut pas se permettre de prendre 4 mois. Victoria's Secret, c'est ça. Victoria Beckham. C'est vraiment l'excuse genre je viens pas à ton anniversaire parce que j'ai du ménage. Alors moi j'étais sceptique avec cette excuse où je me suis dit oui, comme une fausse bon. Apparemment elle comme fait quand même fausse, un film d'animation mais ah bon après c'est un peu facile mais elle a vraiment encouragé les filles sur les réseaux sociaux. Même David a posté une photo en disant big up les filles David. Pour ce soir David Beckham. Oui, non, oui, non mais bon. Je pensais que c'était un pote à toi. Ça aurait été David Hallyday, ça aurait été moins intéressant. Cool. Moins cool. Du coup, est-ce que tu dirais que tu l'as pardonné aujourd'hui, Victoria? Ouais, complètement. Et puis après, bon, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais elle a peu manqué. Ouh là là, oh là, là, là. Non, mais, prends ça dans les dents, non, Victoria. Mais c'est vrai que les quatre filles qui étaient là, on était là pour un concert, donc pour voir des gens chanter. Mm-hmm. Et c'est vrai que les quatre, vraiment, elles chantent hyper bien, elles envoient le pâté. Elles sont super, et que. Hein. C'est du super nana. Ouais, c'est super nana. Mais je vous invite à regarder d'ailleurs le live. C'est un boulot formidable. Ah oui. je vous invite à regarder le live qu'elles avaient fait aux Jeux Olympiques où il y avait Victoria. Il est incroyable. Qui est très cool, mais t'as un coup. Plan très marrant où t'as les quatre qui dansent vraiment la choré de ouf et t'as Victoria. Non, mais qui est un peu à gauche et qui pose vers les fans, mais du coup qui ne fait pas du tout la choré. Et donc visuellement, c'est extrêmement choquant. C'est vraiment, t'as les quatre qui font le truc exactement au même moment de déhancher de malade, et l'autre elle est à côté, elle fait coucou aux gens. Et du coup, tu dis, bon, peut-être qu'elle est un petit peu moins dans le délire. Elle est moins dans le délire, ouais. C'était incroyable ce truc-là. On se l'est rematé avec les filles justement après le concert. C'était incroyable cette ouverture des Jeux Olympiques là. Je me rappelle pas du tout. Vous vous rappelez pas, elles arrivent dans des taxis. Elles faisaient du surf sur des taxis. Il y a une dizaine de taxis noirs. Des taxis londoniens, j'imagine. Waouh, malin. Je sais pas. Bah, oui. Bah, oui. Oui, non, mais de voitures, voilà. Et il y en a une dizaine noire. J'ai adoré le londonien. Pardon. Donc tout le monde s'en fout. En fait, je vais quitter. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le taxi londonien, j'imagine, qui m'a fait rire pour les JO de Londres. Oui. Ah bah, vous aviez pas dit que c'était les JO de Londres? Ah pardon, aussi j'ai dit JO. Ah bah, oui, de Londres, parce que les Spice Girls sont anglaises. Voilà, pardon. Oui, bah c'est pour ça que je disais des Londres. Excuse-moi. Parce qu'elles sont anglaises, je savais pas que c'était les JO de Londres. Ah si, pardon. J'en ai rien à foutre des JO, je regarde jamais. Attends, hé, calme-toi. C'est le pire sport. Est-ce que c'est l'équivalent des misophones pour toi, c'est ça? Voilà. Les gens vont encore croire. Réécoutez les podcasts si vous croyez que j'ai quelque chose. Entre les misophones, vous n'avez rien compris. Mélo, je t'en supplie. Monsieur le cabage. Non, mais je disais juste que c'était une très belle mise en scène. Que ça, au début, arrive une dizaine de voitures de couleur noire. Ouais. Et que d'un coup, 5 d'entre elles se mettent à prendre les couleurs de chaque Spice. Oh et les mais comment autres, c'est possible des projecteurs? Des LED, je pense, des panneaux LED. Putain. Tu vois. Ok. Et que du coup les autres voitures qui restent noires quittent la scène et que des mecs ouvrent la porte et que chaque Spice sort, enfin c'est fou. Enfin wow. Va le voir. Je vais pas tout raconter, c'est mais ça dure chance que vraiment. Je mais si voir. Je vous dis 4 minutes, non mais vraiment, People il est of the c'est world. Très stylé. Spice up your life. Voilà tout simplement. Je voulais tester. Alors c'est wow. Intéressant wow. Parce que. Je ne connais pas les paroles. Ah ouais? Eh bah, comme une enfant de 12 ans en fait. Parce que moi j'ai dit. Donc là j'ai pas du tout compris où tu voulais en venir. Je disais People of the World. Ouais, oui, là maintenant j'ai compris Spice time. Up Your Life, mais. Moi, je faisais... Non, mais ce qui était intéressant, c'est que à 12 ans, je parlais aussi mal anglais que maintenant. C'est faux. Très mal. Et que du coup, les paroles, c'est du yaourt. Bah, et bien que sûr. J'ai continué à chanter du yaourt. Donc, moi, quand à la We Are, tu me vois chanter Wannabe, ouais. C'est clairement. C'est. Et non, wanna, wanna, wanna, willy, willy. Voilà. Il y a Really Willy. Sauf ça, que voilà. Là, c'était drôle parce qu'on était à Manchester autour de gens qui parlent bien anglais. Et à un moment, j'ai exagéré le yaourt et la fille à côté de moi, après m'avoir regardé méchamment, a quitté. Elle a dit c'est raciste. C'est raciste. Elle a quitté quoi sa place? Elle est partie. Bah je la hais. Elle est vraiment partie. On peut pas s'amuser quoi. Sauf si c'était Natou. Non, non, Natou m'accompagnait ouais, dans mon yaourt. Sachant que, alors si vous avez vu justement la vidéo de Natou, vous le savez déjà, mais vous n'êtes pas allé juste au concert. Il y a eu une façon d'y aller à ce concert. Aïe, aïe, aïe. En avion. Visuellement. Ah, bien sûr. Oui, alors comme on est 5 copines, nous avons chacune incarné une Spice. Moi j'ai une question à ce propos. Ouais. Pourquoi Clara n'était pas peinte en noir? Non, pas du tout. Mais est-ce qu'il y en a une sur les 5 qui a été obligée de se sacrifier pour faire celle que personne ne voulait faire? Il y a eu débat. Ok. La sportive. Il y a eu débat. Je sais pas. Alors c'est hyper intéressant en plus. Il y a eu débat. J'ai cru que on allait splitter, sincèrement. Ah ouais. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Les deux restantes se sont. On trouve un accord. Ouais, on trouve un accord, mais très très facilement. Et c'était, très, quelle, facilement. Je veux pas dire quelle fille, mais quelle. Bon, on saura. Les deux mêles. Ils ont créé Meldé. Les, en fait. Les deux mêles. Les deux mêles. Moi, il est évident que je fais Emma. Il y a bien pas sûr. De débat. Oui. Bien sûr. Natou, Victoria, c'est une évidence. Bien sûr. Sarah étant rousse et ayant déjà la robe de Jerry. Bon, bah, voilà. Elle devait faire Jerry. Et du coup, il restait les deux dernières avec les deux mêles. Après, on aurait pu dire Vanessa a des grosses gouttes. Comme Jerry. C'est vrai, c'était ça passait un argument aussi. Aussi, tu vois. Ça passe, ouais. C'est un argument. Que vous n'avez pas pris en compte, j'ai l'impression. Mais non, et qui ne fait pas mouche. Vu ton visage. Non, mais ça pouvait être un argument non, aussi, non, quoi. Vous pensez mais jamais Emma, aux gougouttes aussi. Emma non, mais des grosses gougouttes et j'en ai pas. Et j'ai pourtant incarné ma merveille. Non, mais pardon, c'était quand même mais... le truc de Jerry, quand même. C'était les grosses son gougouttes. Truc. Les grosses gougouttes à Jerry. Bah, alors, pardon, mais je me souviens de l'époque où c'était un sujet de discussion. Thème numéro 1 dans les années 90. Jerry's gougoutes sur Pornhub. Les meules. Alors j'ai tapé grosse gougoute à Jerry, j'ai juste des chansons de Georges Brassens, brave Margot, donc c'est pas faux. Non mais bon, le mot gougoute était c'était pour l'humour. Bon bah alors, donc c'était les deux mêles donc. Les deux mêles mais finalement il y a eu Mel Gibson se sont très facilement attribué les rôles. Enfin sans il y a plus de débat. Donc c'était, j'ai cru mais c'était, en fait Clara et Vanessa. Et Vanessa. Clara et Vanessa ouais. Simplement. Et concert donc heureux, concert plaisir. Concert super, très belle scénographie, très beau. Alors son de merde. Parce que c'est, ouais, ça c'est dans stade donc oui. Ça c'est de toute façon. Ça malheureusement. Ça c'est malheureux les mais. Et Oli, les frérots. Ouais. On les salue. On les salue. Salue faut mais faire ça, attention les stades. Terrible, c'est le bac. Quoi. Je passe le bac en ce moment. Pardon, j'ai cru que c'était j'étais McFly. Je me suis trompé. Mais Manchester, c'est parce que moi je connais pas du tout. C'est plutôt sympa. La ville de Manchester. Ouais, ça me donne pas peu envie. C'est mort un peu. Non ouais, ça a l'air d'être. Bah, disons qu'un week-end ça va, mais pas ouais. Plus quoi. Ah, deux week-ends, ouais. Bonjour les dégâts. Manchester. D'autant plus qu'on a été confronté à. Des gros pans. Alors des gros pans, non. Mais en fait, je me suis fait refouler d'une boîte de nuit pour la première fois de ma vie. Ah, alors, c'est intolérable. Il y a des boîtes ouais. Qui refoulent des meufs donc. Ouais, 5 meufs. Qu'est-ce que... Mais une bonne gueule peut-être. Ils sont sortis de l'Europe. Non. En fait, il y a une définition du chic et de la tenue de sortie qui est vraiment différente de la nôtre. Très mini jeu. Et donc, oh, c'est-à-dire que t'avais ta banane irisée argentée. Encore une fois, alors... Clara était en blackface. Alors, j'avais des. Le problème qui a posé, c'est que j'avais des buffalo. Oui. Et Nat aussi. Ouais. Ah merde. Et en fait, là-bas, toutes les filles sortent avec des jupes très très courtes et des talons aiguilles. Ok. Et nous, on est arrivé à 5 et il y en avait que une qui avait des talons sur les 5. Et donc je suis arrivée la deuxième avec mes buffalo et ça a fait non et il m'a ouvert le truc et ah et buffalo ouais. Donc ça donc Nat aussi merde tout le monde est sorti donc, et en fait ce qui est fou c'est quand, que quand t'as des buffalo t'es grillé buffalo grill ouais, je l'ai. Non mais est-ce que cette soirée est tombée buffalo. Elle est tombée buffalo j'aurais pu passer ouais non mais oui, mais non, mais oui. Bah, allez, je suis confirmé quand même. Oui, non, mais moi j'avais quelque chose à dire. Je t'appelle Buffalo. J'avais quelque chose à dire. Non, juste pas dire que je m'étais fait refouler d'une boîte de nuit à cause de mes chaussures. Non, ce qui est important, c'est que nous étions 5 filles en état pas bourré oui, ni rien du vous tout. Vous aviez ouais. Peut-être bu, Fallo. Pas mal. On était en forme, on était en état, on n'était pas. Voilà. Et on nous a refusé l'accès. Et quand on est vraiment, on a fait un mètre après la boîte et sortait des meufs. Alors oui, des jupes très courtes, des talons très hauts, mais en se dégueulant dans les cheveux, quoi. Oh. Et en fait, on s'est toutes retrouvées à 5 en 11 ans. Mais, avec des talons mais c'est fou, c'est-à-dire qu'il vaudrait mieux se gerber dessus, mais être ralachtroumfette, quoi. Et là, tu rentres. À savoir. Et là, on est venu avec notre joie de vivre, notre argent, notre tu vois, et quelle sûrement idée. De nombreux cocktails à s'enfiler. Bah, et oui. On s'est fait rejeter ils comme des merdes. Ils savaient pas c'était qui Natou, eux. Sinon, vous seriez rentrés. Ouais, alors, ça, j'ai répété qu'on était avec le top 100 de l'influence France. Il y avait quand même plusieurs millions d'abonnés qui ont été refoulés, là. J'ai proposé qu'elle sorte son le sa compteur. Chaîne YouTube, le petit compteur, mais bon, je crois que c'était les chaussures de toute façon. Donc, on peut y aller pieds nus. Je vais tenter la transition, mais j'ai un peu de mal. C'était un peu un rêve de gosse. D'aller voir les Spice Girls. Complètement. Comme faire un porno. Que je n'aurais jamais pensé réaliser. Comme peut-être faire un porno. Exactement, ouais. Comme peut-être ouais. Babor, puisque Babor a mis en scène ça, c'est un fait, ouais. film pornographique. Ça, bravo. Alors ça, j'aimerais ça, que merci. Tu Attends, en Attends, tu l'as écrit aussi, non? Je l'ai écrit, oui. Tu as écrit, bah, d'ailleurs, le deal c'était surtout de l'écrire. Oui, c'est l'école Nouvelle Vague. C'est la condition de l'auteur, c'est le réalisateur et scénariste. Hein, ouais, c'est le jour J où on m'a dit. Baisse un petit peu ton micro, mon Nouvelle Vague de sperme. Ou alors tu le baisses un peu, tu vas voir, ça va marcher. Yes. Ou un peu plus haut. Là c'est parfait, là c'est okay. parfait. J'ai toujours la peur que ce soit celui sur lequel il vit caché régulièrement. Oui. Part du principe que c'est celui-là. Ouais. Tu poseras moins de questions. Ok. Comment ça s'est goupillé cette petite histoire? Je t'en supplie, Clément, je veux les détails. Je vais faire. Genre, est-ce que la fille mouillait? Alors, j'espère pour elle. Non, mais je pars d'où? Je pars de ah, j'ai fait un truc sur Twitter, machin. Ouais, ou... tu peux. Après, vu le dédain que tu as mis dans cette voix. Oui. Je tiens à m'excuser. Non, pour faire vite, j'ai défié Dorcel sur Twitter en disant pour combien de retweets. Pas du tout une OP, pas du tout un truc naturel. C'est un vrai truc, contrairement à tous ces trucs-là où c'est faux. Là, c'était. C'était pas du tout une OP. Voilà. Je me suis dit justement, et tous ces trucs-là, autant en profiter. Ils m'ont dit, je sais plus, 30 000 ou 20 000 retweets. Ouais, ouais. Ça l'a fait, assez vite d'ailleurs. Les gens étaient avides de voir Attends, du cul. Excuse-moi. Oui. Non, t'allais dire un truc. J'allais dire, ça l'a fait. Léa, bah, ça l'a fait, c'est ça? Ça l'a fesse? Ah non. Non. Oui, si, vous allez mieux. T'allais dire quoi? J'étais sur des falafels, mais j'ai la façon de le tourner. Je suis désolé. Pardon, excuse-moi. Ça l'a fiste, non? Ouais, ouais, ça l'a fiste aussi. Non, mais on n'est pas sexiste, on interrompt aussi les hommes. On est des merdes avec tout le monde. Du man-interrupting. Pas du man-interrupting, mais chez les hommes aussi. Attention. Donc vas-y. Voilà, donc ça l'a fait. Et donc ça, c'était avant l'été. Puis pendant l'été, voilà, ils m'ont dit, écris-nous un petit scénario. Bah, ça prend un été, de toute façon. Non, je savais pas trop quoi faire parce qu'une fois que j'ai fait le mariole, une fois que j'ai eu mon Under Twitch, je savais pas trop quoi faire. Donc je suis parti sur une base d'un petit scénario de 4-5 pages. D'accord. J'ai fait un truc assez simple parce qu'au final, quand ça prend un peu, quand ça prend corps, quand tu te dis ah, je vais devoir vraiment le faire, tu te dis bon, je veux pas trop emmerder les gens. Donc je suis resté dans un cadre assez simple. J'ai dit je veux que ce soit dans un appart avec seulement un acteur, une actrice. J'aurais peut-être pu être plus fou, mais comme voilà, quand tu débarques dans un milieu que tu connais pas, tu fais profil oui, bas. Je vais faire une scène assez simple. C'est et puis, du coup, t'as voulu écrire un truc drôle ou un truc méga sérieux? Ah non, c'est drôle. Assez drôle, drôle enfin, j'espère en tout cas. Oui, oui, c'est le but. En après, il y a vraiment une intro, il baise et une outro avec des dialogues. Mais voilà. Il y a quand même de la baise, quoi. Oui, oui. Ah bah, je t'en supplie. Voilà, c'est ça. Et donc, après, le tournage est arrivé. Écoute, c'était très sympa. C'est moi qui avais pu choisir les acteurs. J'avais choisi donc Luna et Rico. C'est Monsieur Poulpe qui me les avait conseillés parce que je les avais rencontrés sur Crac Crac aussi. C'est ça, c'est les deux acteurs porno qui tournent le plus dans l'émission de Poulpe. Exactement. Les trucs genre Hollywood Boulard où c'est des guests qui dirigent des pornos ou des trucs comme ça. Donc, tu savais qu'ils avaient de l'humour déjà. Oui, voilà. Moi, j'avais demandé à Poulpe parce que t'as des gens qui ont de l'autodérision à me conseiller, qui peuvent faire des dialogues un peu débiles. Il m'avait conseillé ces deux-là et c'était de bons conseils puisque ça s'est très bien passé et le courant est bien passé avec les deux. Excellent. Ils ont été très très bons. D'accord. Et très pro. Très pro. Très pro. Ouais, ouais. Ça prend combien de temps à tourner tout ça? Alors là, on a pris le temps. Je sais que des fois c'est plus rapide, mais nous vraiment, on avait la journée. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à 9h. Pour baiser? Ouais, pour baiser. Ah putain, moi, 10 minutes, c'est torché. Hein. C'est vraiment, c'est fou. C'est fou, c'est... Non, mais en gros, nous, on est arrivé le matin, et puis il y a eu tout le make-up de Luna qui a pris beaucoup de temps. D'accord. En Rico, un peu moins, je te le cache pas. Il est moins filmé. Hein, zéro. Ouais. J'ai une question un peu technique. Vas-y. J'aime bien quand il prévient. Oui. C'est du coup... Est-ce que le maquillage a lieu ailleurs que sur le visage? Non, il fait référence au cul et à la chatte. Non, y a non un je moment... me permets d'expliquer. Oui, oui, on a des éditeurs. Il y a un moment où on a coupé pour remettre du maquillage dans le cul de Luna. Ah ouais, voilà. Ah, c'est très maquillé. Technique, bien sûr. Elle avait un petit star sur le cul, ils l'ont caché. Voilà, ça arrive à tout le monde. Mais bien sûr. Donc non, c'était. Mais ils font la même chose à Catherine Deneuve alors qu'on filme pas son cul. Mais attends, t'as dit dans le cul, c'est sur le cul. Sur les fesses, quoi. Sur, oui, dans l'arrêt. Dit dans le cul, quoi. Oui, dans le cul, c'est un délire. Pas dedans. C'est, pas bon. Hashtag je tarde dans le cul, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ouais. N'hésitez pas. Non, voilà. Et donc, non, le matin, on a tourné toute la partie comédie. Et au final, on n'a pas tourné de cul avant genre 16h. Et ça a pris à peu près une heure. Est-ce que tu as pu dire des phrases comme faut qu'on la refasse ou des trucs comme ça où t'avais non, pas exactement alors, ce vrai, que tu voulais? Il y avait un mec à la caméra, mais déjà, ça m'a surpris quand on m'a dit à quelle position tu veux. J'avais pas du tout anticipé ça. Ouais. Pardon. Ah oui, il fallait que la position. Ah oui, ouais, non, mais j'ai tout choisi en oui, fait. Oui, toi t'étais en mode bah, improvisé. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je pensais qu'en fait il y avait un réalisateur. Il dit non, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui choisis, c'est ton projet. Donc bon, bah, j'ai dit qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir. Alors je sais même plus ce qui a été retenu, mais je voulais qu'il se fasse plaisir. Je me suis dit bon, moi je me suis fait plaisir comme ça. Le bon chrétien. C'est ça. Donc t'avais pas de positionnement sur Enfin, je veux dire, tu t'es pas dit, je veux que ce soit érotique ou alors très hard. Non, mais c'était porno. C'était porno. C'était porno. Porno. Voilà. Il y avait péné. Il y avait pénétration, il y avait de l'anal. Mais je parle pas de. Ah, t'as quand même mis de l'anal au programme. Il y a Fred Coppula qui m'a dit, est-ce que tu veux de l'anal? Je dis, ah oh, bah oui. Et il ah m'a bon, dit, ah oui. Oh, bah c'est bien, c'est un vrai truc. C'est un ah vrai oui, truc. Ah, Francis Lanal, hein, d'ailleurs, je me permets. Voilà, c'est ça. Donc d'accord. Et donc après, vous avez sorti ce porno. Il est sorti combien de temps? Et il y a Poulpe aussi, d'ailleurs, faut le dire. Il y a Poulpe aussi qui joue le maire de la ville. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire peut-être aussi? Oui, bah en fait c'est moi je fais le mari qui s'est fait tromper, donc Luna me trompe avec Rico. Quel est le titre déjà? Introumpable. Introumpable. Ouais, c'est un peu ironique d'ailleurs, mais bon. Voilà, voilà. Parce que je suis complètement trompé dans l'histoire. Et mais la trompe du bâbord, oui, enfin tout est calculé. Comme, c'est comme Intouchable, mais il est touché par le mec qui s'occupe de lui, donc c'est la même chose. Au final. Est-ce que c'était une inspiration Intouchable? Non, c'était plus une auto-référence à mon long métrage YouTube qui s'appelle Irregardable. J'ai des questions là-dessus, on y reviendra. Ah bah, on y reviendra. Et du coup, oui, donc l'intervention de Poulpe, c'était parce que Luna, dans le scénario, refuse de faire l'amour sans être mariée. D'accord. Donc elle fait venir le voisin, qui est donc le maire, pour les marier en vitesse. Bien sûr. On voit qu'elle a plein d'alliances sur les doigts. D'accord. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, je peux vous faire tourner le lien. Ah bah, avec plaisir, j'adore manger. Je te l'avais envoyé, non? Je me l'avais envoyé, mais je te l'envoyer. Je veux bien, parce que. Voilà. Si t'as des codes, voilà. Et bah écoute, ça c'est. Ouais. J'ai un premier mini-jeu, puisque Babord, tu as réalisé un film porno avec l'équipe d'Orcel. Ouais. Voilà, qu'on salue, qui n'hésite pas à nous envoyer un maximum de goodies. Des goodies. Parce que goodies. On adore les goodies. Ouais. J'ai préparé un petit jeu que je m'en vais vous raconter. Je suis allé sur le site de d'Orcel. Et ils ont. Comment dire comment le dire en joli mot? Ils ont une petite passion pour la parodie porno. Bah ça, oui. Ça, bah, on est deux, hein. Ouais, toi aussi. Oh oui. Et donc je me suis dit, je vais vous lire des résumés de films porno qui sont des versions porno de films français. Ok, okay. Jusque là on est bon. Il faut que vous me trouviez le film original, le film parodié. Mais titre, aussi le titre porno, okay. Qui est souvent un jeu de mots rigolo et sympa. Donc les deux titres. Les deux titres. J'adore ce jeu. C'est un très bon jeu. Tu vas être un killer. J'adore ce jeu. Je commence avec un très facile pour avoir un peu le mood de du petit jeu et après ça devient pas forcément simple. Charles Vernon, un notaire gaulliste et sa femme Marie, des bourgeois catholiques vivant en Sologne, sont les parents de deux filles assez turbulentes. Elles sont en effet des fans inconditionnels de joueurs de football issus de l'immigration et de religions différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Bien joué. Chinois, portugais, algérien ou encore camerounais, Madame Vernon n'est pas en reste. Et pour que rien ne se sache, c'est souvent de 5 à 7 que la prude mais salope mère s'envoie en l'air en se faisant tirer au but. Le père, lui aussi supporter du foot et du PSG en particulier, va-t-il longtemps laisser tous ces étrangers débarquer chez lui? Donc c'est bien qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et qu'est-ce qu'on a... Elle est assez simple celle-là, il n'y a pas vraiment de blague de cul dans le titre. Voilà. Ah ouais, qu'est-ce qu'on va droit au but. Qu'est-ce qu'on a baisé au bon Dieu. Voilà, c'est qu'est-ce qu'elles ont fait au bon Dieu. Ah d'accord. Tout ah, simplement. Ouais. Ah, ouais. C'était le premier, ah, c'était ouais, pour un exemple. Les autres sont un peu plus tatillons. Suite à un choc émotionnel consécutif à la rencontre de son ancienne complice libertine, Jérôme rechute dans sa perversité sexuelle. Il pensait être guéri de son vice, épaulé par sa femme Sophie. C'est le film avec Fassbender? Non, c'est film français. Français. Attention. Chasser le naturel, il revient au gaolo. Il fait sodomiser Sophie par le gardien d'immeuble tout en filmant la situation. Il fait baiser. Bah, c'est un même. C'est un même. Ouais. Voilà. Il fait baiser à son domicile leur jeune fille au père russe Octavia de 18 ans par son collègue de bureau et montre la sextape à sa femme devant Octavia, honteuse de ses prouesses. Mais se doutait-il que Sophie dépasserait le maître en matière de perversité? Elle lui réserve aussi une surprise avec sa meilleure amie Tiffany. Perversité quand tu nous tiens. Alors attends, moi j'ai là, le film français. Il y a eu un film pas le film. Alors le début c'est le suite à un choc émotionnel. Concentrez-vous sur cette idée. Le scaphandre et le papillon. J'ai pensé exactement la même chose. Sachant que je l'ai pas vu mais. Non c'est pas ça mais du coup je cherche la version porno du scaphandre et le papillon. Scafoutre ouais, j'ai dit ça. Et le... Elle se fait fendre le papillon. Ah, oh, ouais. Putain il est bon. Il est du milieu. Se fait fendre le papillon j'aime bien. Je bosse là-dedans. Film français gros succès. Alors un choc Intouchable non, ça c'est un choc physique. Intouchable, la version porno, ce serait touchable. Est-ce que les prénoms, c'est les mêmes? Tu gardes les mêmes prénoms? Non, les prénoms souvent sont changés. Ah, alors, un choc après, émotionnel. Après, tu dis tu, c'est pas moi. Hein, c'est, c'est Marc. Pardon. C'est Marco. C'est Marc. C'est Marc et toute sa team. Est-ce que c'est le grand bain? Non. Le grand bain de foutre. Hein, ouais, bien sûr. Ou la grande bite. Ouais, bien évidemment. Le gros sein. Enfin, ouais, enfin, il y en a mille, hein, après. Hein. C'est un film connu français. Un des plus gros succès de l'année 2018. 2018. Ah oui. Et la petite famille. Bien joué. La petite famille. Non. Non, ça s'appelle la grande famille. C'est pas ouf là pour celui-là. Non, mais je commence. Je suis un petit diesel. Je commence doucement. C'était la grande famille, parodie de la petite famille. Je vous invite à taper les titres parce que même les affiches sont des parodies et souvent c'est la même affiche mais elles sont à poil. Voilà, tout simplement. Sur ma vie dans ce film, les filles elles sont trop bonnes. Cinq belles demoiselles racontent sans complexe et avec beaucoup d'humour. La vérité si je bande. Bah oui. Exactement. Oh. La vérité si je bande. Bon. Très très beau. Je connaissais. Deux points pour Monsieur Méniel. les gars. Vénère. Il va être très fort à ça. Bon, il adore bander. Déjà très fort. Il adore quoi? Bander. Entre autres. Dans son top 5 de passion. Des choses à faire. Ce couple s'est recevoir. Au cours d'un dîner, Anne-Sophie prend au mot son bourgeois de mari Aymeric en campagne électorale pour sa réélection. Quand ce dernier déclare, en dépit de ses convictions, qu'il est prêt à accueillir chez eux une personne dans le besoin. Elle y voit une occasion de pimenter leur vie sexuelle monotone et ne sera pas déçue de l'aventure quand Aymeric ramène dans leur domicile Tatiana, magnifique mendiante recueillie dans la rue. Alors, à chatte ouverte? Non. À bite ouverte? Non, mais c'est à bras ouverts. Non, c'est à bras ouverts. À braguette ouverte. Oh, joli. Oh, c'est pas ça, mais c'est mieux. C'est, à braguette ouverte, souvent, c'est jamais. Souvent, c'est pas le meilleur truc qu'ils choisissent. Ils cherchent l'efficacité. Mais vous êtes autour des bras ouverts, c'est pas loin. Qu'est-ce qui a été proposé? Alors, il y a eu à chatte ouverte. Ouais. De la part de JB, à bite ouverte, que je n'ai pas compris. Je vois pas comment, nous, je vois pas comment une ouvre dégueulasse. Si l'urètre est ouverte. Et oui, oui, bien sûr. Mais du coup, c'est vraiment très précis. Calme-toi. Et Babor a proposé un très joli à braguette ouverte. Ouais, qui est mieux que l'original. T'as reçu une fiche de paye d'Orcel? Non, j'ai pas été payé. C'était vraiment du... C'était à la win-win, mais il n'y avait pas d'argent. Ok, d'accord. J'aurais adoré que tu dois s'encaisser un chèque. En disant qu'ils prennent pas souvent le meilleur titre ou quoi, pour la légende, la baseline, ils ont voulu en rajouter une. Ils ont pas pris. Ils ont mis Elle est cocu, elle est contente, mais c'est eux qui ont choisi. Moi j'avais proposé plein de trucs vachement mieux. Comme je sais pas, j'ai proposé. Il y a qu'au supermarché qu'elle a avec sa carte de fidélité ou des trucs comme ça. Tu vois. Je les ai plus en tête les autres. Mais, ah putain, très joli. Mince. Ouais. Alors celui-là, je vais. À branlette ouverte? Non. Il est pas grossier, mais l'idée de baiser à maximum hein, est présente. À lit ouvert? À cuisse ouverte. À cuisse ouverte. Ouais. Simplement. À cuisse ouverte, pourquoi? Bah c'est parce qu'au milieu de des cuisses il y a la chatte. Voilà, et on peut baiser. Loger, et voilà, on peut baiser. Et on peut loger. Ah, autre chose d'ailleurs. Une fois qu'elles sont ouvertes, c'est parti. Hein. On y loge ce qu'on veut. Pour on renoncer, après. Chacun. On peut doigter, c'est vrai. Mais. Ou mettre une figurine de Kevin Smith. Une bouteille d'ice. Une bouteille d'ice, un paquet de Pimps, tout est possible. Après, chacun. Chacun est libre au chansonologie. Stella Blanc est la première femme policière à être nommée à la tête de l'unité spéciale de Julie Lescaut. La DIRA, non. Lesbienne et totalement misandre, elle décide de mener la vie dure au numéro 2 du DIRA, Edouard, dit Ed le Guetard. Ce nouveau binôme improbable parviendra-t-il à arrêter la Panthère, chef de gang des Jaguars, responsable de braquage dans la capitale? Alors, c'est pas la série sur Canal C'est un film. C'est un film. Est-ce que c'est pas le film le flic de Belleville. Avec Danny Boone Comment il s'appelle? C'est en un mot. Red. Red. C'est Red Dingue, exactement. Red Dingue. Red. Red. Que Red. Non. Bande Red. Que Red, un truc. Non. Mais le flic de Belleville, ça aurait pu être le flic de Belleville et ça aurait été super. C'est vrai. Mais ouais. Donc c'est Red. Mais c'est Red Dingue. C'est Red Dingue. C'est un jeu de mots de merde ou c'est... Non, pas non. Non plus. Celui-là, il est pas fou. Je vous dis, on commence c'est doucement. C'est pas baise dingue. C'est pas. Non. Ça baise au Red. Non. On t'a dit, c'est pas ouf. Non, c'est T-Red, tout simplement. T-Red. T-Red. Comme une bonne bite Red, voilà, tout simplement. Ah, okay. Bien Red. Tombés dans la lassitude sexuelle, Anya et Jean-Philippe, un couple de quadras, décident de divorcer. L'annonce de cette grande nouvelle, Alexis et Tony, leurs enfants de 18 et 19 ans, j'aime bien la précision, donc majeurs, va enclencher un conflit familial sans précédent. Et j'adore la dernière phrase qui est « L'amour l'emportera-t-il sur le cul ?» Génial, mes parents divorcent. Non. Non. Mais L'équivalent. Plus récent, tu veux dire? Oui, voilà. Je sais pas. C'est pas le truc. Tanguy, un rapport? Non, pas loin, on s'approche. Un truc de divorce? Ouais. Récent, il y en a eu deux. C'est pas le truc avec Marina Foy, ça? Si. Et Laurent Lafitte? C'est ça. Dans l'avion, là? Putain, comment il s'appelle? Non, famille. Non, comment ça s'appelle ? C'est Papa ou Maman. Papa ou Maman ? Papa voilà. Dans Maman ? Non, c'est Maman ou Papa. Mal. Tout simplement. Oh, ils ont non, mais, bon, bordel. Oui, mais non, mais écoutez, y a les bons arrivent. Il y en a un dernier pas ouf et on finit en apothéose. Ok. Ah. Quand Papa a la bite molle. Quand Papa a la bite molle, plus personne ne rigole. Rien ne va plus dans la famille. Suite à des problèmes d'érection, les parents d'Alix ne baissent plus. Jusqu'à la garde. Non. Et ils ont laissé le même titre. Les parents d'Alix ne baissent plus et l'ambiance dans le foyer est délétère. Mais la jeune femme va tout faire pour rétablir la situation. Amour, tendresse et sodomie enchanteront cette parodie. Non, mais ce qui est génial, c'est que quand le papa a bande mou, rien ne va plus dans la famille. Ouais, c'est terminé. Et ça, c'est incroyable. Le baromètre. C'est quoi ces notes, Ludo ? Bah, papa bande plus. Excuse-nous, je savais pas qu'il y avait des problèmes à la maison. Allez, allez branle-le. Mais tu vas me branler ton père aussi. Mais du coup, alors attends, c'est des enfants qui essayent de remettre leurs parents ensemble, c'est ça ? Non, la famille n'est pas séparée. Mais c'est non, mais de raviver la flamme, quoi. Père qui voilà. Bande pas, même dans le film français. L'original, c'est ça aussi. Non, mais c'est, l'histoire, c'est pas des enfants qui veulent raviver la flamme de leurs parents. C'est un peu ça. Non, pardon, dans la version originale, dans le film original. Oui. Non, pas vraiment. D'accord. Non, ils sont partis sur un autre délire, hein. Mais. Et l'affiche est très très bien. Je vous la raconterai après, l'affiche est très très bien. Vous savez quoi, je peux vous le dire, ça peut être un indice. Ouais. L'affiche, c'est une famille, et la fille de la famille qui est blonde est au premier plan. Et mime de sucer une bite. Et en fait, c'est un indice par rapport au film parodié. Je sens que j'ai mis un froid de ouf. Je vois pas là. Succès du cinéma français. Quelle année à peu près ? Il y a 3-4 ans, je pense. La blondeur a son importance ? La blondeur de l'actrice est la même dans la version originale et dans la version. Tamara. Non, mais on est sur ce genre de film avec une jeune ado en héroïne. Un peu plus auteur. Les combattants. Non. Plus auteur ? Un peu, mais qui a été un gros succès public. J'ai peur de La famille Bélier ? Ouais. C'est exactement ça. T'aurais dû te faire confiance, Mélodie. Non, en fait, je voyais pas le rapport avec le Luan. Avec le fait de ne plus bander à la maison ? Ouais, avec le fait que le papa bande. Il entend pas, il bande pas. Ouais, voilà, je te rappelle que ça rend sourd la branlette quand même. Ah, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr. Ah, c'est et vrai. Et je vous invite à regarder l'affiche du coup qui est très marrante. Et le verso porno, pareil, c'est la famille Berthier. Là, on va commencer à rentrer dans le vrai. Ah. Je me régale. Le premier est très facile, mais j'adore. Pascal dirige d'une main de fer ses mignons et baisse d'une bite de fer ses salopes. Ah. C'est un peu un piège. Pascal le grand frère. Je dis que c'est français, mais en vrai, c'est moi moche et méchant. C'est moi moche et méchant. Alors, mais alors, trouvez la version. Moi moche et bandeur. Non, t'as dit quoi ? Moi moche et pinon. Non. Moi moche et bandant. Non. Attends. C'est pas très radiophonique, mais tu m'as fait un petit jeu de regard que j'ai adoré, JB. Sur le bord, le sourcil à atteindre le fond. Est-ce qu'il y a moins moche ? Il y a moins moche. Moi moche et fourreur. Et ça se finit, c'est un participe présent après. Non, ce n'est pas. Mais non, je te dis, des fois, vraiment. C'est un participe présent, me dit-il. Non. Moi moche et tout. Qui baise. Qu'est-ce qui a été proposé là que je refasse ? Alors, il y a eu moins moche et bandant, il y a eu. C'est pas moche qui présent, du coup, c'est. C'est un nom commun. Je vous redis un peu. Que tard. Non. Pascal dirige d'une main de fer ses mignons et baisse d'une bite de fer ses salopes. Moi moche en me branlant. Non, parce que ça n'est pas un participe présent. C'est un nom commun. Non, mais ni un adjectif d'ailleurs. Non, parce non, que non. Méchant, c'est pas un participe présent. Moi moche et baiser a été proposé. Oui, oui en tout cas. Moi moche et mon gland. Non, mais c'était bien. Ah, c'est un nom commun, tu dis. Vas-y, il a dit un nom commun. Ouais, mais ça finit en an ou pas ? Non. Ah d'accord. Non, ouais, non, du tout. Non, du tout. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Moi moche et bouteille quoi. Ouais ouais. Non, dans le cul en l'occurrence. Et... Non, sinon ça n'a pas d'intérêt. Moi moche et. Je vous dis un peu l'histoire. Pascal dirige du main de fer ses mignons et baisse une bite de fer ses salopes. Moi moche et mes salopes. Et mes mignons. Exactement Adrien. Moi moche et mes salopes. Comme quoi. Et je vous invite à regarder puisque l'acteur principal, je crois, c'est le gars qui fait les vidéos assez hardcore chauve là. HPG. Pascal. Oui, je crois Pascal que c'est Lop. Ça. C'est possible. En tout cas, la ressemblance est à s'y méprendre. Bien sûr. Que Mélodie tu est vois. En train de googliser moi moche et mes salopes pour vérifier non, l'affiche. Googleise Pascalop. Voilà. Mélodie. C'est magnifique. Voilà, c'est un sosie. C'est un sosie. Le mec est un sosie. Et mes salopes. Voilà. On dirait des flyers dans les fêtes de village pour. Mais c'est vrai. C'est un bal ça. C'est pour. Oui, c'est un baluche. Bien sûr. Il y a des gens déguisés en mignons quand même. Ouais. Ouais. Bah toi, j'ai vu le mignon. Tu peux faire le mignon. Et apparemment, c'est le mignon. Oh les costumes en merde, c'est génial. Ah, c'est la costumière qui parle. Là. Ah, attention, mais l'autre, ton expertise. C'est pas mal idée. Hein. Après, de ce que j'ai compris, vous n'avez pas besoin d'avoir vu les films pour comprendre. Ouais. Non, ça va, on peut suivre. Non, il n'y a pas besoin. Ouais, sinon c'est... Il fait nuit, une jeune femme est assise à l'avant d'une voiture, les yeux bandés. Qui est cet homme qui conduit la voiture, quasiment nu sous son imperméable? Elle est offerte à son premier mec dans la lumière des phares, puis à deux autres mecs dans un local poubelle. Ils finiront à 5 sur elle, dans sa bouche et dans son cul. 50 Shades of Grey. L'histoire n'a rien à voir avec le film original. Ok, d'accord. Film français. Oui, ah, très français. Mais alors, qu'est-ce qui... Le film n'a rien à voir avec ce que rien tu viens de voir. Donc je vais vous donner des petits indices. Ah ouais, bah c'est un road trip, je t'en remercie. Ouais, non, c'est pas un road trip. Il y a même pas une histoire c'est de une voiture. Comédie, mais pas une grosse comédie popu. On n'est pas sur Les Tuches. Est-ce que c'est le... Les Tuches. Les Tuches. Le film avec... Imitation Speed, là, français, où ils ont plus de frein, là. Tu parles d'à fond ? À fond. Ah, une version porno d'à fond, où ils n'auraient pas de frein non plus, d'ailleurs. Non, non, non, bah là, non, il s'arrête dans un local à poubelle, quand même. Non, c'est pas le transporteur. Ah, c'est comme sans voiture et tout. Non, non, c'est pas de l'action. Il n'y a pas de voiture du tout. C'est un peu auteur. Il n'y a pas de voiture. Pas de voiture. Film à César. Acteur reconnu, comédie française. Thierry Lhermitte. Denis Podalydès. La comédie française. Donc plus Denis Podalydès. Mais pas lui. D'accord. Ah, j'ai peur de dire de la merde. Mais dis-le, tant mieux, on s'en fout. C'est vrai que nous, on Guillaume dit et les garçons à table. Exactement. Wow, un point pour Mélodie Collange. Alors donc le film original est Guillaume et les garçons à table. Donc là, c'est Guillaumine et les filles. Je le prénom, c'est Sophie. Sophie au lieu de Guillaume. Et les garçons. Voilà. À quatre pattes. Non, mais on n'est pas loin. Sur la table. Sur la table. Non. Ah, pas mal. Sous la table. Non, dans allez, la allez, cave. Non. Sous la table, c'était vachement bien. Mais aller plus droit au but. Donc Sophie et les garçons baisent. Sur la table. Non, mais on n'est pas loin. Baise grave. Non. Les garçons baisables. Non. Sophie se fait déboîter. Non. Au plumard, au lit. Non, je vous le dis. Guillaume et les garçons dans son cul. Sophie, pardon. Sophie et les garçons dans son cul. Sophie et les garçons dans son cul. Très très bien. Et j'en ai encore un dernier. Vanessa est effrayée par la taille de la queue de son mec, ce qui lui crée en elle une sorte de rejet du sexe. Ses amis, Alice et Julie, vont devoir trouver une solution pour effacer ses peurs et lui redonner goût à la bite. Plan cœur. Non. Mais l'histoire, c'est un peu ça. L'histoire de plan cœur, c'est ça. Bah, je l'ai pas vu, mais. Non, mais c'est ça. Donc, un film avec des. Donc, c'est un rapport avec un girl movie, quoi. Ce n'est pas un girl movie. Mais elle a le cœur. C'est une meuf qui a le cœur brisé. Qui a le cœur brisé, mais vraiment, se tirer par les cheveux pour le ramener à. C'est un film français ? Non. Ah. Enfin, c'est un film français, mais vous le connaissez plus comme un film Disney. Voilà. Un truc avec Miley Cyrus ? Non, un film Disney d'animation ? C'est un film d'animation Disney et un film français. La Belle et la Bête. Non, voilà. La Belle et le. Et la c'est belle, ça, c'est la Belle et la Bite. Ah. La Belle et la Bête, c'est du coup la Belle et la Bite. Je voulais niquer. Ah mince, ah, désolé. Oh, ça serait allé très vite. Ouais. La Belle et la Bite. Et pareil, je vous invite à googliser l'affiche. Mets-le au centre. Qui est de toute beauté. Ils l'ont sorti pour le film avec. Comment elle s'appelle, l'actrice. Elle est assez douce. Il l'avait refait avec Vincent Cassel. Et voilà, je vous invite à googliser l'image. Je me souviens qu'à l'époque. J'ai ça ? Alors c'est pas ça, non, ah. non. C'est une bite géante, hein, je vais vous le dire très vite. C'est une actrice à poil à côté d'une bite géante. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Je crois que malheureusement je ne l'ai pas. Ah mince, t'as peut-être non. Le filtre Google. T'as peut-être enfant, je pense. Bah, et pourtant tout à l'heure je. Les mignons, tu les donnais à cœur joie pour les mignons. Là je n'ai rien. À l'époque, un pote m'avait prêté un CD-ROM de l'adaptation porno du film Prête-moi ta main qui s'appelait Prête-moi ton cul. J'en rappelle très bien de ça. C'est pas mal. Donne-le-moi. Donne-moi immédiatement ton cul. Ah, joli. Ah. La Belle et la Bite. Oh, joli. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est de toute beauté. Voilà. J'ai vraiment hâte de savoir avec verticale. Qui je vais ouvrir cette page Safari. Mais du coup, la bite se transforme en quoi à la fin ? En prince charmant. En prince charmant. Ouais, en prince charmant. Contre un bisou ? Exactement. Contre l'amour véritable, c'est ça. La transition va être très compliquée, donc je vais pas la faire. Tu es parti au Japon il n'y a pas longtemps. Oui, beaucoup de baise, la transition est là aussi. Tokyo. Et je voulais te dire que j'ai adoré ta vidéo. Voilà, je voulais te le dire. Ah, merci, ça, tout, je l'ai trouvé voilà, charmante. Ça m'a donné envie d'y aller alors que je connais pas du tout l'Asie. En règle générale, j'ai suis déjà parti au Japon. Alors toi, t'es déjà parti au Japon. Mélodie, tu n'y es jamais. Juste avant toi, j'ai vu ta vidéo et je l'ai beaucoup aimé aussi. Ah merci, ouais, j'ai pas vu moi, dis donc. Eh ben, bravo, merci, ça fait plaisir. Non, non, mais vraiment, je ça parle beaucoup de branlette sur Insta, mais après. Je regarde tes tabs. Déjà, merci, hein. C'est gentil. Et est-ce que tu étais déjà allé ? Non, c'était la première fois, donc. Le Japon, c'est différent de les États-Unis, tout ça, c'est vraiment une autre culture. C'est vraiment le voyage à faire quand on a la chance de pouvoir le faire. Donc j'avais, ouais, j'avais tellement hâte d'y aller. C'était un vrai objectif de vie d'aller au Japon. Et comment ça s'est, alors comment ça s'est goupillé ? Comment, ouais, qu'est-ce qui t'a transporté là-bas ? Qu'est-ce qui t'a... Bah en fait, j'avais déjà fait des trucs avec Warner Bros à l'époque. Ils m'avaient envoyé dans les studios Warner à, oui. à Los Angeles. Donc ça, qui sont chambés d'ailleurs. Si ouais, vous avez eu l'occasion très de cool. le faire, c'est vraiment, c'est un peu chez Ross, mais franchement, ouais. ça vaut le coup. C'est trop bien. J'avais pas eu de chance parce que à l'époque c'était en travaux. J'avais pas pu voir les décors de Retour vers le futur parce que là-bas il y a la. Ouais. Le... Pas eu de chance, tu y allais gratos quand même. C'est un peu. Et non voilà, et puis du coup ils avaient aimé la vidéo que j'avais fait pour eux. Alors ils m'ont envoyé à Tokyo pour la sortie de Détective Pikachu et Godzilla. Dans un hôtel. Dans un hôtel. Tokyo Hotel, tout simplement. Ah oui. Il nous a eu finement parce que personne n'avait. Il est arrivé tout de suite après la Belle et la Bête. Parce que tout à l'heure, j'ai dit je sais plus quoi, on m'a dit oui, bon, on avait compris. Donc. Ouais, pas vrai. Toujours, ça la roulette russe. Et du coup, voilà, ils m'ont envoyé là-bas pendant une semaine. J'y suis allé avec mon comparse Guillaume et puis voilà, c'était trop bien quoi. Il y a des trucs, il y avait des trucs que tu rêvais de voir là-bas et que tu... Bah, ils m'ont fait visiter les Toho Studios, c'est là où ont été tournés tous les films de Kurosawa, donc c'était assez oui, cool. Là où étaient tournés tous les Godzilla, donc c'était assez impressionnant. Ah, donc ils ont tout... ah d'accord, putain, c'est... Oui, ouais, c'est les Godzilla, les films de Kurosawa, tout a été tourné là-bas, c'est le plus grand d'accord. studio là-bas. Donc il y a eu ça, et puis voilà, il y avait un peu des activités. Et après, ce qui était cool, c'est qu'en fait, il y avait aussi des journalistes de Combini et de Canal qui étaient là-bas, donc on a formé une sorte de petit groupe français. C'était assez chouette. Et puis ouais, c'était trop bien, franchement. C'est un pays assez... En fait, ce qui nous avait impressionné avec Guillaume les premiers jours, c'était la propreté de la ville. C'est vraiment impressionnant, ça. C'est qu'en fait, on avait un petit jeu où on essayait de repérer le premier papier par terre en marchant. Je croyais que t'allais dire où on jetait des papiers, on voulait voir qui allait ramasser. Ça, mec, c'est un peu vénère. Ouais, c'est très vénère. Et non, et c'est fou parce qu'en fait, les Japonais, quand t'es dans une salle avec des Japonais, ils se penchent pour te dire bonjour, mais ils se penchent pour dire bonjour à toute la salle, même si personne ne la regarde en fait. Parce que parfois j'observais des Japonais et personne ne les calculait, et ils se baissaient comme ça pour saluer la par salle. Par politesse. Ouais, c'est incroyable, c'est fou. Toi, Mélodie, t'as remarqué ce truc-là aussi quand tu y allais ? Ouais. D'ailleurs, sans se moquer bien sûr, on s'amusait quand deux Japonais se croisaient et se rencontraient. En plus, on était dans des bureaux, donc on a vu beaucoup ce rapport au travail et tout. De voir qu'ils se disaient bonjour en se saluant sans jamais s'arrêter, et on se disait mais ils vont jamais s'arrêter, et ça n'en finissait pas en fait. D'accord. Parce que, et en plus il y a une plus tu, je crois que plus tu respectes la personne, plus tu te baisses, plus tu salues bas, c'est ça. Oui, c'est et ça. Et ça n'en finissait pas en fait. Je me baisse plus bas que toi, plus bas que toi, enfin c'était fou. Mais d'ailleurs il y a une blague très drôle là-dessus dans Curb Your Enthusiasm, où en gros j'ai cru que t'allais dire dans un spectacle de Michel Leeb. il y a une blague très très drôle où il mange du riz, non, c'est délicieux. Dans Curb Your Enthusiasm, Larry David il a un petit conflit avec un Japonais, et finalement le Japonais finit par s'excuser, sauf que il fait une inclination pas vraiment basse. Okay. Et lui après par la suite il apprend que plus on s'incline et plus on s'excuse profondément. Du coup il va le revoir en mode ton inclinaison elle était pas ouf par rapport à ce que tu m'as fait, et voilà c'était très drôle. Donc il essayait de faire en sorte qu'il se baisse plus, voilà. Et non, et c'était incroyable, il y avait plein de petits détails comme ça qui changent avec par exemple là-bas sur les trottoirs il y a un côté droit ou côté gauche pour marcher. Ah le rêve, putain. Vous le voyez pas, mais sur les pornos zéro réaction, mais là Adrien vient de bander. Voilà, tout simplement. Et pareil quand on descend les escaliers et qu'on monte l'escalier dans le métro, c'est côté droit ou côté gauche. Et c'est drôle parce que nous on est européens, on fait pas attention, mais si on marche côté gauche, mais ils bug à fond quoi. Et erreur 404 de ouf quoi. Ils ont un mec comme ça qui défend, ce qui descend c'est pas prévu. C'est comme si t'étais à contresens sur l'autoroute quoi. Exactement. Mais j'adore moi. C'est mon rêve. Ils sont très ordonnés. Par contre, je dénonce un peu parce que quand même c'est important. Aïe. Accrochez-vous. Non, en fait, on a remarqué avec Guillaume. Alors, je sais pas si ça vous est arrivé à vous, Mélodie, avec tes amis, mais on s'est fait refouler de pas mal de restaurants. Tu portais des buffalo, non ? Non, on s'est fait refouler de pas mal de restaurants et alors qu'il y avait des places vides. En gros, on n'a pas compris. Et avec Guillaume, très vite, on a compris qu'ils n'acceptaient pas les Européens, en fait. Ah merde. Et donc, il y a un mot-clé là-bas. Quand ils font le signe de la croix avec leur main et qu'ils disent full house, c'est qu'ils veulent pas d'Européens dans leur commerce. D'accord. Et en gros, on a demandé à des... Parce qu'on avait des potes qui habitaient là-bas. Enfin, parce qu'il y a beaucoup peut-être de cas d'Européens qui se comportent mal, qui parlent fort, qui sont des gros beaufs. Oui, je sais pas. Ah, c'est sûrement lié. Peut-être. Non, mais en fait, il y avait un truc où ils nous expliquaient que là-bas, il y avait quand même une base de Japonais qui était assez raciste et qui ne voulait tout simplement personne d'autre, même les Chinois. Ouais. Ils voulaient vraiment rester contre japonais. Il y a des restaurants qui sont faits pour ne recevoir que des japonais, en fait. D'accord. Donc voilà, c'était le petit point négatif. Le petit point négatif de ce voyage, mais sinon c'était extraordinaire. Voilà. Oui, et en plus toi t'as eu un espèce de truc là qui était un peu, en plus t'allais aux avant-premières, aux tapéros, ouais. Tous les trucs. Ouais, non, c'était trop bien. Il y avait c'était fou. En plus là-bas quand ils t'envoient, ils payent tout. Ouais. Du coup, c'est. Ouais, t'étais. T'as vraiment le sentiment d'être très privilégié. T'étais en full influenceur. Et que oui, on pouvait. Ouais, tout simplement. Non, mais c'était relou parce que les mecs de Canal et de Combini se moquaient un peu de moi en disant toi, t'es un influenceur, toi, finalement, ici. Ah, ça. C'était très relou. Forcément. Et du coup, c'était de bonne guerre, on les charriait. Les mecs de Combini en disant mais toi, t'es journaliste aussi quand tu poses tes questions au Rimbaud. C'est du journaliste aussi, ça. T'es un journaliste. Et donc, voilà, donc je charriais un petit peu. Et puis, non, c'était très bien. Très bien. Et Mélodie, vous êtes resté combien de temps, vous? 9 jours. D'accord. Vous pensez qu'il faut ce temps-là pour visiter? Parce que vous avez fait que Tokyo? Tokyo, et après moi je suis un peu allé dans la banlieue et c'est ce que j'ai préféré en fait. Ah d'accord, le côté plus petit. Parce que petit, finalement, moi tout le monde me disait, tu verras, le Japon ça va être hyper dépaysant et tout. Mais en vrai, avec l'apparition d'Internet, on a pu voir ce qui se passait là-bas. Maintenant ouais. Tout est écrit un peu en anglais. Je pense que c'était vraiment dépaysant quand on y allait dans les années 80 ou 90 où c'était full japonais dans les rues où on connaissait pas vraiment la culture là-bas. Moi j'ai pas été vraiment dépaysé, ça ressemble un peu à New York finalement, Tokyo. J'ai jamais été à New York. Ah ok, bah c'est beaucoup de grands buildings. Ouais, avec des grands écrans. La Défense. Et non, j'ai pas été vraiment dépaysé. Par contre, quand je suis allé dans la banlieue japonaise, là j'ai trouvé ça cool. Et un peu dépaysant pour le coup. Parce que c'était moins building, plus ouais, voilà. Petite maison, plus traditionnel. Exactement, plus ce qu'on voit dans les mangas. Tu vois. Ouais, okay. C'est plus... Dans Midori. Mmh. C'est plus la Seine-et-Marne de Tokyo. Exactement. Ouais. Oui, moi j'étais à fond, mais en fait c'était la Seine-et-Marne. Quoi. C'était Torcy. Torcy, voilà. Le B2. C'était le B2 Torcy-Marne. Ouais, d'accord, okay. J'étais à fond. Et donc vous êtes resté à Tokyo, Mélo? Oui, nous on est resté à Tokyo, malheureusement. Enfin, malheureusement, non. C'était quand même fou. C'était super. Dans quel type de logement? Dans un hôtel. Très bien. C'est bon. Pourquoi ? Mais Tokyo, t'es toujours. On avait un planning bien rempli. Oui. Et qui, du coup, restait sur Tokyo. Tout le monde dit qu'il faut bouger de Tokyo, qu'il faut aller à Kyoto, à Osaka, etc. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Ouais. Mais c'est pas grave. Vous y étiez en vacances ou pour un truc On peut pas trop en dire, je crois. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a une vidéo qui sort bientôt. Un très gros projet qui arrive bientôt. Ah, septembre. C'est pour ça que on dira rien. Mais non. Ça arrive lourd. On envoie de la force. On avait des journées programmées bien remplies, donc on n'était pas non plus libre de faire tout ce qu'on voulait. D'accord. Donc, en l'occurrence, de ne pas sortir de Tokyo. Ok. Mais c'est pas grave, ce sera pour un autre voyage. Vous avez pris un taxi ou La question est si précise. Je voulais savoir si après il avait fait des drifts. D'accord. Voilà. Ça allait arriver, mais tu m'as pas répondu. Non, mais j'ai tout caché. Fast and Furious 3, Mélodie. Pardon ? Fast and Furious 3, Tokyo Drift. Oui, oui, non, mais c'est très bien, je l'ai. Vous me tuez tous les deux. Je suis humilié, je vais quitter la table. Oh, t'as traîné dans alors, la boue. Alors là, je suis. Très bien, écoutez, l'émission arrive vers sa fin. On a encore quelques minutes ensemble, je vous rassure. JB, quand tu étais venu, la dernière fois, nous avions fait un jeu. Épique. Est-ce que tu te souviens du jeu? Bien sûr, fallait trouver des chansons paillardes. Voilà, en gros, je chantais des chansons paillardes sur des airs de chansons tristes. Le but étant évidemment de retrouver et la chanson triste et la chanson paillarde, évidemment. Vu que JB, tu es de retour, et écoutez, j'ai cherché un peu sur internet et je vous propose de faire ensemble ce jeu. Je vais interpréter des chansons paillardes sur des airs de chansons tristes. L'idée est de retrouver les deux. Alors. Donc tu m'associes aux chansons bien graveleuses. C'est ça. Lui, c'est un porc, on va faire des trucs. On avait passé un bon moment, j'ai envie de le revivre. donc, alors je vous préviens, on va faire de notre mieux, d'accord? On commence avec le premier morceau. Ah! Underneath Your Clothes? Non. C'est Eric Clapton? Non. Oui. Et c'est Tears in Heaven? Tears in Heaven, ouais. Alors, vous avez l'original. Bravo. Il était une fille qui s'appelait Susan. Ah. Qui aimait à rire. Avec les rires. Avec rire. Et qui aimait à rire. La digue du cul. Avec tous les garçons. Tu sais, cette chanson, c'est sur son fils mort. Et à force de rire. Ah putain, oui. La rirette. Non. Son ventre devint rond. Sa mère lui demande : qui t'a fait ça, Susan? salope. Va laver ton cul mal propre. Bien sûr. Ah, oui. Va laver ton cul mal brun. Voilà, c'était c'est ça. Super. Merci, c'est pas l'original, c'est marrant parce que cette voix et mais tout ça là, on dirait les génériques de la Boom, tu vois. Un... bah, vous les paroles déjà. Genre l'étudiante. Non, mais c'est fou. Richard Sanderson. Sans, mais pas les paroles, bien sûr que non. Mais... Sperm in Heaven. C'est vraiment une chanson sur son fils qui est tombé dans le vide. Et je tiens à m'excuser, j'avais un peu oublié en le faisant. Ouais. Oh, après, voilà, on peut déconner, hein. Et bah, oui. Si on a pu le rire. Nouvelle chanson. Un dimanche matin. Un dimanche matin avec ma putain sur ma mobylette. Avec ma putain sur ma mobylette. Je lui ai mis les mains entre les deux seins, direction Kekel. J'ai jamais compris ces paroles. Tu les verras plus. Je connais pas l'original, donc je chante un peu au hasard. Les poils de mon cul. Wow. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait des brosses. C'est du bon boulot. 3 francs le kilo. T'as oublié le prix. T'as oublié le prix. Pardon. Pour ouvrir les gosses. J'en ai fait des brosses. Moi j'ai jamais compris les paroles. Je lui mets les mains entre les deux seins, direction Kékette. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, parce que ça veut dire que la meuf est très mince. Parce que ça veut dire que tu dois passer par-dessus. Et il met ça entre les seins. Tu glisses par les seins pour aller à ta propre bite. Ou ta propre bite. Mais c'est très bizarre. Pourquoi il fait ça? Bah, surtout qu'en conduisant une moto, c'est dangereux. Moi, je pense que... Et surtout, sur une mobylette, elle monte derrière la meuf. Ouais, priori, oui, a priori. Donc du coup, c'est... Dimanche... Moi, j'ai jamais déjà, le dimanche matin, c'est grasse mat. Déjà, ouais. C'est la messe, surtout, oui. C'est la messe. Et il est avec sa putain, est-ce que c'est genre comme ça qu'il appelle sa meuf? Ou est-ce que c'est un proxénète? Ouais, bien sûr, oui, voilà. Et il a une... Mais peut-être travailleuse, oui, je sais pas. Il y a vraiment, j'aimerais savoir. Bah, ça soulève des questions. Tu ne les verras plus, les poils de mon cul. Déjà, oui, et alors, il y a un changement de sujet. Tant avant. Non, puis surtout, il y a un changement de sujet fou. Parce qu'Abdo, t'es au début, t'es avec ta putain, t'es sur ta mobilette, et d'un coup, tu vends des poils de cul. Ce qui est quand même un commerce équitable, qui est complètement rien à voir avec le truc. Oui, c'est vrai, puis c'est vraiment, il lui met la main entre les deux seins, et il dit bah, écoute, tu les verras plus, les poils de mon cul. Mais bon, attends, pourquoi? Tout ça en un dimanche matin? Attendez lundi quand même. Bon, bref. Déjà. Après, il y a peut-être d'autres couplets avec des réponses. Non, et en plus, pourquoi c'est une menace de dire alors, tu ne verras plus les poils de mon cul, quoi? Sachez que j'ai fait des recherches, parce que tu dis qu'il y a d'autres paroles. Ah, non, je... Et non, ça n'existe pas. Cette chanson que les gens chantaient en colo, dans les bus, dans les trucs comme ça, n'a que comme seule parole ces trucs-là, et ça ne va pas plus loin. Alors, cela dit, ils ont des gosses, donc c'est sa meuf, quand même, a priori. Oui, ou alors c'est nourrir les gosses. Il a dit qu'il faut nourrir les gosses, pas forcément nos gosses. Donc peut-être ils tiennent peut-être un orphelinat. C'est peut-être un proxénète qui tient aussi un orphelinat. Ouais, voilà. Et qui a le cœur sur la main, du coup. Et elle lui file un coup de main en vendant des brosses. Fait avec des poils et de des poils du cul pour nourrir les gosses. Et quand je dis qu'il a le cœur sur la main, bien sûr, en passant par les deux nichons de la meuf, direction bien sûr. Ouais. La nouvelle chanson. Alors attendez, tac. Ah, le rêve bleu. Le père marié est un saint, mais il a un problème. Il a parfois trop confiance en son petit estomac. C'est vrai ça. Il a lâché un gaz. Quoi? A décroché le petit Jésus. Malheureusement, le repas de la veille est sorti par son trou de balle. Il a la chiasse. C'est toi qui l'as écrit. De la diarrhée partout sur le sol. L'église est pleine de merde. Il y en a partout. Notre-Dame souffre beaucoup. Il a la chiasse. De la diarrhée partout sur le sol. L'église est pleine de merde. Il y en a partout. Notre-Dame a suffisamment souffert. Bravo. J'en ai encore un couplet. Les enfants le cœur des gueules. On va passer à la dernière partie de l'émission, les questions des invités. Ah oui, non, il y a les recommandations à la toute fin. Excuse-moi, Adrien. J'ai plein de questions pour vous, amis invités. Adrien Méniel. Ouais. Parce qu'on s'est pas vu entre-temps, alors tu te goinfres de Monster Munch. tu as mis en scène et écrit un court-métrage moyen, 20 minutes, un petit 20 minutes, ouais. intitulé Phantom Force. Alors j'ai reçu une nuée de questions, je vais aller un peu droit au but dans celles qui me paraissent les plus intéressantes et qui englobent un peu tout le truc. C'est comment est-ce que vous avez eu l'idée avec Jérôme, tout d'abord? Alors, déglutis bien, je t'en supplie. Moi, c'était une envie que j'avais depuis longtemps de faire une série comme ça, mais genre au premier degré, de pas faire une parodie. Une idée que j'avais soumise à Golden Moustache qui m'avait dit non. Sans doute parce que ça coûtait trop cher, je sais pas pourquoi. Et en fait, quand ils ont fait les cartes blanches Studio Bagel, où ils laissaient 20 minutes à chaque personne du Studio Bagel pour faire ce qu'il ou elle voulait, je me suis dit, tiens, je crois que Jérôme ne fait rien. Et du coup, ça pourrait être l'occasion de lui proposer de faire ça. Et donc, je lui ai demandé. Il m'a dit, bah non, je fais rien. J'ai pas d'idée, machin et tout. Et je lui ai dit, bah, est-ce que ça te dirait de faire ça, de faire un... Alors, moi, j'avais juste l'idée de faire une série premier degré, voilà, sans faire une parodie, machin, etc. Je lui explique. Il me fait, bah ouais, grave. Et du coup, après, on a, avec lui et Robinson Latour, qui était directeur d'écriture, on a monter tout l'univers de Phantom Force, tous les personnages, tout ça. Mais voilà, c'est venu comme ça. Et vous avez tourné où ? On a tourné à Almeria en Andalousie, qui est un lieu un peu mythique, on peut dire, du cinéma, parce que c'est là où genre tous les Sergio Leone, et c'est le geek du Cinoche qui hoche la tête à côté parce qu'il valide. Non, tous les westerns de Sergio Leone. En gros, c'est un lieu qui est très prisé pour tourner. Des films qui se passent aux États-Unis, mais tu ne t'as pas envie ou tu ne peux tu pas. Tu restes en Europe. Plus, voilà. Parce qu'il y a un désert qui ressemble. Pour moi, il y a une série qui a été tournée là-bas aussi. Alors, à mes yeux, une série qui est une sorte de reflet de, un peu de la société, mais un peu sombre. Oui, voilà, non, oui, il y a pas très lumineuse. Ouais, il y a un épisode de Black Mirror qui s'appelle Black Museum. Et dans Phantom Force, la bagarre avec le méchant se passe devant le décor de Black Mirror, de Black Museum, quoi. Qui a été peint en noir. Sache que c'est la meilleure chose que j'ai vue sur YouTube cette année. Bah merci. Bah va chier. Alors. et alors. Donc, sachant qu'on est en 2019, donc c'est une petite année pour l'instant. Oui, voilà, il y a de gros trucs qui arrivent. Lourd. Et aussi, je voulais savoir comment vous avez fait. Enfin, moi je sais, mais c'est pour les gens. Comment ça s'est passé toute la session d'enregistrement? Est-ce que vous aviez les voix avant? Vous avez fait un casting voix? Comment ça s'est passé pour. Alors, toutes les parce voix. Parce que tout est redoublé pour les gens qui ne l'ont pas regardé. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardé, allez le voir tout de suite. Mais voilà. Déjà, on avait vraiment insisté pour que ce soit doublé en français et tout ça, ce qui n'était pas une évidence au moment de la production où les gens disaient « Alors peut-être qu'on le fera juste en français parce que ce sera moins cher. » Et nous, on a dit « Bah ok, mais nous, on le fait pas si c'est... Tant pis, c'est pas grave, s'il n'y a pas les moyens de le faire en le redoublant, on le fera pas, quoi. On voulait vraiment le faire comme ça. » Et ouais, nous, on a il me semble, hein, oui, qu'on avait déjà les voix... les voix étaient déjà bookées, en fait, quand on a commencé à tourner, quoi. On savait qui allait faire quelle voix et tout ça... Et en fait, bah, c'était un mélange de des gens qu'on connaît, comme par exemple Laura Felpin ou Julien Pestel. J'étais sûr qu'il arriverait super bien à faire ma voix, donc j'avais proposé à Jérôme et tout, et il m'a dit bah écoute, je te fais confiance, tout ça. Et puis bah Laura, moi je lui ai fait écouter la bande démo de Laura. Il a dit ouais, trop bien et tout. Oui, qui fait Laura Felpin qui dansait le métier, voilà, accessoirement, qui fait du comédienne de doublage. Voilà, pardon. Et sinon, c'est du aller chercher sur un site qui s'appelle RS Doublage, qui est un annuaire des voix de doublage, mais qui est assez mal fait parce qu'en fait la seule catégorie, c'est le genre. Donc il y a hommes et femmes. Et après, il faut se taper toutes les voix par ordre alphabétique. Tu peux pas chercher genre tu cherches une voix grave. Tu peux pas taper grave et avoir toutes les voix graves. T'es obligé de te taper tous les gens. À la main, quoi. Enfin, un par un, écouter la voix, faire bah non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et on a fait une sélection, et heureusement, vous aviez la fibre. On avait la fibre. Et heureusement, l'acteur qui fait la voix de Jérôme, qui est super, hein, qui est génial, ouais. Et qui s'appelle Thibaut Belfodil, ouais. Donc B, parce qu'il se rappelait Xelfodil, ça veut dire qu'on aurait passé beaucoup de temps à chercher. Mais voilà, on est allé que jusqu'au B. Mais du coup, ouais. Vous avez eu la voix de Mo des Simpsons, c'est ça? Et voilà. Alors, comment ça s'est passé, ça? Moi, ça m'intéresse vraiment. Alors, comment ça s'est passé? C'est parce que notre référence pour Phantom Force, c'est une série qui s'appelle Le Rebelle. Avec Lorenzo Lamas. Et il y avait tout particulièrement une scène qui est sur YouTube, d'ailleurs, quand on cherche Le Rebelle. Et c'est une scène qui était où en gros le rebelle se bagarre avec des mecs, et il y a aussi le chef des, il y a un petit dialogue avec le chef des méchants et tout machin. Et la voix, c'était notre référence un peu quand on voulait un peu voir le curseur de nullité de trucs machin. C'était vraiment notre référence, on allait la revoir souvent. Et le mec qui faisait la voix des méchants, c'était Gilbert Lévy, donc la voix de Mo. Ah, c'était, c'était lui. Okay. Et après, en matant des épisodes du Rebelle avec Jérôme pour se documenter, etc., on s'est rendu compte qu'en fait, Gilbert Lévy, il faisait genre une ou deux voix par épisode, quoi. C'est-à-dire qu'il avait sans doute genre un forfait, et en fait, t'avais le maire au début qui avait la voix de Gilbert Lévy, puis le shérif plus tard, c'était aussi la voix de Gilbert Lévy, quoi. Il s'en battait un peu les couilles. Et en fait... du coup, comme cette scène de référence, on l'avait en tête et tout machin, quand on a écrit les dialogues du méchant, on se les disait avec la voix de Gilbert Lévy. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bah, faut que ce soit lui qui la fasse, quoi, parce que on l'a écrit pour sa voix, quoi. Et on se disait, bah, putain, j'espère qu'il va accepter et tout machin. Et en fait, le mec, il a dit oui direct, quoi. Oui, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que j'avais vu un de tes lives sur Insta il y a pas longtemps, et il y avait un type qui avait posé une question, ou peut-être que c'était sur YouTube, un mec qui avait dit, ouais, par contre, Phantom Force, il y a quelques incohérences parce qu'à un moment donné, il sort et puis il prend une voiture alors que la voiture n'était pas là. Et t'as dit un truc très juste, t'as dit que c'était voulu parce que en fait, dans les épisodes, par exemple du Rebelle d'époque, il y avait, c'était bourré d'incohérences. Ouais, ouais. Et ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous avez vraiment le souci du détail à fond pour refaire un truc premier degré de l'époque. Ouais, c'est ça, c'est que bah en fait quand, et c'est pas non plus Karate Boy où c'était vraiment ultra fait exprès, les la série de Poulpe et Davy où c'était source de gags. Vous, les incohérences ne sont pas faites pour être drôles, mais pour être dans l'esprit du truc. Juste, on souligne pas l'incohérence, juste elles sont là parce que dans le Rebelle il y a ça aussi. Et genre en fait dans Phantom Force il se fait arrêter un moment, puis il, bah, petit spoiler hein, du coup il s'évade du poste de police, et après il est directement dans son van alors que théoriquement son van il est pas du tout là, quoi. Mais en fait il y a ça dans le Rebelle, quoi. À un moment il se fait kidnapper, il s'enfuit, et puis après le plan d'après il est sur sa moto alors que sa moto elle est pas là du tout, quoi. Bien sûr. Et du coup on s'est dit bah bon, en plus ça nous arrangeait en l'occurrence qu'on n'ait pas à se faire chier à lui montrer en train d'aller chercher son van et tout. Mais je pense qu'en vrai, les mecs à l'époque écrivaient et se disaient, bon, vas-y, on s'en fout. Oui, puis je pense qu'ils intercalaient les épisodes et ils mélangeaient des trucs. Enfin, je suis sûr. Si ouais, puis il y avait peut-être un truc de se dire, bah, est-ce qu'on montre, genre, lui en train de faire le trajet à pied jusqu'à sa moto, ou alors on fait une ellipse et puis on s'en branle, quoi. Ouais. Donc je pense qu'on s'est dit pareil. Voilà. Est-ce que les réactions des gens sont à la hauteur de tes espérances? Ouais, totalement. Ouais. Bah, les gens sont contents. L'accueil est trop, trop bien. Ouais. J'ai jamais eu autant de retours. Les gens ont repris le délire à fond, quoi. Vraiment. J'ai jamais eu autant de retours. Du coup, il y aura une sur suite, un projet, quoi. Eh ben, écoute, c'est une question qui est beaucoup revenue. Est-ce qu'il y a en tout cas une envie? Il y a une envie, voilà. Et c'est envisageable. Voilà, voilà. Cool. Très bien. Mélodie, j'ai vu que tu avais participé au costume d'autres clips avant de faire celui d'Aya Nakamura. Est-ce que le travail sur le clip est différent, et en l'occurrence, ce projet-ci était-ce plus compliqué qu'un autre? Non, parce que déjà, il faut remettre les choses. Le clip d'Aya Nakamura, j'ai habillé que ses danseuses. D'accord. Donc, du coup, j'ai pas eu la pression. Le clip de Pookie, on peut dire. Le clip de Pookie. J'ai pas eu la pression d'habiller quelqu'un de très Pookie connu, comique, pardon, qui a une image ou tout. J'ai habillé les danseuses, donc. Ouais. Oui, mais c'est quand même un gros tournage, quand même. Non, mais c'est pas plus compliqué qu'un autre. Hein, ouais. C'est, mon boulot reste le même et. Et est-ce que le taf sur les clips, parce que autant un film ou une série ou un sketch, tu dois avoir une espèce d'ambiance qui est relative à l'histoire, à la compréhension, autant le clip c'est de l'efficacité pure, est-ce que ça change ta façon de voir le truc? Ouais, ou complètement. Pas ouais. Parce que quand tu fais de la fiction, tu habilles un comédien qui joue un rôle, et quand tu fais un clip, tu... En fait, tu fais... Bah, moi je me considère comme costumière parce que je fais plus de fiction, j'habille des comédiens dans le cadre d'un rôle sur une base d'un scénario. Et là, dans un clip, je fais ce que moi, j'appelle du stylisme. C'est-à-dire que je fais du beau, du joli. Alors qu'en fiction, tu fais du juste. Mais voilà. Parce que si un costume pète trop dans un film, il y a un truc où ça peut te sortir du perso, ah, ou que ce soit logique. Dans un film, le but, c'est pas que ce soit joli, à la mode, tendance, où tout le monde se dise « Waouh, qu'est-ce qu'il est bien habillé !» Le but, c'est que ce soit... juste et cohérent avec le rôle du personnage. Dans un clip, le but, c'est de faire la plupart du temps du beau. Et dans le délire aussi costumière, j'ai une question que je trouve cool. Est-ce que ça t'intéresse plus de faire des trucs genre plus impressionnants, qui ont l'air d'être... parce que j'ai plus la question sous les yeux, mais en gros, où il y a plus de taf, genre film d'époque, ce genre de choses, ça pourrait t'intéresser? Ou c'est le genre de truc qui... Est-ce que c'est genre un challenge quand on est costumière de faire des trucs d'époque ou de faire ce genre de trucs? Alors, c'est marrant parce que... pour les gens, c'est plus du... Enfin, pour les gens, il y a un challenge de faire de l'époque, ouais. Alors que pour moi, en fait, le challenge, c'est de faire du contemporain et de faire un truc qui est vrai à une époque où tout le monde peut juger. Ah, c'est intéressant. Alors que des films d'époque, tout le monde en a fait, donc on a des références, on peut... Le contemporain, en fait, on est incapable de définir un style actuel. Surtout moi. Sur quelqu'un de lambda. Oui, parce que à qui s'habille de manière. Ouais, à moins d'être historien, où tu peux dire, oh, mais non, il mettait jamais ça à l'époque, personne ne saura quoi. Alors que là, tout le monde peut juger. Tout le monde peut juger. Donc en fait, et donc moi, j'aime autant faire ça que des trucs d'époque. Et tout à l'heure, Florent, il disait que Kevin Smith faisait partie des gens qui t'avaient donné envie de faire ça. Est-ce que. Toi, en tant que costumier, il y a des travaux sur des films et tout, des gens qui s'occupaient de costumes sur les films, et que ça t'a donné envie de faire ça aussi. Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Pas du non. tout. Non, pas du tout. Non. Ok. C'est venu à toi comme ça, touché non, par la grâce. Ouais. Touché j'ai par... découvert ce métier. Je comme moi avec cool. la chanson. Par voilà. voilà. Et Babord avec le porno. Bah Babord justement. Tu as fait le choix transition. D'associer ton visage à ton personnage de bande dessinée du petit éléphant. Ouais. Pourquoi? Et est-ce que ça a limité le champ des possibles? Le fait de me dévoiler. Oui, voilà, de dire en gros, parce qu'au début, on ne connaissait pas ton visage oui, sur Internet. Oui, non, pendant peut-être 2-3 ans, non, peut-être 2 ans, j'étais vraiment. Si on voyait ma tête, c'était la fin du monde pour moi, je faisais très gaffe. Parce que t'étais un Daft Punk déjà. Exactement. Dire, ouais, bien sûr. Et je pense que ça a un peu joué sur le succès au début du compte Twitter, en tout cas. Et après, ça m'a juste saoulé parce que, bon, à un moment, t'as envie de faire d'autres trucs. À la base, moi, je voulais faire du YouTube. Et du coup, c'était. Et pourquoi tu voulais pas qu'on voit ton visage? Parce que j'étais vraiment très très vulgaire au début, en 2012-2013, okay, mon compte était vraiment très très hardcore. Avec beaucoup de fautes d'orthographe en plus. Donc, oui, aussi. Maintenant j'en fais encore, mais elles sont plus volontaires. Non, mais non, ça m'a un peu libéré au final de montrer mon visage. J'ai fait un peu progressivement, mais maintenant c'est tellement plus simple pour tout. Pour avoir un compte Instagram par exemple. Et puis, ouais. Des OP. Des OP, ouais. De nombreuses OP. Non, et puis. Non, puis au final, je suis revenu à mon petit personnage avec la BD. C'est vachement agréable d'avoir un petit personnage que je peux vraiment différencier de moi. Ah, comme non, ça, c'est si je dis BD, un truc. D'ailleurs, justement. Ouais. Ah, pardon, je t'ai coupé comme un salaud. Non, termine. J'allais dire, c'est vachement pratique. Quand je dis des horaires, je peux dire que c'est, oui, c'est mon personnage, tu vois. Voilà. Comme Mehdi Mekla. Et Michel Sardou. Exactement. Mettons les côtes à côte. Exactement. Donc, cette bande dessinée qui est sortie, qui est disponible. Ouais, il y a deux semaines, un peu partout. Un peu partout. Et même en physique, les gens demandent beaucoup, mais elle est dans des librairies. Oui, c'est une vraie. C'est une vraie sortie. Non, pas que les BD en numérique ne soient pas vraies. Non, bien sûr. C'est une BD que tu peux mettre dans ta bibliothèque. Oui, tout voilà. à fait. D'ailleurs, ça ira plus vite que si vous la commandez sur Amazon, qui ont très mal fait les stocks, comme je vous le disais avant l'émission. Voilà. C'est un podcast où on dénonce les puissants, je peux pas vous dire mieux. Cette BD raconte quoi? C'est une histoire de A à Z, donc c'est pas une page, une vanne, et c'est l'histoire du petit éléphant qui perd son travail, qui tombe en dépression, radicalisation, tout ça. Il y a plein de jeux, je veux pas trop spoiler, mais. Bien sûr. C'est toute une petite histoire. Mais rigolote, évidemment. C'est censé. Voilà. J'espère. Non, ça, j'ai des bons retours. J'ai des bons t'es retours. Content. Je suis content des retours. Et t'es content de la BD. Ah oui, moi je suis content. L'objet est super beau. C'est un super truc à faire. Voilà, et l'idée, c'est d'en faire d'autres ou oh, bah, si je peux, oui. Ouais. Après, faut que ça se vende suffisamment, je suppose. Mais en tout cas, avec l'éditeur. Mais est-ce que c'est un premier tome ou est-ce que si tu faisais une BD, t'en ferais une autre Non, j'aime bien rester dans cet univers parce que je peux faire plein de trucs. J'ai vraiment envie de créer un lore, un Babord-verse. D'accord, bien sûr. Non, mais en tout cas, si je pouvais faire une suite, c'était vraiment un super kiff parce qu'il n'y a pas de limite. Tu peux vraiment faire ce que tu veux en BD. Et surtout, c'est trop agréable d'avoir un illustrateur qui vraiment fait toutes tes idées. Ça peut être n'importe quoi. J'ai voulu un cheval saumon, j'ai eu un cheval saumon. Alors que ça, en fiction, tu vois, c'est pas forcément. C'est un peu plus galère. C'est un peu plus compliqué, tu vois. Voilà. JB, es-tu tenté par un concept de vidéo YouTube où tu ricaperais tes trouvailles de vide-grenier comme tu l'as fait sur Instagram? Des hauls, finalement. Voilà. Ou des trucs de figurines ou avec des filles, ce genre de choses. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Je trouve que ça se prête bien, des stories Insta comme ça. Avec parcimonie, mais sur YouTube, je sais pas. Pas une envie en tout cas. Non. En revanche, j'ai une question que je cale juste derrière qui est pas mal, à savoir, est-ce que t'as d'autres envies que Tabs? Est-ce que tu as envie de faire d'autres choses sur ta chaîne? Ouais, à la rentrée sort un. Parce que sur la chaîne, il y a Tabs et Vidéostore qui sont un peu les deux émissions. On dit pas émission, qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas ce qu'on dit. Format. Les youtubeurs aiment bien dire concept aussi. Ouais, concept. Très prétentieux par rapport à ce qu'ils produisent souvent. C'est vrai, mais enfin. Dans vos gueules, les youtubeurs. Et en fait, deux formats qui sont identifiables sur la chaîne, donc Tabs et Vidéostore. Et à la rentrée sortira un nouveau format qui, j'espère, ravira. Ravira les gens aussi. T'as vomi, on est d'accord là, en parlant. Oui. Et voilà, donc un prochain sortira, et puis il y a plein d'autres projets qui vont arriver à la rentrée. Est-ce que tu peux teaser un peu ou tu veux pas? Il veut pas dire. T'avais fait quelque chose qui s'appelait Versus, où c'était des interviews aussi. Ouais, parce qu'en fait, à l'époque, Sens Critique voulait faire des vidéos avec moi, et puis. Et puis ça, on avait fait une vidéo avec Quentin Dupieux et Grégoire Ludig. Et puis finalement. Les vidéos ont eu une mauvaise note sur Sens Critique. Non, je te dis parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire un mini versus avec toi, donc j'ai plein de trucs à te proposer. Ça va aller temps. Okay. On va très vite. Big ou Jack? Big. John McClane ou Martin Riggs? Martin Riggs. Step Brothers ou Encore Man? Step Brothers. Monaco 98 ou Parme 98? Parme 98, pardon. C'est quoi ça? Je sais pas, aucune idée. L'équipe de foot, non? Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, Monaco, Parme 98. Windjammer ou Disque Jam? Je sais pas ce que c'est. Ok. Poletta ou Zlatan? Poletta. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Oui, bah bravo. Attends, Riggs, machin, c'est quoi? C'est L'Arme Fatale et Die Hard. Ah oui, pardon. Ouais. On préfère John McClane ou Martin Riggs ici? On préfère John McClane. On préfère John McClane. Tout le monde préfère John McClane. Parce que je me rappelle plus trop déjà de L'Arme Fatale. Ah, ça fait de la peine. Toi, t'es plus L'Arme Fatale? Ah, j'adore, c'est ma franchise préférée, je pense. Ah ouais? Même le 4? Même le 4, mais le 4, je l'ai revu récemment. Pas si mal. Et c'est pas si mal, et même la fin, ça donne une petite larmichette. Non. Voilà. Arrête. Non, si, la dernière scène donne une petite larmichette, en fait. Question pour Adrien Méniel, est-ce que Monsieur Seri a aimé Phantom Force? Ah bah, déjà, j'en ai rien à foutre. Et j'en ai aucune idée. Monsieur Seri. C'est à quelqu'un qui avait dit que Groom, c'était de la merde. Et, ah, c'est un critique série. Voilà, je sais plus. L'anglais, Pierre Langlais, non? Je sais plus, enfin, franchement. D'ailleurs, on nous a demandé s'il y avait une saison 2 de Groom. On sait pas. On sait pas encore. Mais si on sait, on vous tiendra évidemment informé. Mélodie Collange, oui. Tu as une chaîne YouTube qui s'intitule Croûte. Oui. Et ça fait longtemps que ça marche toujours. Hein. Ouais, ouais. Et ça fait longtemps qu'une vidéo toujours. N'est pas sortie. Est-ce que tu en as de certaines de prévues dans ta besace? Alors, besace ou petite sacoche. Hein. Un Sarouel. Farid. J'ai des rushs de tout prêt à monter. Qu'il y a même un ours, pour être d'accord. Tout à fait honnête, d'une terme troisième technique vidéo. Pour dire une c'est-à-dire qu'il y a un prémontage. Ouais, voilà. En fait, il y a un prémontage d'une vidéo que j'ai tournée en septembre en Ardèche lors d'une fête de village. Mon problème étant que dans cette vidéo, qui est quand même pour le coup beaucoup tournée autour de la beuverie et puis etc. J'ai énormément de mineurs sous à l'image. Aïe. Beaucoup. Donc c'est très embêtant. Beaucoup de footage. Et c'est un petit village et j'ai beaucoup de gens qui sont des potes, avec moi, qui sont torchés, qui sont le banquier du village. C'est raté. Voilà. T'as fait un épisode de striptease, quoi. Etc. En gros. Bah non, mais c'est que j'ai envie de mettre mal à l'aise personne. Bah, donc sûr. Du coup, je suis complètement coincée depuis le mois d'octobre avec ce montage et chaque fois que je le regarde, je me dis bah si j'enlève ça, en fait si j'enlève tout, ça n'a plus de sens. Ça marche pas. Ouais. Oui, ça marche pas. Et en même temps, je veux pas mettre qui que ce soit en calls. Et si tu floutes les gens, non, ça marche pas. Mais il y aurait beaucoup de gens floutés. Ah bah oui, mais en fait, il y a tellement de mineurs, c'est ça. Alors, c'est une fête où tous les mineurs, enfin tous les gamins de 17 ans, on les fait boire, sont mec, ce qu'on appelle des croutons. Parce que ce sera ceux qui auront 18 ans l'année d'après qui vont organiser la fête. Ils ont tous un t-shirt jaune. Donc en fait, je les vois partout. Donc c'est pas que je me dis ah cette personne fait jeune, c'est que je me dis un crouton 17 ans et il est en sueur, il est en sueur à côté de moi ou en premier plan. En train de dégueuler à rentrer dans des bars et de Manchester. C'est compliqué, c'est hyper compliqué. D'accord. Voilà. Bon bah écoute, ce à dans quoi le je cul. Suis confrontée. Et pas cul, d'autres vidéos parce que pas eu le temps pour le moment de filmer autre chose et de me déplacer dans notre chère France que l'on aime. Que l'on aime. Que Irregardable l'on aime. 2 est-il en préparation, Babar? J'aimerais, j'ai toute une trame écrite. Est-ce qu'on peut dire ce qui est Irregardable 1 déjà? C'est mon long métrage. Il a fait un long métrage sur YouTube. Ça dure une heure. Merde sans nom. C'est une merde sans nom, voilà. Mais les gens l'ont bien aimé. C'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne, bizarrement. Et je rêve de faire le 2. J'ai commencé à tourner les 15 premières minutes qui sont montées. Et puis mon pote peut plus veut plus faire la suite parce que maintenant il a un vrai travail et voilà, c'est compliqué. Merde. Du coup je dois tout retourner et j'en attends, rêve. Il joue, c'est à quelqu'un qui joue dedans? Ouais. Bah après si c'est une merde le film, tu changes d'acteur, c'est pas grave. Oui, mais c'est en cours de route. Faire. Non, il veut même mais pas être vu. Je lui ai proposé mais il veut pas être vu. J'ai pensé à un changement de visage. Dedans. Non, il veut pas être dedans. Non, ah merde. C'est compliqué. Tu le floutes. Ouais, comme croûte. Non mais croûte. Tu fais des effets de merde où tu mets la, tu cales la tête. Je veux un truc cali, Adrien. Je suis ok. Moi j'ai entendu sombre merde. Je me disais. Tout n'est pas Phantom Force. Oui, on parle du 2, Adrien. Ouais, okay, le 2, je veux. Non mais oui, donc j'avais j'aimerais. Pas pardon. J'ai une trame globale. Je suis en train d'écrire un script, mais j'aimerais bien avoir tout depuis le début. Enfin, j'aimerais. La dernière fois, j'ai écrit au fur et à mesure. Je tournais une scène l'après-midi, j'écrivais le matin. Et là, j'aimerais bien avoir tout d'un coup et puis pouvoir bosser efficacement. Bien sûr. Voilà. Je viens d'avoir une révélation, mais j'aimerais trop faire la parodie porno de Phantom Force. Ah oui. Chez Dorcel, en fait, ce serait génial. Et, mec, moi, et on l'appellerait. Tu veux le mail du mec? Oui, écoute, pourquoi pas. Tu sais que moi, à chaque fois que je fais Phantom un truc. Foutre. Phantom Foutre. Phantom Foutre, ouais, oui. Foufoune Force. Ouais. Moi, à chaque fois que je crée un truc, j'imagine que je rêve que des gens en fassent la version porno. Mais genre à chaque fois. Alors qu'est-ce qui se prêterait mieux à la version porno dans tout ce que t'as créé? Donc déjà pas les trucs où c'est déjà ça parle de cul. Et oui, de en même temps les trois quarts parlent déjà de cul. Bah Bloqué, j'étais surpris. Moi Bloqué, je pensais vraiment que quelqu'un allait faire deux meufs qui baisent sur un canap en ciseaux sur le décor de Bloqué en faisant des références geek. Et le bureau des rêves, je trouve que ça marche bien en porno. Ou Églantine. Non, il y a un célèbre. Églantine, ça marche très bien. La version porno d'Églantine. Ce floodcast en version le porno. Cauchemar. Oui. Églantine. Églantine. Églantine, et c'est bon. Surtout qu'il y a un célèbre canapé noir en cuir dans l'histoire du porno. Ouais. Ah oui, bah merci de me soutenir là-dessus. Ah, regardez les deux qui se branlent sur Insta là. Les deux tontons branlouses là. Ça va les tontons branlouses? Casting couch. Allez, allez, regardez ce qui se passe ici. Les tontons branlouses à 18h sur RMC. JB, est-ce qu'il y a un tabs que tu rêves de faire sur quelqu'un que tu n'as toujours c'est pas un fait rêve. C'est j'aime ça. Ouais, j'en rêve. Non, mais en vrai, j'adorerais faire des tabs sur un tab sur. Sur Seinfeld ou sur Steve Martin, tu vois, mais. Tu dis, il y a moins de vues. Bah oui, parce qu'en fait, c'est des gens qui. Comme Chiviches, par exemple, j'adorerais faire un tab sur Chiviches, mais. Ouais, mais en fait, ça parle à personne. Ça va, Adrien fait. Connard. Non, mais. Y a... Non, mais c'est pas ça, c'est que ça parlerait à personne, finalement. Et l'idée, c'est de faire un truc qui parle à peu près à tout le monde. Oui, toi, ce que t'aimes bien, c'est des trucs très précis, un peu obscurs, sur des gigastars. Voilà, mais en fait, l'idée, c'était. Vraiment le tout début de table, c'est que avec mes potes à la base, je lisais. Je pense que toi qui adore le cinéma, tu l'as le cinéma. Bah oui, t'adores le cinéma, oui. D'aller voir les trivia sur IMDb. Bien sûr. Et j'adorais trouver des trucs méga rares. Après, j'en parlais aux potes et tout. Et un jour, je me suis dit, bah autant mieux le faire en vidéo. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dénicher des petites infos méga rares, même si c'est de la merde, même si c'est nul, tu vois. Par exemple, de savoir que Tom Hanks a bossé dans le stade des Auckland en vendant des chips là-bas, je trouve ça cool, en fait. Ouais. Et l'idée, c'est de regrouper toutes ces petites infos et de les balancer dans une vidéo. Attends, mais t'as fait des trucs sur des chiens, tu peux faire sur Seinfeld. C'est vrai, j'ai fait un tab sur le chien. T'avais pas fait genre le diable ou non, t'avais pas fait un truc. J'ai fait la mort. La mort. Un tab sur la mort. Donc tu peux faire Seinfeld. Les chiens, ça buzz sur YouTube, c'est des dogos, je te rappelle. J'essaie de lui faire vivre ses rêves là. Il y a la dictature de des vues là. Mais non, mais tu fais un sur Bill Murray, puis tu mets la moitié sur Chiviches, en vrai, tu le cales en scred. Ouais, Bill Murray, j'ai déjà fait. Ils sont battus. Mais peut-être que je le ferai plus tard, sûrement. Mais oui. Voilà. Allez, est-ce que tu as des invités dans un vidéo store que tu aimerais avoir? Là, je parle plus de guests qui viendraient dans le vidéo club. Des invités possibles. Ouais, oui ou pas, les deux. Les deux vont. Les deux, bon, c'est vraiment des rêves inaccessibles, donc. Tu vois. Mais... Non mais en vrai il y a rien du coup. Non mais en vrai là je vais tenter. Moi je connais truc. Kevin Smith maintenant donc si j'ai. C'est vrai, ça peut être pas mal. Mais en vrai c'est tentable. Enfin on sait jamais, c'est tentable quoi. Mais en vrai il y a un mec que j'aime beaucoup, c'est un américain qui s'appelle Gabriel Gundecker. Ah oui. Ah tu connais? Bah le Viner, mais on en a exactement. Parlé. Ah bah oui, ça. Et je le trouve c'est très drôle. C'est Ghostbusters. Oui. Bien oui, sûr. Exactement. Génial. Et en un fait, des meilleurs Vines du monde. Exactement. Et en fait, ce mec, je l'adore. Je trouve qu'il a un talent incroyable. Je le verrais bien au SNL, ce mec. Je le trouve vraiment bien très sûr. Très fort. Le Guy Who Love Music, c'est un des trucs qui me faisait le plus exactement. Rire. C'est une série de Vine où c'est juste un mec qui écoute de la musique. Je peux pas vous le raconter. Faut le regarder. C'est un bruit. C'est une étape sur YouTube, Guy Who Love Music, et vous allez voir, c'est incroyable. Il fait aussi un truc qui est très drôle, c'est qu'il recrée des musiques de Wii qui auraient pu être dans Wii Sport, mais pour des sports improbables, genre Wii Curling. Et en gros, il imagine ce qu'aurait pu être une musique pour Wii Curling et il les crée, et puis c'est trop marrant. Ouais, c'est très, très et en gros, ce mec, je l'adore. Et en fait, à côté de ça, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Fat Night parce qu'il chante, et il chante très bien aussi. Il est vraiment multitalentueux. Et Fat Night passe à Paris en juillet. Du coup, je vais voir si je peux pas faire un vidéo store. Ah, c'est trop bien, ça serait incroyable. Donc, je vais lui demander et puis on verra s'il dit oui. mais ce serait trop bien d'avoir Gabriel Gundekker dans un vidéo store. Surtout, je pense que c'est jouable parce qu'il est pas vraiment connu en vrai. Ouais, il joue. Ouais, il doit jouer dans une petite salle du coup. Là. Ouais, ouais, je sais plus où il joue, mais je crois même que c'est gratuit. Je sais pas. Mais en gros, voilà, j'adorerais avoir Gabriel Gundekker dans un vidéo store. Voilà. Il y a quelqu'un qui me partage une anecdote perso et il me demande si vous avez une réponse. Il s'est pété le frein en se masturbant et il aimerait trouver une excuse pour sa meuf parce qu'il pense qu'il a peur qu'elle pense qu'il l'a trompé. Et en même temps, il doit pas savoir que je me suis branlé. Je veux pas qu'elle sache que je me suis branlé parce qu'on n'est pas encore à ce stade où on parle de branlette. Ouais, après, il y a pas 12 000 façons de se casser le frein. C'est soit tu t'es branlé, soit t'as couché baiser avec quelqu'un. Ouais. Donc dis que tu t'es branlé. C'est ça, vous en êtes à ce stade de la relation. Voilà, je crois que c'est le moment. À la limite, tu dis putain, j'ai écouté un podcast et à 1 heure et tant de minutes, ils disent un truc super. Et ouais. C'est ce qu'on vient de dire, ouais, et ça. Comme ça, c'est pas à lui de le dire. Et si tu nous écoutes, demoiselle, bah c'est. Voilà, il s'est branlé. Et puis tout le monde se branle, hein. Oui, vraiment. Faut arrêter de. Ouais. C'est vraiment. Pas un tabou, hein. Ça, ouais. C'est, ouais, ouais, moi, ça. Je me souviens qu'au collège, tout le monde me disait. Faudrait qu'on en parle un peu dans ce podcast. Mais ça, c'est un truc, quand on est jeune, les filles, on croit que les mecs, ils se branlent pas dès qu'ils sont avec nous, en fait. Ouais. Oui. Et il y a un truc de. Quoi ? Tu te branles ? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et... Ouais. Donc, mademoiselle, moi, faut accepter. Plus quand je suis en couple. Qu'ils se branlent. Tout autant que tu as le droit de te branler toi-même, jeune fille. Ouais. Tu as le droit de te branler. Aucun problème. Branlez-vous. J'ai une bonne question pour toi. Mettons que tu sors avec, t'es avec un mec. J'imagine une petite chanson d'Elton John. Et tu vas la faire en chanson. Non, et tu surprends ton mec en train de se branler. Quelle est ta réaction ? Dans la rue, hein. Bah, tu le branles immédiatement. C'est une super question. Ouais, bah oui, effectivement. Oui. En question branlette, je suis très très fort. Mais... Bah, on te retrouve d'ailleurs tous les soirs à 18h, le branlette show. Le nouveau format, sur table. C'est ça. Alors, une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de gêne du genre oh mon dieu, désolé, pardon. De ta part. Ouais. Non, et de la scène aussi. Je serai très sereine, très bien. Très sereine. Maintenant, le problème, c'est est-ce que je vais exploser de rire et c'est très gênant. Ouais. Bon, tu rigoles, oui, je pense. Je sais pas. Bah, est-ce que tu feras attention sur au support, c'est-à-dire sur quoi ils se branlent. Genre si c'est si c'est un compte Insta d'une table, pote, par exemple. Une table basse ou un plan de travail de la cuisine. Je pense que j'y prêterai pas attention. Ah, ouais, mais j'ai peur de. Il se peut aussi que je découvre et que je fasse ah. C'est un mème, ça. C'est très possible que je fasse ça. Que tu fasses un mème, donc. Jean-Baptiste, quelle est la chose la plus rare que tu possèdes dans ta si grande collection ? Oh là là, le mec. Alors déjà, je dois dire qu'on se trouve dans une salle. Les gens ne voient pas. Mais on se trouve dans une salle et un musée de la geekerie. Mais ouais, mais Florent est un grand collectionneur, je dois le dire. Et encore, là, c'est ma collection à Paris, parce que j'en laisse bon nombre chez mes parents. Vrai. D'ailleurs, ta casquette Star Tours. Oh, t'as vu, elle est magnifique. Incroyable. Et surtout, j'ai une collection que j'ai bâtie avec mon père de figurines Star Wars, où on en a plus de 1000. Voilà, je peux pas vous dire mieux. J'ai tous les vaisseaux. Oui, il y a quelques petites pièces dans cette salle dont je suis très jaloux. Ouais, des petits trucs dont je suis fier, des trucs dont je suis content. Bon, mais on parle de la tienne. Oui, qu'est-ce que. Je dirais le. Alors, déjà, j'ai deux douilles de pistolets qui ont servi sur le tournage de L'Arme Fatale. C'est si précis. Oh là là. Que m'a offert Warner Bros. Ah, offert. Ouais. Tu les as pas achetés. Non, offert. Donc, j'aurais aimé savoir stylé. Combien tu aurais payé. Ouais, donc c'est assez culte. Et sinon, je possède l'arcade, donc la borne d'arcade Terminator 2 des années 90, que j'ai récupéré il y a quelques mois dans le Nord. C'était une vraie galère. Et il y a ça dans mon bureau quand je travaille juste à côté. Et c'est fou. Parfois, je passe à côté, je me dis putain, c'est la borne d'arcade Terminator 2, quoi. C'est dingue. Et c'est celle qui a été utilisée dans le film ? Non, mais très bonne question, parce que c'est vrai qu'il y a un passage en main dans le film où ils sont dans une salle d'arcade. Mais non, en fait, après le film, ils avaient fait une borne d'arcade. Galère, où t'as des deux mitraillettes, exactement, ouais. La Galeria. Et t'as deux mitraillettes, et puis tu dois. C'est le jeu Terminator 2. Et, d'accord. Et voilà, et en fait, j'ai vu ça sur le Bon Coin, et je suis allé dans le Nord pour la récupérer sans aucune préparation, alors que ça demande beaucoup de préparation. Et puis voilà, c'est je pense t'as que c'est loué un petit utilitaire ? Oui, j'ai trouvé un camion. Et donc, du coup, c'est ma plus grande pièce de collection, je pense. Voilà. Eh ben. C'est magnifique. C'est très magnifique. Babor, est-ce que ton humour, tu t'es déjà heurté à des sensibilités, vu que tu as parfois eu un humour un peu trashos ? J'ai déjà supprimé des trucs, oui, ça m'est arrivé. Je suis très sensible à la pression sociale. Hein. Dès qu'il y a deux supprimes en dessous de mon tweet, j'enlève et puis j'ai peur. J'ai peur du bad buzz. Tu fais ce qu'on te dit en fait. Supprime, bah ok. Ouais, j'enlève. Voilà. Vous pouvez tester d'ailleurs, allez-y. Oui, alors après. Voilà, est-ce que c'était justifié ou pas, je peux comprendre que des fois, voilà, ça choque. Mais... Ouais. Mais en vrai, c'est jamais vraiment méchant, je trouve. Ça va. Ouais, ça va. Non, mais j'ai même supprimé un tweet sur Notre-Dame. Tu vois, alors qu'il n'y a pas eu de mort. Y a, voilà, ouais. Oui, rappelons-le. Hein, rappelons-le. Ta blague la plus trash. Non, là, là. Bah... franchement, j'en sais rien. Je t'enverrai mon archive de tweets. Et une question un peu pour tout le monde, et je finirai là-dessus. Quel serait pour vous l'Everest professionnel à franchir? Genre le plus grand accomplissement que vous pourriez achever professionnellement parlant. Moi, je peux commencer si vous voulez, parce que moi, du coup, j'ai eu le temps de bien le truc. Ce serait faire un film, tout simplement. Ouais. Écrire et réaliser un film qui serait rigolo et touchant. Voilà, ce serait mon Everest. Si j'ai réussi ça, déjà, j'ai réussi pas mal de trucs. Ouais, ça, je l'ai déjà fait, du coup. Non, faire un film, mais bien. Ouais. Voilà. Ouais. Ça aussi, ouais. Mélo. Faire un film et gagner un César. Ah. Dans les costumes. Évidemment. Oui, bien oui, sûr. Évidemment. Non, parce que je connais la Mélodie comédienne. J'ai dirigé Mélodie Collange, oh, moi, quand même. Tu parles de Prunel. Tu te trompes, je crois. Ah oui, non, Prunel, effectivement, est une vraie personne. Excuse-moi. Des fois, je me trompe. Effectivement. Mais, si on parle d'Everest, ce serait faire un film aux États-Unis. D'accord, ok, ouais. Je pense. Oui, c'est peut-être c'est un Mont Blanc, ce qu'on dit, en fait. Ouais. Faire ouais. un film. Donc, ouais, quel ouais. serait l'Everest? Oui, d'accord. Mon reboot d'Inspecteur Gadget. Tu voudrais faire ça? J'ai en tête, mais mec, c'est très drôle. Je rebondis. Moi, je veux faire un remake du film Le Jouet, qui est un film français des années avec Pierre avec Richard. Et c'est pas Schwarzenegger, c'est pas c'est la course, non, au c'est la course aux jouets. Ah, non, non. Non, Le Jouet, c'est un film avec Pierre Richard où en fait c'est un patron d'entreprise qui achète un humain pour son fils. Enfin, c'est pas qu'il achète un humain, mais c'est son employé et il lui dit je vous donne tant d'argent et vous êtes le jouet de mon fils. Bah, pour moi, c'est Black Mirror. Ouais. Et je trouve que ce film, c'est un Francis Weber pas connu et je rêve de le faire en remake avec des acteurs qu'on. Enfin, tu vois, ou en France, des Joe Cohen ou des mecs comme ça, j'aimerais trop. Enfin, je pense qu'ils seraient trop forts dans ces trucs-là, quoi. Donc voilà, tu as Inspecteur Gadget, moi le jouet. Pareil, un peu réaliser un film, ce serait un rêve, mais je pense que plus que de réaliser un film, et ça va avec, ce serait de, je sais pas comment expliquer, mais de se sentir légitime en fait. Mm. Parce que parfois, autour de cette table, on crée tous des choses, mais moi personnellement, j'ai toujours ce truc de doute en me disant, un jour les gens vont se rendre compte de la supercherie, puis. Ils vont voir qu'en fait de l'imposteur, tu veux dire. Mais ouais. Ça, après, si tu leur dis, forcément, ils vont s'en douter. Non, mais ce truc de se dire. Si t'as fait ton film irregardable, par exemple. Ce truc de se dire, est-ce que j'ai de la chance ou est-ce que je mérite de faire quelque chose un jour qui peut vraiment intéresser les gens. Et quand on a la confirmation de ça, c'est qu'on a réussi, je pense. Donc, c'est un peu mon rêve, en fait. C'est beau ce que tu dis. Donc, voilà. Ouais, c'est un petit peu. C'est beau. La paix intérieure, je comptais en fait, vous faire pleurer un peu, ça marche pas. Ouais. Mais donc, voilà, c'est ça. Mais après, oui, réaliser un film, c'est. Ce serait et avoir une version porno de ton film du coup aussi, Adrien. Ouais, c'est ça, bien sûr, ouais. Évidemment qui va avec, bien sûr. Bon, trop beau. Bon, j'ai envie de finir sur cette note, mais c'est vrai qu'on a les recommandations, on peut les faire vite fait, un petit tour de table, un truc que vous avez aimé récemment, que vous avez envie de partager aux gens. Moi, c'est Rocketman. J'ai vu Rocketman, c'est un chouette film avec Elton John. Ouais, tout le monde dit que c'est cool. C'est un biopic, mais c'est je veux pas trop en dire, mais c'est pas un biopic à la Bohemian Rhapsody ou même à la The Doors d'Oliver Stone. C'est plus fantasmagorique que ça et c'est chambé. Vraiment, alors que je m'en fous d'Elton John, je connaissais très très peu. Ouais, non, mais je connaissais pas. Et maintenant j'écoute à donf parce que ça m'a. Enfin, j'ai découvert un artiste. Donc c'est rare quand ça fait ça. Et donc je vous conseille ce joli film. Ok. D'accord. Moi, ce serait une chaîne YouTube qui s'appelle Dava, D-A-V-A. Ok, super trop très cool. Ouais. C'est la chaîne de deux mecs qui s'appellent Sacha Béard et Augustin Shackelpopoulos. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait déjà. Non c'est... Mais vas-y. Ouais, non, mais c'est de l'humour assez pointu qu'on peut qualifier d'un peu noir, mais c'est vraiment très fin et très bien écrit. Ils ont fait un bouquin très très drôle. Ouais, où fiches de lecture. Les fiches de lecture de livres. Et ça, c'est 200 chefs-d'œuvre en un. 200 chefs-d'œuvre en un, et c'est très très drôle. Et sur leur devanture, il y avait écrit. Plus de 2000 vues sur YouTube. Non, ils sont très très doués et ils font aussi des événements live dans des bars. Ah, d'accord, je savais. Un peu style TEDx où ils parlent chacun leur tour. Bon, c'est tout écrit, c'est très marrant. Ça, ouais, mais il l'avait fait dans ça une change grande un salle, peu. De quoi? Il l'avait fait dans une grande salle à Paris, j'ai oublié le nom. Avant, c'était à la Gaîté Lyrique qu'ils faisaient, mais ils en sont à la 7ème édition et à chaque fois, c'est 50 minutes, quasi une heure. Surtout, où ils parlent. Un des deux avait fait un sketch très drôle sur YouTube où en gros, il balançait tous ses achats à New York et on se rendait compte qu'il avait acheté plein de trucs nazis. Ah non, mais ça c'était la vidéo où il redoublait une youtubeuse beauté. Oui, ouais, exactement, voilà. C'était très très drôle. Il redoublait mot pour mot, je me demande même comment il a fait, il avait appris genre 5 minutes entières. Enfin, il était. C'était la voix de la youtubeuse où il déballait ses trucs nazis. Ah oui, voilà. Bien sûr. C'était une vraie performance. Artistique. Ah oui, non, il doublait pas, il jouait sur la voix de la meuf. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ça. Je me suis exprimé. Et c'était du lip sync parfait, quoi. Lip sync parfait, mais vraiment à s'y méprendre, quoi. Voilà. Mélodie ? Non, moi j'ai honte de ouf, je suis dans une bulle de rien en ce moment. J'en suis à la saison 8 d'une série que je pense que personne ne connaît et que je vous conseille tous vivement, qui s'appelle Friends. Mais je ne l'avais jamais vue. Eh ben, c'est vrai, je découvre Friends en ce moment, j'en suis à la saison 8. Ouais. Alors ne disons rien parce que moi j'ai spoilé Friends à ma meuf. Je crois que j'en ai déjà parlé dans ce podcast. Mais j'ai dit un truc de Friends. Attends, saison 8, ça tu l'as, je pense. Monica ? Ouais. Monica, elle est en couple avec qui en ce moment ? Chandler. Donc c'est bon. Donc je disais, ah Monica, elle est quand même longtemps avec Chandler. Non, après et tout. Par contre, je connais globalement comment ça se termine. Oui, d'accord. Parce que j'ai maté des épisodes à droite à gauche, je suis tombée dessus dans ma vie, mais je n'ai jamais tout regardé en fait. Bah, mais moi, quand je disais Chandler et Monica, j'avais spoilé à ma meuf Friends, quoi. Mais c'est dur de se dire 10 ans plus tard. Ouais, tu peux pas en vouloir là. Non, elle m'en a pas voulu. Mais tu te sens con sur le moment de dire, ah merde. Effectivement, c'est un spoil. Ça fait 10 ans qu'elle avait tenu le coup. Elle avait tenu 10 ans. Et je ruine tout. Voilà. J'y vais ? Moi, c'est une maison d'édition qui s'appelle Capricci. Et en gros, je lis beaucoup de livres. Ils font aussi du ciné, Capricci. Et évidemment. Et Sofilm, c'est eux ou pas du tout d'ailleurs ? Je me suis toujours posé la question. Ouais. Exact. Très bon magazine. Et en gros, j'ai acheté pas mal de livres qui viennent de chez Capricci. Il y a la biographie de Steve Martin que j'adore. Il y a aussi des entretiens de Judd Apatow avec plein d'humoristes. Et le livre est vraiment cool. Un livre avec Chantal Akerman aussi. Et en fait, ils ont une bonne façon de faire des livres. Et ce qu'ils racontent à l'intérieur, c'est très bien. Ça se lit très rapidement, très facilement. Et voilà, donc je conseille. Très bonne traduction. Ouais, et exactement. Et je conseille vraiment les livres de chez Capricci. Leurs sujets sont toujours très cool et triés sur le volet. Et je vous conseille même. Pour moi, alors, le meilleur livre qu'ils ont édité, traduit, c'est Faire un film de Sidney Lumet. C'est un vieux livre. Sidney Lumet, il est décédé. Mais c'est le metteur en scène de 12 hommes en colère. Entre autres, et de que je le dis ça à Adrien parce que c'est un très grand fan du film, mais il a aussi fait Un après-midi de chien, enfin moi des films que je considère comme les plus gros chefs-d'œuvre du cinéma de l'histoire du cinéma. Et son livre est extrêmement didactique avec des petites vannes, avec plein d'exemples de sa filmographie. C'est lui qui a fait aussi Before the Devil Knows. Oui, voilà, et l'Agatha Christie là, ils sont tous dans un train et il y a un mec qui se fait assassiner. L'Orient Express. L'Orient Express, voilà, c'est lui qui a fait la première version cinéma de l'Orient Express. Enfin bon, bref. Super réalisateur. Et voilà, un réalisateur incroyable et qui raconte comment faire un film. Et souvent, c'est vrai qu'il y a ce truc avec Adrien quand on écrit, il y a plein de livres sur comment écrire des scénarios qui sont faits par des mecs doués dans expliquer mais qui n'ont pas une filmographie forcément impressionnante. Et là, t'as vraiment un mec qui est un des plus grands cinéastes qui explique lui comment il fait un film. Et du coup, c'est fascinant. Et donc voilà, de Capricci. Et d'ailleurs, très bon livre. Pour les gens qui recherchent ce genre de livre, il y a un livre qui avait été écrit de la même façon par Robert Bresson, qui est un grand réalisateur français. Et en gros, c'était des petites notes. Donc c'est très facile à lire. C'est en 100 notes, je crois, 50 ou 100 notes. Et en gros, il met des petits mémos. Par exemple, si tu veux montrer une émotion, ne jamais la montrer comme ça à fond. Une émotion, ça se montre via un angle différent. Et il met plein de petites notes. Ce que vous avez fait sur Phantom Force, d'ailleurs. Absolument. Donc il met plein de petites notes comme ça, de pièges à éviter pour faire un film. Et c'est très intéressant. Ça s'appelle comment, tu sais? Je t'enverrai la photo sur Insta si tu veux. Voilà. Le petite note. Les petites notes de Bresson. Avec un apostrophe, les petites notes. Et Adrien? Un podcast, alors c'est en anglais. Podcast, mais c'est en français. Ah. Un podcast qui s'appelle Splash, qui parle d'économie. Et alors j'en ai écouté que deux, mais qui étaient vraiment très très intéressants. Alors ça va faire de vous, par contre, je suis obligé de vous prévenir, un gilet jaune. Vous allez vouloir détruire le système capitaliste, c'est sûr. Enfin, j'ai écouté le premier épisode d'un diptyque. Ça marche, ce mot existe. Sur l'économie des prisons, le business des prisons. Alors le premier épisode parle du business. Au niveau de la société, c'est-à-dire ce que ça rapporte de construire des prisons, ce que ça rapporte du coup de mettre des gens en prison et tout, et donc c'est vraiment horrible, vraiment envie de tout brûler tout simplement, tel un gilet jaune. Et le deuxième épisode parle du business interne des prisons, c'est-à-dire comment les détenus se font de l'argent, sont rémunérés, et pareil, on y revient quand même, il y a des entreprises qui emploient des détenus pour 1 euro de l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, le code du travail, ça n'existe pas en prison. Et donc, des entreprises qui trouvent là une main-d'œuvre vraiment ultra bon marché. Et c'est hideux, quoi. Voilà. Et donc bah, je vous conseille, parce que moi c'est vraiment des sujets sur lesquels je, bien que j'ai fait une terminale ES, je, j'y connais vraiment pas grand chose. Et bah, c'est cool d'avoir des gens qui, c'est des gens qui sont profs de sociologie et d'économie je crois, et qui expliquent vraiment les trucs. C'est hyper intéressant quoi, voilà, parce que moi je me sens un peu inculte dans tous ces trucs là, et c'est cool d'avoir des gens qui t'expliquent ça bien quoi, comprendre un peu comment marche la société et le monde qui nous entoure. Juste, si je peux me permettre, tu parlais de podcast, je voudrais aussi recommander un podcast récent qui a créé un type qui s'appelle Cole Hirsch, qui fait partie de la bande aussi de Gabriel Gundecker, et en gros ça s'appelle Podcast But Outside, et en gros il se pose dans la rue. Il parle avec des gens, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. On en a parlé. Ah bon? Ok, d'accord. On en a parlé dans la vie, ouais. Ouais, en fait, ils se posent dans la rue, puis ils prennent des gens au hasard, et genre, ouais, t'appelles comment, tu fais quoi comme boulot, et puis je sais pas, ils en viennent à parler de trucs cool, marrants, et ils arrêtent 4-5 personnes comme ça dans la rue, et ça s'appelle Podcast But Outside, et c'est très très cool. Voilà. Eh bien super, désolé, ça a été très long cet épisode, je me suis fait emporter par la foule, je viens de voir que ça fait 3 heures qu'on parle. Dernier petit tour de table pour savoir l'actu un peu de chacun. Mélodie, en plus c'est que tu te lèves tôt demain. Clément, donc ouais, la bande dessinée. C'est ma BD qui vient de sortir, ouais. BD, YouTube toujours. Non, après c'est le vide intersidéral. Toujours YouTube, toujours YouTube. Toujours, ouais. YouTube. Le buzz, abonnez-vous. Évidemment. JB. Bah il y a un nouveau, nouveau concept. Mais ouais. En septembre, ça, tu gardes pour la rentrée ou pas du tout? Ouais, bah, parce que là, il y a l'été qui arrive, donc je pense que les gens sont. Tu fais un truc fin juin, je crois, début juillet. Ah oui, c'est ça, exact. Je serai avec McFly, Kaito, Léopold, Natou et Squeezie. Ouais. Et moi, je serai un petit peu derrière les platines. J'ai écrit les trucs qui vont se passer. Ok, cool. Voilà. Et en gros, moi, je serai pas avec vous, mais je serai en duplex. Bien sûr, je sais. Avec le cast de Stranger Things, parce qu'il y a une soirée spéciale, une sorte de binge-watching au Grand Rex. Voilà. Et vous serez en studio. C'est ça. Vous allez mater la... Bah moi non, parce que moi je te dis, je suis vraiment derrière la caméra. D'accord, et j'ai juste écrit des petits concepts de conneries à faire pendant le live. Okay. Mais oui, Léopold, Nat et compagnie. Ouais, ça, et en gros, il y aura des duplex, et puis moi, je serai avec le casque pour leur poser des questions, etc. En mode, tu sais encore dans le casque qu'il y aura ou pas du tout? Peut-être qu'il faut pas l'annoncer, peut-être d'ailleurs. Alors, ouais. Je l'ai vu, mais justement, je sais pas si j'ai le droit de l'annoncer. Tu me le diras. Mélodie? Alors, au niveau de mon travail de chef costumier, rien que je ne peux dévoiler. Très bien. Malheureusement, rien. Star Wars. Absolument différent. Je sais pas quand est-ce que tu postes ton podcast, mais début juillet, j'ai une culotte que j'ai créée en collaboration avec une marque de lingerie dans un esprit rétro gaming qui va sortir. Bah dis donc. Alors, c'est geek, ça. Qui sera en vente sur le site de bibiche.com. Chambé. Très bien. Bah, ça. Trop bien. Et Mielos, On est sur du. On prépare lourd. On prépare lourd le live Floodcast, c'est ça que tu veux dire? Alors non. Non, c'est pas ça. Non, je vois. Enfin, oui, mais oui aussi, mais voilà. Et d'autres projets, voilà. Oui, dont mais on dont peut on peut pas parler, donc bien ça sûr. Rien. Mais donc, dire qu'on écrit, voilà. Mais non, mais je travaille. Voilà. J'ai rien qui sort, voilà. Non, je crois pas. Si, non. Je vais tourner dans une série, mais. Tu sais pas quand encore. Je sais pas si j'aurai d'en parler. D'accord. Voilà, donc. Dégueule à mes yeux. Voilà. Et bah écoutez, on vous fait des gros bisous. Merci, merci beaucoup. La semaine prochaine, ça va pas être un Floodcast normal puisqu'on a un spécial Pixar. En même temps, je sais pas. Peut-être qu'il sort 2 semaines après. Mais on va faire un épisode avec Timothée Auchet, François Descraques et Valentin Vincent. Et c'est un peu les épisodes un peu de Geekos qui durent 4 plombes. Sans qu'on moi avait fait avec Harry, donc sans Adrien. Qu'on avait fait avec Harry Potter, avec Mello. Et on avait fait le Star Wars. On avait fait Marvel. Et donc là, on fait Pixar. Donc on revient sur tous les films Pixar. Et voilà, cool. Avec les petites anecdotes, les petits trucs. Voilà, tout ça. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Salut. Ciao. Dab. Elle avait mis dans mon blouson des rêves bleus et des frissons. Ma météo, c'était ses yeux. Quand ils brillaient, on était deux. Elle a tout pris dans la maison. Je laisse juste courir. Mon cœur, ma sûr, vie, mes boîtes de thon. Et m'a laissé comme un adieu. Une chose d'elle qui frise un peu, un poil de cul sur ma savonnette. Ouais, ça prend un peu. Et ça pollue toute ma planète. Sous l'eau chaude, il reste collé. Alors du doigt, il faut gratter. Ouais. Et puis sous l'ongle, aller chercher le poil de cul sur ma savonnette. Aznavour pour moi.